01 42 46 5000, le numéro de téléphone pour nous joindre tous les soirs sur Fun Radio entre 20h et 23h. Love in Fun, et merci pour cette semaine. On a passé encore une super semaine avec vous, mais tous les soirs c'est aussi bon. Franchement, soyez là dès lundi 20h. Je pense qu'on prendra des nouvelles de pas mal d'auditeurs de la soirée encore. Il s'est passé plein de choses dans l'émission. On vous mettra bien sûr en vidéo, à mon avis, le professeur Caribou. Ah, il était fantastique. Faudrait qu'on le rappelle un jour. Ah, je pensais. Plus tôt. Ouais. C'était trop tard pour lui, il allait se coucher. Le gars, il va te lancer un sort. Quand même. Ouais, ouais. Non, il l'a déjà mis sur Carrel, donc ouais, je suis sauvé. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas peur. Et on parlait des déguisements. On va peut-être demander justement à Mickaël et toute l'équipe s'ils se sont déjà déguisés. Bonsoir, Mickaël. Hello. Salut. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé des déguisements pendant l'amour? Alors, pas forcément, mais par contre, Toff viendra lundi avec un costume, puisque visiblement, ça fait kiffer Karima. Oui, bien merci. Sûr. Voilà, avec plaisir, Karima. Il sera là en costard. Ah, en costard? Ah oui, ouais, costard. Ah si, si, en costard. Mais pas de nœud de pape, hein, une cravate. Une cravate. Une cravate noire fine. Très bien. Très bien. Ça y est, je suis dans mon délire là. Je te ferai ça avec plaisir. D'accord, merci. Voilà, comme ça au moins tu l'auras. Je te ferai un striptease bien dégueulasse. Oh. Est-ce qu'on pourra ne pas regarder? Oui, bien tout sûr. Tout le monde assistera à ça. Il n'y a pas de problème, il viendra dans Love in Fun. Comme ça, vous allez pouvoir suivre ça sur funradio.fr. Je viendrai me frotter à toi, Karel. On va fuir ça, oui. Ah oui, oui, oui. Frotte-toi, Doc. J'ai l'impression qu'il a besoin d'affection en ce moment. C'est possible, c'est possible. Bon, ben bon week-end. Ouais. Merci, vous aussi. Ah, c'est déjà fini, ouais. Eh ben ouais, t'as vu. Hein, on se retrouve lundi. Exactement. Et puis, bah, nous, on va se retrouver maintenant, là, jusqu'à 2h du matin. Gros bisous, bon week-end, tout le monde. Bisous, à lundi. Salut, salut. Ciao. 23h, 2h. Fuck. Mickaël, nos limites. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Ça y est, c'est déjà la dernière de la semaine, de 23h à 2h. Mais ne vous inquiétez pas, on sera de retour évidemment dimanche à partir de 20h. 20h, minuit, tous les dimanches soirs. Et puis évidemment lundi prochain, lundi, mardi, mercredi et jeudi de 23h à 2h. Continuez d'ailleurs à le dire autour de vous. Hein. Il y a enfin quelque chose à écouter le soir à la radio. Est-ce que t'as déjà fait la promo, Maxime, toi autour de toi? Oui. Ah, très bien. Ça va bien, Maxime? Oui, salut. Bah oui, écoute, oui, ça va plutôt bien, Maxime, là, tranquillement. Passez une bonne journée. Merci. D'accord, ok. Je sens que ça va être pratique avec Maxime. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu avec Maxime, c'est que je vais lui poser une question, il va me répondre à une autre. En fait, c'est le jeu où tu réponds toujours à la question d'avant. Ouais, c'est ça, toujours une question. Ça va, Maxime? Oui, ça va. Ah, ouais, c'est ça. Voilà, mais non, ça va. Ou alors il avait la radio derrière, du coup il écoutait avec du retard, je sais pas. Bon, Maxime, reste avec nous si vous avez envie de parler avec nous, comme Maxime par exemple, ou comme Thibaut qui est avec nous. Salut Thibaut. Salut. Comment ça va? Bah, ça va bien et vous? Bon, très bien. T'as déjà fait la promo autour de toi, qu'il y avait un truc à écouter le soir à la radio? Ouais, bah ouais, tout le temps. Ah bon, bah très bien, ça va. Alors faites la promo autour de vous aussi, chez vos potes, tout ça, etc. Potes, famille, amis, etc. N'hésitez pas, évidemment. 23h, 2h en l'occurrence ce soir, jusqu'à 2h, y compris le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et puis si vous avez envie de parler avec nous, eh bien vous faites le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 depuis la Belgique. On parle de ce que vous voulez d'ailleurs, hein, comme avec Thibaut et avec Maxime dans quelques minutes. Et si vous appelez le numéro, bah, vous tomberez sur Sandro qui est avec nous. Ce soir en pleine forme. Ouais, ça va. Bon, très bien. Toff est là également avec tous les amis habituels. Allez, maintenant va te faire enculer. Voilà. Je te pénètre ta gueule, sale con. Voilà aussi. Bref, tous ces amis qui sont là tous les soirs. Avec grand plaisir d'ailleurs. Hein. Ah, bah oui, ils m'aiment. Ah, bah évidemment. Et puis Polo également avec le Pipo comme chaque soir. Hein. Toujours ce grand talent. Ouais. Ce grand, cet énorme talent. Oui, c'est ce qu'on dit. Et bah oui, et comme tous les jeudis, on se fera le canular du jeudi. Alors la semaine dernière, il était très lourd. Trop lourd. Merde. Pardon, j'ai fait de la merde. Autant pour moi. Attends, qu'est-ce que le gars il fait avec sa voiture? Qu'est-ce qu'il fait avec ta voiture, le gars? Eh ben voilà, qu'est-ce qu'il fait avec sa voiture? Allez vous faire enculer. Voilà, ça c'était le canular la semaine dernière. Alors le concept c'est que c'est un auditeur qui voulait qu'on appelle ses parents pour lui faire croire que c'est fait arrêter par les flics. Ce que nous avons fait évidemment avec brio. Vous aviez bien kiffé, attention la barre est haute. La semaine d'avant c'était l'histoire de la bombe pour ceux qui ont suivi un peu l'émission. Donc aujourd'hui, j'espère que ça va être encore plus lourd. Donc si vous voulez participer, 01 42 48 5000 02 851 4x0, n'hésitez pas. On aura aussi du son dancefloor ce soir avec le nouveau David Guetta. David Guetta, vous avez découvert sur Fun Radio, hein, Shut Me Down. On aura aussi Cockpit avec Out of Time. Et le nouveau Britney, Till It's Gone, qu'on vous passera évidemment tout à l'heure avant minuit sur Fun Radio. Bon, et si vous voulez écouter un son en particulier, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, hashtag Mickaël sur le Twitter. Pareil pour réagir en direct à l'émission. N'hésitez pas, comme chaque soir, on se fera le top tweeto. C'est pour participer. Eh bien, il suffit, comme je sais, comme d'hab, hein, d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission. Et puis à la fin de l'émission, on compte tous vos tweets. Et puis on vous donne le top 5. Voilà. Et c'est le numéro 1 qui gagnera ce soir. Numéro 1 du top tweetos qui repartira donc avec un sextoy offert par passagedudésir.fr. Et la semaine prochaine, vous allez pouvoir changer également. On aura des t-shirts comme un air de rock. Pour, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais des t-shirts avec une tête de mort. Il y en avait plein qui avaient kiffé. Ah, ouais, il est génial. Oui. Ben, on a réussi à négocier. Vous allez pouvoir en gagner également la semaine prochaine. Oh. Donc voilà. Donc plutôt une bonne nouvelle. Il faudra demander à la voix d'ailleurs qu'elle retienne le nouveau site internet aussi. Parce qu'on offrira des t-shirts comme un air de rock grâce à .com. Comme non, pas, non .com. Pas, c'est pas aussi simple que ça. Ah, mais on aura l'occasion d'en reparler évidemment. Bon, on aura la colle également ce soir avec le dernier book à gagner. C'est avec Damien qui est avec nous de la Sciota. Salut Damien. Salut Damien. Il est là? Ouais. Alors. Ah, Damien qui est avec nous, parfait. Bon, Damien, sois le bienvenu. Tu es le dernier qui pourra peut-être repartir avec le netbook ce soir. Netbook peut-être pour toi. J'espère. Eh ben, j'espère pour toi aussi. Ça va se jouer entre toi et tous les auditeurs de Fun Radio, puisque tu vas poser une colle comme chaque soir. Enfin, c'est pas toi tous les soirs évidemment, mais tous les soirs on pose une colle. Un auditeur pose une colle, et si les autres derrière leur radio ont la bonne réponse et qu'ils passent à l'antenne, ils gagnent. Tu perds. Et si jamais personne ne trouve la bonne réponse, ou que bah quand on appelle la personne au hasard, eh bien elle ne décroche pas, tu gagneras. Vas-y, fais péter la colle. Écoutez-la bien. C'est cette colle là qu'il faudra découvrir dans quelques minutes. Alors, mon premier est le contraire de vrai, mon deuxième protège l'œil. Qui suis-je ? Alors, mon premier est le contraire de vrai, mon deuxième protège l'œil. Qui suis-je ? C'est ça ? C'est ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez Mickaël espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS, au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer d'ici quelques minutes quand je vous aurai posté la colle sur le Facebook de l'émission. Vous allez pouvoir également jouer pour répondre et pour gagner votre netbook directement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Damien, on te récupère évidemment d'ici quelques minutes et on donne la réponse avant minuit 30. D'accord, Damien ? Ça marche, ok, pas de soucis. Bon, reste avec nous Damien, les autres allez-y. Et puis bonne chance surtout hein, si vous voulez jouer avec nous. N'hésitez pas, le netbook c'est le dernier donc que vous allez pouvoir gagner. Tiens Thibaut. Ouais. Est-ce que t'aurais aimé changer de prénom toi si t'avais eu l'occasion? Oh, franchement non. Non, t'aimes bien Thibaut, tu gardes? Non, franchement j'aime bien. Non, c'est bien. Maxime? Oui. Alors t'aurais aimé changer de prénom toi si t'avais eu l'occasion? Oui, si j'ai l'occasion. Et tu voudrais changer pour t'appeler comment? Ulrich. Ulrich, oui, c'est... Ulrich. Donc de Maxime, tu voudrais t'appeler Ulrich, c'est ça? Oui. Pourquoi pas, c'est ton choix. Ah, hein, non, mais je vous demande ça parce que il y a une Américaine qui vient de demander à la justice de pouvoir changer de prénom parce qu'elle ne supporte pas le sien. Pourtant, elle n'a pas un prénom dégueulasse non plus. Hein. Elle s'appelle Sheila. Et oh, en fait, elle... bah ouais, c'est ça. Et elle prétend que ce prénom est maudit. Du coup, bah ouais, du coup, elle veut le changer et elle voudrait s'appeler, à votre avis? J'en sais rien. Passage du désir. Non. Un nom bien américain, genre, j'en sais rien. Kimberley. Ouais, Either. Kimberley. Non. Either. Non, pas du tout. Elle voudrait s'appeler Sexy. Comme une meuf sexy, S-E-X-Y, tout simplement. Voilà, donc venez nous dire si vous aimeriez changer de prénom, si vous en avez la possibilité. Tof, tu t'appellerais comment toi? Je sais pas, mais je déteste mon Christophe, vrai prénom. Christophe, tu t'appelles Christophe. Voilà, mais Christophe. Je déteste. Voilà. Christophe, tu n'aimes pas de Christophe. Mais c'est pas grave, je n'aime pas Christophe. Bah, Christophe. Ouais, c'est pas grave. Bon, tu t'appellerais comment? Tête de con. Voilà, bah, je préférerais. Eh bah, très bien, bah, tête de con, alors parfait, Polo. Oh, j'aurais bien voulu avoir un nom indien. Allons à dire Charlingals. Non mais tu sais genre comme Ganesh ou Non pas d'Inde. D'Indien, des Indiens américains. D'accord. Tu vois, je sais pas, je les connais plus là. Cheyenne ou un Cheyenne, d'accord, ok. Et Sandro, tu t'appellerais comment toi? Je sais pas, j'ai jamais pas un reflet. Enfin, ça va, mon prénom me convient. Samantha. Bon, écoute, Samantha, ouais, exactement. Bon, dites-nous les autres, allez-y. Hein. Moi, je changerais pas non plus, moi, puisque vous me posez la question. Je changerais pas non plus, moi, je garderais Mickaël. Non, ouais, mais j'aime bien. Mais c'est normal, c'est parce que c'est parfait, Mickaël. Bah, exactement, ah, ça tout à fait. C'est à la fois américain, mais c'est pas trop américain. Yeah, Michael. Yeah, Michael. Voilà, exactement, c'est un petit peu tout. Ouais. Bon, dites-nous les autres, hein, que vous changeriez de prénom, mais pour vous appeler comment Est-ce que vous appelleriez sexy comme la meuf aux États-Unis? C'est quand même improbable hein, de vouloir s'appeler sexy, c'est quand même assez improbable. J'aurais bien voulu m'appeler la bite. La bite, pourquoi pas, ouais. Il y a Snorky55 sur le Twitter qui dit salut l'équipe de tueurs, Mickaël, est-ce que tu peux passer Chucky s'il te plaît, merci d'avance et continuez comme ça. Ouais Chucky, je te le tape tout à l'heure. Avec Skydive, il n'y a pas de problème, il arrivera sur Fun Radio le son de Chucky, grand plaisir. Et le prince Nadia qui dit j'adore ce cadeau, les t-shirts comme un air de rock. Je ne sais, ils ont l'air très sympas. Bah oui, écoute, franchement, pour le coup, ils sont sympas, j'en ai reçu également. Et ça marche bien. Y a quoi aussi, Ronan aussi qui dit moi j'aurais bien voulu m'appeler Toff pour me prendre plein de râteaux. Et 69 degrés qui dit ils étaient trop bons les canulars précédents. Perso, j'ai adoré, je ne sais pas vous. Bah nous, on s'est bien marré aussi. Bah on en fera un nouveau ce soir évidemment. Et Guillaume qui dit trop hâte du canular, vite vite. Et David Guetta, juste taré. Ouais, on va le mettre dans quelques minutes également. Au cœur d'une heure sans pub, d'ailleurs, ça c'est la bonne nouvelle. Bon, Maxime. Oui. Bon, tu nous appelles pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène, toi? En fait, je vous appelle parce qu'il y avait un petit souci des conneries hier soir, en fait. Je suis très en colère. Ah oui, ça s'entend. Ah oui. Nous aussi. On sent la rage dans ta voix, là. Qu'est-ce qui se passe, Maxime? En fait, hier soir, je sortais de taf, en fait. Moi, je suis chauffeur routier, en fait. D'accord, ok, ouais. Tu conduis quoi? Des camions? Des camionnettes? Des camions, en fait. D'accord. Donc, je sortais normalement, je faisais des livraisons, je devais rentrer du matin, en fait. Ouais. Donc, vu, par rapport à hier, je me sentais pas bien, donc je dis, du coup, je suis rentré à la maison hier, hein. Ouais. Donc, c'était hier soir, environ 23h, en allant comme dans le camion, j'écoutais aussi Fenerado. D'accord, c'est très bien. Donc, du coup, je suis rentré chez moi, j'ai vu ma femme, il y avait d'autres gars, il est en train de le... Quoi? Attends, t'es rentré plutôt chez toi et ta meuf était en train de se taper un autre mec? T'as fait l'autre mec, elle est en train de soucier sa bite, machin. Non! Oh mec! Oh putain! Bon. J'ai retourné dans la cuisine pour chercher le couteau, mais. Ah non, non, bah il faut pas. Mais bon, et Maxime, reste avec nous, on en parle juste après David Guetta, d'accord? Oui. Bon, reste avec nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de psychopathe? Bon, on en parle après David Guetta, justement. Tiens, shut me down. Et puis appelez-nous hein, si vous voulez parler de tout et n'importe quoi. C'est open jusqu'à 2h. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bonne soirée tout le monde. I was 5 and he was 6. Le son de David Guetta à l'instant sur Fun Radio, c'était Shut Me Down. Allez, bienvenue tout le monde, on est au cœur d'une heure sans pub. Il est 11h, il est 23h14, là on va vous filer encore votre écran plat. Il y a aussi l'écran plat Full HD, hein, si vous faites le canular avec nous ce soir, là si vous êtes bon évidemment. Donc si vous voulez nous appeler 01 42 48 5000 et 02 851 4x0, on va également vous offrir le netbook avec la colle de Damien, la colle que vous pouvez évidemment retrouver sur le Facebook de l'émission si vous voulez y répondre. Bah c'est facile. Enfin je dis ça parce que j'ai la réponse sous les yeux. Après si vous n'avez pas la réponse c'est peut-être un peu plus compliqué. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Et puis on va récupérer Maxime là. Bon Maxime. Maxime. Maxime. Bah il est où? Il est en train de tuer. Non mais ça va. Bon bah alors pour ceux qui n'étaient pas avec nous juste avant le son de David Guetta, bah déjà vous êtes en retard, donc coup de pelle, ça me paraît pas mal. Voilà. Ouais, ils ont donc mérité. Voilà, Maxime nous a appelé parce que bah hier soir en fait il était en train de travailler, il est camionneur en fait, c'est ça hein? Oui. Voilà, donc camionneur, et t'as la radio derrière toi Maxime là ou pas? Non, il n'y a pas de radio en fait. Ah d'accord, c'est comme tu répondais avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Oui. Et donc du coup, tu rentres du boulot, et là tu rentres chez toi, et que se passe-t-il? Tu tombes sur ta meuf en train de sucer un autre mec, forcément, t'étais un peu énervé. Oui. Bah voilà. Et je voulais l'attraper, le gars il est sauté par la fenêtre, il est tombé. Non, comme dans un film, il a sauté par la fenêtre. Non, il est sauté par la fenêtre en fait. Et t'habites où? Bah au 15e étage. Moi je suis au 3e en fait. Ah quand même. Ouais, mais vous l'aviez pas vu cette vidéo avec le mec qui était pendu au balcon parce que justement il avait essayé de se barrer parce que il avait été surpris par le mari. Ah non. Ah ouais, il y avait une vidéo, elle tournait sur internet. Enfin, je sais pas comment il a fait, bizarrement il est sauté, comment il a fait pour sauter troisième escalier. Ah bah ça dépend comment il atterrit en fait. Mais c'est-à-dire qu'il y avait quoi? Il y avait des arbres, il y avait une voiture, il y avait quoi? Mais il y avait l'espace libre quoi, en fait. Il y avait le balcon, je sais pas comment il a fait pour sauter quoi. En fait. D'accord, bah ouais. Oui, mais en même temps, tu sais, le mec il a un couteau, il sait qu'il va crever, donc tant qu'à faire autant sauter, on verra quoi. Ah, oui. L'attraper pour le défoncer même son cul, mais malheureusement. Ouais, mais Maxime, et du coup, t'as fait quoi avec ta femme? Tu l'as pas tué, rassure-moi. j'avais découpé dans le congélo là. Oui, c'est ça. Et ensuite, d'ailleurs, je vous invite à manger. Je vous invite à venir manger à Orléans. Non, ça ira, merci. Donc, je suis plus là. J'ai pris ma décision. C'est fini. Alors donc. Bah oui. Mais... c'est des salités, ça. En fait. Ah bah tu m'étonnes. Eh, parce que toi, filet des bleus là, t'es pas à Orléans hier soir. Non. C'est trop loin Orléans. On sait jamais, parce que méfie-toi de toi, on sait jamais, Maxime. Hein. Oui, ça fait mal, hein, ça fait mal. Ah bah hein, non, oui, mais c'est clair, Maxime, t'étais avec elle depuis combien de temps? Ben là, ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble, donc elle a l'habitude de me faire face souvent, donc... Ah, c'est pas la première fois qu'elle te trompe? En fait, c'est pour hier, complètement, Dieu, il veut pas ça, donc ouais. Elle a l'habitude de me faire face souvent. Oh putain donc, pas, et toi, tu l'avais donc, jamais trompé? Bah elle a l'habitude de faire ça, elle a l'air de faire ça. Ouais, ouais non mais toi tu l'as jamais trompé? Jamais. D'accord, bah ouais mais bon. Bon alors et Maxime? Oui. Maxime, la question que je peux te poser, ça va paraître bizarre au début hein, mais est-ce que t'as les petites ou les grosses couilles? Bah je le baise correctement comme il faut. Ouais non mais ça d'accord. Non mais je parle juste des couilles, est-ce qu'elles sont grosses ou petites? C'est costaud, hein. C'est costaud. Ah ouais. C'est bizarre alors. Parce que j'avais plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui avaient des grosses couilles, justement, c'est des chercheurs norvégiens qui ont démontré que plus les hommes avaient des petites couilles, pardon, plus les hommes avaient des petites couilles, plus la femme était fidèle. Ah oui, moi c'est minuscule. Ah oui, bah, paraît-il, ouais. Paraît-il, ouais. Donc si vous avez des grosses couilles, bah vous avez toutes les chances d'être cocu, hein. Donc à mon avis, effectivement, bah Maxime, ça vient de là. Hein. J'avais confondu les deux. Ça vient peut-être de là. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est peut-être important de prévenir toute la population, Tof. Bah oui, ah bah évidemment. Ce serait plus qu'important de téléphoner à tout plein de gens pour les prévenir afin de savoir si bah qu'ils soient préparés. Bah, là, ça, par exemple, si on avait fait ça hier soir, Maxime, on aurait pu le prévenir. On aurait pu lui dire, fais attention, tu as des grosses couilles, elle va te tromper. De quoi? Je me pose des questions, qu'est-ce qu'elle cherche exactement? Je sais pas, je lui donne ce qu'elle veut. Bah écoute, mais je sais pas ce qu'elle cherche. Bon, on va demander aux filles, tiens, est-ce que vous avez déjà trompé votre copain, votre copine? Alors, pas juste oui ou non, mais comment est-ce que vous avez réagi? Comme là, par exemple, Maxime qui tombe dessus hier soir, en plein ébat, est-ce que vous vous êtes déjà fait griller? Je rappelle que si vous faites griller, toujours nier, hein, c'est un grand webmaster ouais. Qui nous avait dit ça. Sauf qu'avec un mec avec un couteau en face de toi, je pense que tu peux tout nier. Tu peux pas nier, ouais. C'est je pense que ta gueule y passe. J'admets. Bon bah appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0. Donc en gros, si vous avez déjà été l'amant et que vous vous êtes fait griller par le mec ou la meuf officielle, comment ça s'est passé? Dites-nous, appelez-nous, on en parle dans quelques minutes. Et puis on va faire les appels aussi hein, dans quelques minutes avec Tof du coup hein, si vous avez des numéros de téléphone. Bah oui, si vous avez des numéros de téléphone de personnes qu'on peut prévenir, qu'on peut appeler jusqu'à 2h du mat, n'hésitez pas à les envoyer sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon Thibaut, toi aussi tu t'es fait tromper ou pas? Bah moi non. Ah bah c'est déjà ça de prix alors hein. Tu t'es... Ouais mais c'est moi qui ai trompé donc bon. Ah bah bravo. Bravo. Ah bah félicitations tiens, bah, bravo, coup de pelle. Voilà. Bon. Et c'est tu nous appelais pour ça ou pas? Ouais. Bah, d'accord. Pas pour avoir trompé, mais enfin c'est moi qui ai trompé mais je me suis fait caler. Ah bah voilà, mais non, mais tu nous appelais par rapport à Maxime ou Ah bah non, parce qu'on t'a appelé avant qu'on l'ait au téléphone. Ah bah non, moi ça fait longtemps moi. Bon bah d'accord. Bon et tu nous appelles pourquoi alors du coup? Bah une fois je vous avais appelé pour dire que Tof était un connard, mais tu avais raison hein, tu avais totalement raison. Oui bon ça aussi, mais bon ça c'est autre chose. Eh hey, juste une petite petite aparté. Tof a failli encore mourir ce matin. Ah, oui effectivement, et on en parlera avec les reins. Ouais. Ah, il a toujours son caillou dans la bite. Et on l'a encore raté une fois. Il a failli décéder, on était prêt de nouveau avec Polo, on avait de nouveau reloué les costards, le mec ouais. Le loueur qui nous dit attendez, vous les avez ramenés lundi là, bah ouais mais là on voulait les reprendre et maintenant bah, il est toujours vivant quoi. On avait réécrit l'horizon funèbre. Exactement, j'avais déjà prévu le boss de fun qu'on prenait, qu'on partageait le salaire de Tof ouais. Avec Polo et bon. Et bah, ce voilà. Connard, bah, il est encore en vie. Et il est toujours là. Ouais, déception quand c'est comme les mauvaises herbes, ça partira jamais. Enfin, bon, alors du coup, Thibaut, tu. Vous enterrerez tous. Oui, oh bah c'est pas sûr encore ça. Thibaut, tu voulais nous tenir au courant de quoi? Bah, la semaine dernière, je vous avais appelé pour dire que. Bah, pour me. Que Tof était un connard et tu avais raison. Oui, bon, d'accord. C'est un jour sans fin, tu sais. D'accord, on est d'accord. Non, mais c'était pour raconter ma première fois. Et je vous avais dit que bah, c'était une soirée dans les bois, j'avais ramené ma meuf et on était censé coucher ensemble et on avait ramené des tentes. Oui. Oui, et j'avais couché avec. Je pensais coucher avec ma meuf, mais j'ai couché avec une autre. Exactement, ouais. Et pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes, ma meuf, elle avait attendu. Elle m'attendait quoi. Alors que ouais. Donc du coup, voilà. Du coup, t'as couché avec une autre et je t'avais dit bah tu peux lui dire maintenant, etc. Et t'avais dit bah non parce qu'elle sait toujours pas et tout, elle va mal le vivre. Ouais, voilà. Et, d'accord. Sauf que forcément, au moment-là, les jours d'après, elle avait écouté les podcasts de l'émission. Non. Oh, mais... Et elle m'a reconnu. Ah, et elle m'a... Mais elle, ni. Tu dis non, c'est pas vrai, non, c'est pas moi, c'est un autre. C'est une histoire comme ça. Ouais. Non, mais j'ai essayé de raconter des trucs, mais deux jours après, elle m'a envoyé un message, elle m'a fait, j'ai écouté Fun Radio, donc je fais, ouais, bah, c'est bien pour toi. bah, tant mieux, tu me racontes ta life ou quoi, là. Elle m'a dit, ouais, bah, j'ai entendu un gars, il avait la même voix que toi et tout, il a raconté son histoire. Ça alors. Et c'est la même qui s'est passée il y a deux ans. Oh, tu dis quel hasard. Mais il faut jouer la bonne espoir jusqu'au bout, là. En plus, je lui ai dit, ouais, bah... Ça alors. Bah, ouais, c'est un hasard. C'est pas dingue. Après, elle m'a dit, Thibaut, je t'ai reconnu, ferme ta gueule. après, là, tu peux rien faire. Après, j'essaie de me défendre comme je peux, mais elle m'a dit, oh, t'es vraiment un enculé, tu t'as fait ça alors que ça faisait trois mois qu'on était ensemble, je peux pas supporter ça, ça faisait... Elle m'a sorti des trucs de gonzesse, genre... Oh, on a vécu ça sur un mensonge et tout. Je fais non, mais je voulais pas te le dire pour pas te faire du mal. Mais bon, en fin de compte, bah maintenant je suis célibataire, quoi. Ah, elle t'a viré carrément. Ouais, bah direct, parce que c'était la meuf qui basait tout sur le tout sur la confiance et tout. Ah bah et, oui, là, oui, là, tu t'es foutu de sa gueule, quoi. Là, tu l'as un peu trahi, quoi. Ouais, ouais, depuis le début, je l'ai niqué, donc là, elle t'est plus fière, quoi. Dis-toi que t'as de la chance parce qu'elle l'a appris maintenant. Mais je l'ai raconté l'autre fois, il y a cette histoire du couple 80 et genre... 96 80, ouais, 96 ans. Donc le mec a appris que dans les années 40, sa meuf l'a trompé. Et ben il l'a viré. Exactement, il a demandé le divorce à 96 ans, t'imagines. Bon, attends, il y a Maël qui dit: je peux avoir un message de bienvenue et une claque pour Toff. Oui, alors évidemment, hop là, voilà. Attends. Allez, maintenant, va te faire enculer. Voilà, Maël. Bon, et donc du coup, bah t'es célibataire. Bah écoute, merci de nous avoir tenu au courant. En tout cas, Thibaut, c'est cool, hein. Bah ouais, bon bah je suis un peu deg, mais bon... Bah oui, j'imagine, ouais. Oh, t'inquiète pas, une de perdue, une de perdue. Voilà. Comme j'avais dit à la fois, une de perdue, une de retrouvée. Ouais, bon, bah tu vas voir que tu vas voir que cette expression est totalement fausse. Parce que moi, chaque fois que j'en perds une, je galère pour retrouver les 10 autres. Exactement, tu vas vite... C'est mieux que tu les perdes parfois. Ouais, tu vas vite t'en rendre compte. Oui, pour toi, c'est mieux, hein, vu le matériel. Mais ouais, tu vas vite t'en rendre compte, Thibaut, c'est clair. Bon, bah écoute, Thibaut, bah, passe un bon week-end quand même. Il y a moyen de passer une dédicace. Allez, vas-y, profite à une seule personne, là, choisis la bonne. Une seule personne. Ouais, bah, une seule. Je dis une dédicace à tous les honnards du City qui arrêtent pas de boire. Et Bastien, s'il te plaît, arrête de boire, ta mère elle va te prendre pour un SDF. Très bien, eh ben, le message est passé, très bien, parfait. Ça marche, salut Thibaut. Ouais, salut, à la prochaine. Ciao, on aura Emile dans quelques instants pour parler des prénoms. On aura Anthony qui voulait réagir à Maxime, t'es là Anthony? Ouais, je suis là. Très bien, bah bouge pas de là. Et puis il y aura Damien encore avec la colle. Dites-nous, est-ce que vous changeriez de prénom? Et si oui, pour vous appeler comment? Quel est votre prénom d'origine? Et quel est le prénom que vous voudriez prendre? Appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Je vous avais aussi demandé sur le Facebook tout à l'heure vers 10h30 où est-ce que vous nous écoutiez. Je voulais simplement savoir. Vous écoutez dans le lit, vous écoutez dans le salon, dans la voiture, dans le camion, je sais pas moi, dans la cuisine peut-être également, ou au travail. Donc dites-nous tout ça. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Il y a Ayo qui dit: moi j'écoute dans mon lit avec une crève, une bonne dose de Mickaël No Limit pour remonter le moral. Bisous à tous. Merci Ayo et courage à toi. Et Jojo78, moi j'ai grillé deux de mes ex qui me trompaient avec une amie. Je lui ai foutu une baffe. Et à lui, pardon, et à elle, attends, c'est quoi? Et elle, je me suis cassé. Voilà. Ce qui est bien, c'est que les mecs, ils tapent toujours le mec. Ouais, alors que la meuf, elle a quand même plus de chances d'être coupable dans l'histoire. C'est vrai. Parce que le mec, 9 fois sur 10, bah, il n'est pas censé savoir en fait que la meuf, elle est déjà casée. Ouais. Donc il y peut rien, il a un bon plan, il y va. Ouais, et puis un mec, ça pense avec sa bite, il voit un trou, il rentre dedans. Hein. Ouais, bah merci, Taf. Bon, allez, sur Fun Radio, bienvenue tout le monde, il est 11h25, c'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à 2h du mat, on est au cœur d'une heure sans pub, donc prévenez vos potes qu'il y a enfin un truc à écouter le soir sur Fun Radio, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Et on écoute Cockpit maintenant, c'est Out of Time. Cockpit sur Fun Radio, Out of Time, 23h28. Si vous venez débarquer, c'est Mickaël No Limit, on est en direct jusqu'à 2h du mat, comme ça vous prenez note. Non, des fois que... Et des nouveaux auditeurs qui viennent de débarquer là à l'instant, là, ouais. Tous les soirs on est là, hein, du lundi au jeudi, de 23h à 2h du mat, et bien entendu tous les dimanches de 20h à minuit avec Coussindou qui dit: coup de pelle pour Mickaël parce que hier soir t'as dit que j'étais nouveau alors que je suis nouvelle. Ah, ah bah oui, mais Coussindou, t'aurais dû dire Coussindous alors. Enfin je sais pas moi. Bon bah allez, d'accord. Voilà, bon bah enfin, de toute façon c'est mieux d'avoir des nouvelles que des nouveaux, Coussindou. Il y a Michel également qui dit: je vous écoute dans ma voiture. Il y a Jean-Pascal, moi c'est dans ma SMI. Gink qui dit: les machines tournent. tourne, je mange et je tweet. Très bien. Il y a Julien qui dit bonsoir, je vous écoute depuis le canapé en jouant GTA 5 sur PS3. Pas mal. Petit Kiwi qui dit je vous écoute depuis mon lit avec mon chat. Bah, très bien, t'embrasses le chat. Comment il s'appelle le chat, Petit Kiwi? Et Tom également, j'écoute dans mon lit allongé, pépère, à me branler sur Sandro. Oh la grande classe. Très bien, bah, amuse-toi bien alors. Et le prince Nadia qui dit pour moi part, moi j'écoute l'émission en direct de mon salon sur mon canapé sous la couette, il n'y a pas mieux. Et Jonathan, dans mon lit, j'écoute en discutant sur Skype. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Bah, Petit Kiwi qui dit moi je m'appelle Mélodie, j'aurais bien voulu m'appeler Lydia car j'aime beaucoup les prénoms American. Ok. Pourquoi moi aussi pas. Je pense que j'aurais voulu un prénom américain. Genre Steve. Christophe, c'est bien. Christophe. C'est moche. Steve. Non, Stevie à la limite. Non, t'as une tête de Christophe. Ouais, t'as une tête de Christophe, ouais. Ta bouche? Non, il a une tête de con, il a pas une tête de Christophe. Je crois que même Louis ou un truc comme ça, j'aurais préféré. Ouais, mais bon, d'accord, ok. Bah attends, justement, tiens, il y a Louis avec nous là. Salut Louis. Salut. Comment ça va? Oh. Oh, bien. Oh, papa, papa, contrôle des papiers? Bah ouais, alors Louis, t'as quel âge, toi? T'es dans quelle ville? J'ai 27 ans, j'habite à Dijon, je suis tranquille. T'as quel âge? 27 ans. Il y a eu falsification des papiers là. Et moi je suis un fou à 27 ans. Et t'appelles de Dijon, c'est ça? Ah oui. Bon, et qu'est-ce qui t'amène, mon pote là? Parce qu'en CM2, j'étais en classe de CM2 avec Toff. T'étais en classe en CM2, t'étais en classe avec Toff, c'est ça? Yes. Non. Et alors, raconte-nous quand tu étais petit, est-ce qu'il était aussi con qu'aujourd'hui? Eh, c'est pas possible. Oui. Parce que Toff a 45 ans. Bah oui, c'est vrai. Bah, je m'en souviens. Ah, bon, si s'en souvient, bah, peut-être que nous, on a oublié alors. Et c'est vrai. Et donc, du coup, il était comment quand tu étais petit? Bah, en fait, il y avait une fille, elle était super moche. Et lui, tu veux sortir avec moi, s'il te plaît? Et alors, ça s'est fait ou pas? Oui, une fois. Ah, bah, ça m'étonne pas. Deux jours, la fille, il était tellement con, il l'a claqué. Ah, bah, ça m'étonne pas non plus. Mais oui, mais en même temps, c'est vrai. Bon, dis donc, Louis. Ouais. T'as pas autre chose à faire? Non. À part t'écouter, vous êtes trop bien. C'est déjà pas mal. Louis, t'es né en quelle année? En 80. En 80. Eh ouais. Donc en 80, tu aurais 34 ans. Ouais. Ah bah, il faut réfléchir à la date et aussi avant. Tu devrais faire tes cours de maths là au lieu de venir. Exactement. Mentir. Menteur. Voir. Louis? Oui. Tends la joue. Comment? Tends la joue. Tu la mets tout près de ton téléphone. Tu l'attends. Tends la joue, voilà. Voilà. Oh. Ça, c'est pour avoir menti. Ça fait très très mal. Ouais, et mets le nez en avant. Mmh. Voilà, Toff. Ah non, Oli. Voilà. Louis, Oli. Et vite. Non. Allez, hop. Non. Au revoir, Louis. Au revoir. Salut Louis, ciao. Bon, si vous aussi, vous avez déjà peut-être été en classe avec Toff, n'hésitez pas à nous appeler, évidemment. Mais d'ailleurs, s'il y a une fille qui s'appelait Leslie avec qui j'étais en classe... Si elle veut rappeler. Avec bien plaisir. Sûr qu'elle appelle avec plaisir. Bon, on va faire le canular aussi hein, dans un bon quart d'heure. Si vous voulez nous appeler pour gagner votre écran, l'écran Full HD 32 pouces, n'hésitez pas. La semaine dernière, c'était à base de voiture. Allez vous faire enculer. Voilà. Et puis... Qu'est-ce que le gars fait avec sa voiture? Qu'est-ce qu'il fait avec ta voiture, le gars? Voilà, donc en gros, si vous voulez, c'est moi qui roulais avec l'auditeur. C'était avec... comment il s'appelait encore? J'ai oublié. Moi aussi. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'étais avec lui en voiture. On se faisait courser par les flics et puis on avait les parents au téléphone. Donc forcément, ça a un petit peu gueulé. Mais léger, hein, vraiment léger. Bon, du coup, on fera un autre canular tout à l'heure. J'espère qu'il sera aussi lourd que l'autre. Et puis là, on va parler de grosses couilles et de petites couilles. Puisque je vous rappelle que nous sommes tombés sur un sondage qui a confirmé avec Maxime. Hein, puisque sa femme l'a trompé hier soir. Maxime a des grosses couilles. Et apparemment, plus vos couilles sont petites, moins vous avez de chance d'être cocu. Ouais. Donc on a décidé de prévenir tout le monde afin de vérifier comment ça se passe justement chez vous. Hein. Donc si vous avez des numéros de téléphone de gens qu'on peut appeler à cette heure-ci, des gens qui sont plutôt nerveux, hein, n'hésitez pas. Donc, oui, c'est les meilleurs. Ouais, envoyez ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On appelle le premier? Allons-y. Allez, c'est parti. On y va. Et on récupérera Maxime après, évidemment. Émile, Mickaël et Anthony et Damien pour la colle. Tout le monde est dans le standard, c'est très bien. Oh. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez des petites ou des grosses couilles, monsieur. Je voulais juste te dire que tu fermes ta gueule, espèce d'enfant de pute. Mais enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça? Ouais, parce que je t'emmerde. Bah enfin, monsieur, c'est pas très gentil, tout ça. Ouais, reste enculé. Mais non, monsieur, enfin, pourquoi? Quelle violence! Oh, j'adore! Bon. Oh là là. On l'avait déjà en forme de pute, hein? Non, en forme de pute, c'est différent. Bon, on le rappelle. On a toute une collection. Ah bah oui, bah j'en ai 150, hein. Allez. On y retourne. Faire enculer. enculé. Mais enfin, mais non, monsieur. Arrête de m'enregistrer, espèce de merde. Mais enfin, monsieur, dites pas ça. Va te faire enculer. Mais c'est pas gentil, tout. Allô. Non, non, il a raccroché une nouvelle. Il est pas très dans la discussion, hein. Non. Je t'adore. Ouais. Bon, on le rappelle. Allez, hop, c'est parti. Parfait. On aura Britney Spears aussi à suivre. Restez là avant minuit. Allez. Allô. Oui, il faut pas le prendre comme ça, monsieur. Ouais, c'est bien. Allez, bonne soirée. Bah non, monsieur. Enfin, vous avez pas répondu à ma question. Remise-toi bien avec Internet et tes coups de téléphone de merde. Mais non, mais c'est pas un téléphone. Mais non, monsieur, mais c'est pas un coup de téléphone de merde. Je veux juste savoir si vous avez des petites ou des grosses couilles. Ouais. Et toi, t'as une petite bite, à mon avis. Oui, mais ça n'a aucun rapport, monsieur. Si, ça a un rapport, mon pote. Bah, c'est quoi le vraiment une petite queue pour faire ça au téléphone, espèce de merde. Bah, enfin. Non, pas bon. Tu me laisses tranquille, j'ai une famille, j'ai autre chose à foutre que de passer ma vie au téléphone avec toi, mec. Bah oui, mais si allez, vous répondez. Bonne soirée, vas-y, ta gueule. Bonne soirée. Bon, il t'a quand même souhaité une bonne soirée. Oui, c'est ça, il est poli quand même, et voilà. C'est bien. Il est bien, non, oui. Écoute, franchement, moi je le trouvais plutôt bien, quoi. Ouais, non, un mec cordial. Ouais, franchement, vraiment plutôt sympa. Alors qu'on a quand même eu des nouveaux hier. Hein. T'as de cul, hein. Voilà, il était vraiment très gentil aussi, lui. Hein. Va te faire enculer, sale pédé. Voilà, lui aussi était bien. Va te faire enculer, sale con. Ouais, il avait fait les deux quand même. Hein. C'est pas pour un con ou quoi, toi. Oui, un petit peu, effectivement. Tu as toute une merde. Bah voilà, bah tant mieux alors. Bon, on appellera d'autres personnes tout à l'heure. N'hésitez pas, hein, si vous voulez, ça se passe sur le mail de Top pour donner tous les numéros de téléphone. OPH@funradio.fr. Il y a Minouille qui dit yo mes salopes. Eh ben salut Minouille. Mystique aussi, enfant de pute, pété de rire. Moi je vous écoute au taf comme tous les soirs. C'est Ada qui avait envoyé son message. Le prince Nadia qui dit Mickaël, les premiers appels de Christophe tout de suite. Pardon Toff, il n'aime pas son vrai prénom, je souligne. Et alors Camille avec un K qui dit ça. Ouais, moi j'ai des grosses couilles. Et Sébastien, j'ai grillé mon ex au lit avec un mec qui m'a dit qu'il l'a. Attends, c'est quoi ? Qu'il la croyait célibataire. Il y avait des photos de moi partout. Manque de peau. Je venais d'apprendre à boxer et il a chié partout sur mon lit. Désolé, c'est la version courte car je conduis. D'accord. Alors vu comme ça, tu vois, Maxime, t'es pas le seul hein, avec le même problème. Hein. Oui, je vois ça. T'es pas le seul. Bon, il y a un message de pour Louis, tiens, qu'on a eu tout à l'heure, le Louis 27 ans là qui est dans 80. Ginka, je sais pas si on dit Ginka ou Ginka, mais enfin peu importe. Louis retourne chez ta mère, elle t'a fait de la purée. Voilà. Et Benoît qui dit lol tof en mode Louis la brocante évidemment. Et India qui dit moi j'aime pas mon prénom. Je viens d'arriver, bisous à toute l'équipe. Bah India, tu te seras appelé comment? C'est ça la question qu'on voudrait savoir. Elle aime bien, je crois, non? De quoi? Elle aime bien India. Non, elle a dit qu'elle aime pas justement son prénom. Enfin je pense. Bon bah écoute, renvoie un message au cas où. Bon, alors Maxime. Oui. Bon, toi, tu nous avais appelé pour ceux qui viennent de débarquer parce que tu travaillais hier soir, t'es chauffeur, et quand t'es rentré chez toi, t'es tombé sur ta meuf en train de pomper un autre mec. Du coup, tu t'es énervé, t'as pris un couteau, le mec a eu peur, il a sauté du troisième étage et il s'est barré, et t'as quitté ta femme. Oui. Avec qui t'étais depuis 2 ans et c'était pas la première fois en plus qu'elle avait fait ça. On a également Mickaël de Paris, salut Mickaël. Salut. Bon, toi, je te pose pas la question de savoir si t'avais envie de changer de prénom, tu t'appellerais comment? T'as déjà le prénom parfait, donc ça ne sert à rien de changer. Bah, un petit peu quand même. Bah, on est d'accord, effectivement. C'est bien, Mickaël. Bon, du coup, est-ce que t'as déjà trompé? T'as été trompé ou est-ce que tu as été l'amant déjà, Mickaël? Ah, j'ai été un amant. Ah, explique-nous tout. Bah, une fois, enfin, un amant, quand j'ai monté une fille en stop. Ouais. Et je l'ai ramené chez elle. D'accord. Et arrivé chez elle, elle m'a demandé si je voulais boire un coup. D'accord. Gentil quoi, parce que bon, comme elle, tu l'avais quand même ramené en stop, minimum syndical. Ouais, elle était sympa quoi. Ouais. Et puis arrivé là-bas, elle m'a un peu fait des avances quoi. D'accord. Bah, elle voulait te remercier, c'est normal. Ah oui, c'est ça, toujours. Ah oui, normal. Et donc? Et puis ben, j'ai accepté, comme tout homme gentil. Normal. Comme tout homme normalement constitué. Gentil, je suis sympa. Ouais, voilà. Et puis ben bref, elle m'a sucé, je l'ai baisé et quand elle t'a quatre pattes sur le canapé, il y a son mec qui est arrivé. Oh, c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Et alors? Et j'ai un peu débandé quoi. Tu m'étonnes. Tu lui as pas dit écoute 2 secondes, je finis, après j'y vais. Non, il était en colère. C'était en plus c'était une Marocaine, donc son mec c'était un Marocain. Ouais. Et bon, comme je suis gitan, ils aiment pas trop. D'accord, donc du coup il s'est énervé, il t'a mis sur la gueule ou t'as réussi à te barrer avant? Non, en fait il s'est énervé. Ouais. Et comme j'ai un peu fait 9 ans de boxe. Ah merde, oui, dommage pour lui quoi. Je l'ai calmé, ça fait que j'ai baisé sa femme et je l'ai calmé en même temps quoi. En plus, t'as une paire de coups quoi. Oh, en colère, quoi. Bah, tu m'étonnes. Attends, il y a Anthony aussi qu'on va prendre dans un instant, là. Salut, Anthony. Salut. Bon, toi aussi, t'as déjà été trompé ou tu as trompé ou tu t'es fait griller? J'ai été trompé. Bon, alors bouge pas, Anthony, on en parle. Mickaël, merci beaucoup d'être passé. Maxime, reste avec nous. On a une petite dédicace. Bien sûr, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Et Greg Demort et Jordan Demort dans l'auto et vous faire défoncer le cul par un gros Sénégalais. Très bien. Eh ben voilà, le message est passé au moins. Salut à toi, Mickaël, et bonne soirée. Il y en a bon. Un qui va avoir mal au cul. En tout cas. Il y en a un qui va avoir mal au cul. Je confirme. Damien, le retour pour la colle. T'es toujours là? Ouais, toujours. Très bien. Alors, avant d'écouter le son de Britney Spears, on va refaire péter la colle. Bien sûr, Damien de la Ciotat, fais péter la colle, Damien. Alors, mon premier est le contraire de vrai. Mon deuxième protège l'œil. Qui suis-je? Voilà, mon premier est le contraire de vrai. Mon deuxième protège l'œil. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, il y a un netbook qui est gagné ce soir. Vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. On proposait un feu vert? Non. Une forêt? Non plus. Non, d'accord. Qu'est-ce qu'on proposait au gué? Faux visière? Non. Non plus. Bon, bah, très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y. Vous pouvez aussi jouer, lire la colle et y répondre et gratuitement sur le Facebook de l'émission. Donc, venez nous rejoindre. facebook.com/mikaelofficiel. Damien, tu restes avec nous. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et passe à l'antenne, il gagne et tu perds. Et si jamais on appelle le gagnant et que, il n'a pas la bonne réponse ou qu'il ne décroche pas, c'est toi qui gagneras, Damien. Tu restes là? Ça marche. Pas de soucis. Allez, bouge pas. On écoutera le son de Britney Spears dans quelques minutes. Le nouveau son de Britney Spears, It's gone. C'est ce qui va arriver dans un instant. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs 23h 2h. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun, il est 23h44 et c'est parti pour la nuit sans pub. On est mis bien là. Il y a Félicia qui dit moi je suis très fier de mon prénom. Laetitia qui dit j'aime pas mon prénom, j'aurais préféré Giuliana. Giuliana. Ah bah non, Laetitia, c'est bien Laetitia, moi j'aime bien Laetitia. Moi j'aime bien aussi. Ouais, moi j'aime bien. Il y a personne sur Twitter qui dit Christophe, ça te va bien, c'est un prénom de connard. India qui dit non, Mickaël, j'adore mon prénom. Ah bah j'avais mal lu alors. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un autre Christophe qui dit Toff, déjà tu l'appelles pas, tu le siffles. C'est clair. Tire Fall qui dit aussi quelle course Christophe. Camille avec AK qui dit Polo a trop une tête de Polo par contre. Ah bah je confirme. Et Thomas qui dit moi c'est en ce moment sous ma douche avec les jets hydromassants, rien de mieux. Ah ouais, je vous avais demandé aussi où est-ce que vous étiez en train de nous écouter. Gilbert aussi, moi c'est Gilbert, j'aurais préféré Louis, ça fait plus portugais. Ah bah oui, par rapport à Gilbert, oui c'est Gilbert peut-être. Xavier qui dit salut toute l'équipe, je vous écoute au taf. En train de travailler j'imagine. Et content d'être avec vous. Bon, on est content aussi que tu sois avec nous Xavier. Et petit Kiwi qui dit mon chat s'appelle Yuka. Ah d'accord, ok, bah merci d'avoir répondu. Bon, tous vos messages encore évidemment avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter. Dites-nous est-ce que vous écoutez l'émission ou est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites pendant que vous écoutez l'émission. Et puis surtout aussi dites-nous est-ce que vous auriez est-ce que ça vous ferait kiffer de changer de nom, changer de prénom, quel est votre prénom et par quel nom vous voudriez le changer, puisque c'est une américaine qui s'appelle Sheila et qui a décidé de faire des démarches pour changer de nom et s'appeler Sexy. C'est quand même assez improbable. Ouais. Donc elle veut s'appeler Sexy, ce qui est incroyable. Bon, on va faire le canular dans quelques minutes sur Fun Radio. 01 42 48 5000 pour nous appeler. 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a un écran plat Full HD à gagner. Si vous êtes bon dans le canular, je l'espère pour vous. Et on va d'abord terminer avec Maxime maintenant, là, avec sa femme qui l'a trompé. Il y avait également Anthony qu'on avait eu juste avant la pub, là. Et on écoutera Britney Spears dans quelques minutes, là. Anthony? Ouais, toujours là. T'as entendu le nouveau Britney Spears déjà ou pas? Ouais, j'ai entendu. C'est celui-là, là. Voilà, pour ceux qui connaissent pas encore, je vous le mets dans quelques minutes. Et puis là, l'avantage, c'est qu'en même temps, hop, il n'y a plus de pub jusqu'à la fin de l'émission, donc on est en mode totalement tranquille. Bon, Anthony, alors, toi, tu nous appelles parce que tu as déjà été trompé, c'est ça? Voilà, tout à fait. Bon, alors pour ceux qui débarquent, Maxime donc nous avait appelé, il travaillait hier soir, il est rentré chez lui et il a grillé sa femme en train de faire une pipe à un autre mec et bah forcément, il l'a mal pris. Hein. Je comprends pas pourquoi. Parce que dans l'absolu, c'est plutôt gentil. Hein, elle s'occupe, elle fait des trucs et tout, c'est quand même plutôt gentil de sa part. Elle s'ennuyait. Bah oui. C'est ça, elle s'ennuyait. Bon, alors Anthony. Ouais, moi, ça faisait 2 ans que j'étais avec ma copine et moi, je suis parti chez mon cousin un soir. Ouais. Moi, chez un de mes oncles un soir et j'avais pas envie d'aller la chercher, donc je demande à mon cousin qui grille en scooter. Quel enculé, il se l'est tapé. Voilà, tout à fait. Oh, et en fin de compte, le moment, c'est que je vais pour partir. La voiture était dans la cour de mon oncle. Je sors et il était en train de se la taper sur le capot de la voiture. Non. Ah ouais, c'est-à-dire que le mec, il a pas de scrupules, quoi. Et moi j'ai envie de dire, ton mec c'est juste, enfin ton cousin, désolé pour ta tante. Tu fermes ta gueule, espèce d'enfant de pute. Voilà, c'est juste ça quoi, il y a un moment scandaleux. Et en fin de compte, j'ai mal réagi, donc il avait une sorte de KGB ou une petite cabane en fer, et je l'ai pris sur l'épaule et j'ai traversé la cabane avec lui. Oh là là, ah ouais. Ouais, carrément. Ouais. Bah oui, mais tu m'étonnes, il y a un moment le mec ça se fait pas, tu lui demandes de rendre un service, il va chercher la meuf et il doit se la taper. T'as viré ta meuf au moins j'espère? Ouais. Bon bah c'est déjà. Je l'ai viré, j'ai refait ma vie à côté. D'accord, ok, bon bah c'est déjà ça de prix alors, effectivement. Bah merci Anthony de passer. Ouais, aucun souci, continue comme ça. Ah bah c'est gentil, reviens quand tu veux hein, Anthony, à bientôt. Hein. Aucun souci, à bientôt. Salut, ciao à toi. Salut. Anthony. Et Maxime, bah écoute, tiens-nous au courant, mais bah bonne chance pour la suite hein Max. Oui, y'a pas de souci, en fait ce que je voulais vous demander en fait, un petit Dis-moi. Conseil. En fait, je voulais vous demander un petit conseil vu par rapport à ce que ma meuf m'a fait en fait. Je ouais. sais pas ce que les meufs sont tous comme ça, je sais pas trop. Mais non, elles sont non. pas toutes comme ça, t'es tombé sur une connasse. Mais oui. L'autre celle que j'ai l'aise, je le tape 10 fois par jour. 10 fois tout le jour je le tape. Je le baisse tout le jour. Tout le jour. Ah tu te la tapes 10 fois par jour? 10 fois par jour, je le baisse 10 fois par jour. Bah oui mais c'est peut-être un peu trop Maxime, hein, 10 fois. Hein. Hein Maxime, 10 fois c'est peut-être un petit peu exagéré. 9 ouais. ça irait, mais 10 c'est un peu trop là. Mais en même temps, si elle a la chatte irritée, au moins elle ira pas voir ailleurs. C'est vrai. J'ai confiance à moi-même. Si je vous dis ça, je sais pourquoi, je sais de quoi je vous dis qu'en fait. Ouais, non, mais d'accord, ok Maxime, mais 10 fois c'est peut-être un petit peu trop quand même. Mais bon, mais écoute. 10 fois là, en fait, quand je vous dis 10 fois, c'est pas dans le même temps qu'en fait. Je dis, c'est-à-dire. On commence le matin, par exemple, avant de partir au travail. Je ouais, tape, sur la journée complète. Et puis après, le soir, t'as fait les 10 fois, quoi, au total, sur la journée complète. Je tape. Voilà. D'accord, ok. Ça, en clôturant, paf, tu tapes. Voilà. Par jour. D'accord, ok, et mais tout c'est. Le jour, tu fais ça avec une meuf. Mais qu'est-ce ouais. qu'elle tient, quoi. Mais c'est peut-être un petit peu trop. Hein. Moi, je ralentirai un petit peu la cadence. Non, mais Maxime, tu trouveras celle. Mais oui, chaussure à ton pied. Mais ouais, si t'inquiète. Tu veux, il y a Sandro qui est là. Hein. Si t'as, parce qu'elle aime bien baiser 10 fois par jour, elle. Voilà, 10 fois, il n'y a pas de problème, Maxime. Ça tu peut être un bon taper. Plan. Voilà, en plus elle cherchait quelqu'un et tout, là pour l'instant je pense que. Ouais, mais je vais le tromper, hein. Non, mais jamais de la vie, justement. Je suis pas justement. Fidèle, hein. Bon, Maxime, tiens-nous au courant quand t'auras des nouvelles, d'accord? Ok, y'a pas de soucis, Maxime. Allez. Mais je peux passer un petit dédicace, hein. Allez, bah vas-y, Maxime. En fait, je voulais passer un petit dédicace à ma femme, que je l'aime aussi de côté, elle s'appelle Émilie. C'est une autre? Mais lui aussi, il aura une autre. Mais c'est une autre? Ben, j'ai trouvé une autre. Ah, il a trouvé. Ah, déjà, bah, t'as pas perdu de temps. C'est-à-dire qu'il t'a trompé hier soir et hop là. Nouvelle ouais, déjà, je, mais c'est bien, pas Maxime. Pas le temps, en fait. Ben, t'as raison. On perd pas de temps. Bon. J'avais une autre fille que, voilà, elle cherchait à tisser des relations avec moi, comme je l'ai expliqué. J'ai ma femme, machin, tout et tout. Mais vis-à-vis par rapport à ça, j'ai pris ma décision, puis ben voilà. Non, mais t'as bien fait. Ben, le message est passé, Maxime. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, au revoir. Salut Maxime, à bientôt. Bah voilà, mais il a eu raison, hein. Mais oui. Il y a un moment, faut se laisser faire. Voilà, faut pas perdre de temps. Et puis 10 fois par jour. Ah bah 10 fois par jour, c'est quand même chaud, hein. Ça c'est sûr. Bon, il y a Gwenaëlle avec nous maintenant de Salon de Provence. Salut Gwen. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, Gwen. Tu nous avais appelé toi pour les changements de prénom, comme l'américaine ouais. qui s'appelle Sheila et qui a décidé de faire les démarches pour changer de prénom parce qu'elle trouvait son nom que son nom portait la poisse. Donc du coup, elle veut s'appeler Sexy. Alors tu veux t'appeler comment toi? Moi je veux m'appeler Gibriel. Gibriel? Attends, tu t'appelles ouais. Gwen et tu veux t'appeler Gibriel? Ouais, non, Gwen c'est le diminutif en fait. Moi c'est Gwenel le prénom. Ouais, en fait. Gwenel. Ouais, et je trouve ça trop laid en fait pour un mec. Et tu veux t'appeler Gibriel? Ouais. Ah. Ouais, mais tu t'es conscient que c'est encore plus compliqué? Oui, c'est encore plus compliqué, effectivement. Ouais, mais moi je kiffe ce prénom en fait. Ah, mais non, mais après, pourquoi pas, hein? J'ai envie de dire, pas de problème. Donc Gibriel. Ça fait un d'accord. peu Patrick ouais. Bruel, Gibriel. Bon, pas forcément. Attends, parce qu'il y a d'autres messages qui sont arrivés aussi. Il y a Valo qui dit, moi j'aurais aimé m'appeler Louise plutôt que Valérie. Ah, Val. Non, c'est mieux Val, parce que Louise, tu peux rien faire avec ça. Tu peux faire Lou. Ouais, oui, mais autant ouais, l'appeler non, mais Lou directement. Non, en fait, elle serait appelée Louise, elle leur dit, je veux pas m'appeler Louise, je veux m'appeler ouais, mais ça, de toute façon, Caroline. Bah voilà, c'est clair. Et il y a Snourki aussi qui dit, Mickaël, mon prénom c'est Romaric. 10-12 ans, je voulais changer car je l'aimais pas, mais maintenant non, car c'est original et pas courant. Non, change. Ah bah non, non, mais c'est vrai, pour le coup, c'est pas courant, hein, ça je confirme. Bon, dites-nous les autres, hein, qu'est-ce que vous. Est-ce que vous changeriez de nom si vous en aviez la possibilité? Comment est-ce que vous vous appelez et comment est-ce que vous vous appelleriez? Bah vous nous dites, hein, 01-42-48-5000, 02-851-4x0 depuis la Belgique. Et puis Facebook et Twitter, tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Attends, il y a Emile aussi avec nous de Montpellier. Salut Emile. Salut. Alors laisse-moi deviner, tu veux changer de prénom toi? Pardon? Tu ouais. veux changer de prénom toi? Oui. Bah oui. Mais ça se comprend. Mais t'as porté plainte contre tes parents ou pas? Non. Ah bah t'aurais peut-être dû. Hein. Désolé pour les Emile, oh ça va, c'est pour rire. Oh là là. Je préfère prévenir parce qu'avant d'avoir des messages, ouais enculé. Il y en a plus beaucoup des Emile, hein, la non, c'est vrai. Passée. C'est vrai. Et tu voudrais t'appeler comment toi? Adrien ou Antoine. Oh, c'est moche. Attends, attends, tu veux échanger Émile contre Antoine? C'est ça, un prénom de con pour deux prénoms. Non, non. C'est pour rire. Top, non, mais arrête de prendre ma voix, s'il te plaît. Un prénom vieux français contre un autre prénom vieux français. Plutôt Adrien qu'Antoine. Plutôt Adrien qu'Antoine. D'accord, ok. Ouais. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Et c'est quoi ton deuxième prénom? Noël. No- ah oui, putain, oui. Alors, Émile Noël... Ah ouais. Ah ouais, putain, là, t'as pas de bol, Emile. Hein. Et mon troisième, c'est Léon. Oh, putain oh, mais Emile, Noël, Léon. Oh. Ah ouais, c'est chaud, toi, t'as le trio gagnant. Ah, putain, et joue au loto, mec, hein. Ah bah ouais, attends, évidemment. Et toi, il s'appelle Henri, je crois, c'est ça Henri-Pierre. Henri-Pierre. Christophe Henri-Pierre. Et il fait son grand dur. Ouais, ouais c'est ça. Je vous emmerde. Ouais, je suis un enculé, ouais, je baise les meufs à gauche, à droite, pas je m'appelle Christophe Henri-Pierre. Henri-Pierre, pas du tout. Et moi, c'est M&M's. C'est Mickaël Maurice. Ça fait M&M's. C'est pas mal aussi. Bah oui, bah écoute. Franchement, je préfère Maurice, ça fait que. Rigole pas, ça tu t'appelles comment, toi c'est quoi le deuxième prénom, là? Hein? Non, ça va, ça passe. Si, non, c'est ça quoi? Passe pas, non. Maria. Non, ouais, Maria. Non, non, c'est Maria. Non, t'appelles Maria. Maria. In American, non, c'est Maria. Ouais, ouais, son portugais, Maria. Sandro Marie. Sandro Marie. C'est clair. Sandro Maria. Bon, Polo, il n'y a pas de prénom, lui, de toute façon. Hein. Non, il n'y a pas de premier, pas de deuxième, pas de troisième, il n'a rien. C'est un pauvre type. Mais oui. Et il toi, a été Gwen? Abandonné à la naissance. Gwen, c'est quoi ton deuxième prénom, toi? Kevin. Gwenaël, Kevin, ouais, bon, ouais, ça va Kevin, ça. Kevin, non, ça passe. Le troisième, ouais, c'est Johan. Johan, ouais, ça va encore. Ouais, mais c'est le premier qui nique tout, en fait. Bah ouais, mais t'as qu'à changer, pourquoi tu t'appelles pas Johan, alors? Bah parce que je peux pas, j'ai mon frère qui s'appelle Johan, d'ailleurs. Ah merde, ah, ouais, putain, ouais, ça mon c'est frère con. Et Kevin, j'ai mon frère aussi qui s'appelle Kevin. Ah ouais, bah là, t'as rien à faire. Je vais chercher loin, mes parents. Ah ouais, non, bah là, tu peux rien faire, là, ça c'est clair. Bon, bah merci, Gwen et Emile, d'être passés, alors. Mickaël. Oui, Emile. Est-ce que je peux faire une blague de merde, s'il te plaît? Est-ce que tu peux passer, tu peux faire quoi? Une blague. Bah vas-y toujours, Emile. Quelle est la différence entre une femme et une piscine? Une femme, une piscine. Attends, une femme et une piscine? J'en sais rien, moi, vas-y, je pense que ça va être nul. Les deux mouillent. Oh là là. Voilà. Aucune, c'est pas rentable pour le temps que tu passes à l'intérieur. Oui, Emile, évidemment, évidemment. Digne de Toff, c'est bien, Emile. Tu deviendras quelqu'un plus tard. De toute façon, la première fois que je suis passé, on m'avait dit que j'étais le fils caché de Toff, donc C'est vrai. Ah bah tu vois, je le redis une deuxième fois maintenant, donc c'est pour dire, hein. C'est pour dire qu'il y a peut-être quelque chose, ouais. Merci Emile d'être passé. Salut Gwen. Salut. Passez un bon week-end tous les deux. On aura Stacy aussi. Stacy dans quelques minutes. Salut Stacy. Stacy. Stacy une fois. Stacy deux fois. Stacy n'est pas là. C'est pas grave. Au revoir. On Stacy. Va donc récupérer Damien avant de faire le canular du jeudi comme d'habitude. Damien pour la colle. Oui. Bon alors Damien, je t'ai posé la question pour le prénom déjà ou pas? Non. Tu changerais pour un autre prénom ou pas? Non, ça va. Non, tu restes sur Damien, t'aimes bien? Ouais, ça va. Ok, d'accord, très bien. Bon, eh ben écoute, tu nous appelais pour la colle, toi, pour repartir peut-être avec le netbook. Ça tombe bien, on va l'offrir dans quelques minutes. Et donc, pour le gagner, il faut que personne ne trouve la réponse à ta colle. Je rappelle que si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il gagne ou elle gagne. Si personne ne trouve ou que la personne qu'on appelle tout à l'heure avant minuit 30 ne décroche pas, tu gagnes également. Vas-y, fais péter la colle, allez. Damien. Donc, mon premier est le contraire de vrai, et mon deuxième protège l'œil. Qui suis-je? Voilà, mon premier est le contraire de vrai, mon second, mon deuxième, protège l'œil. Qui suis-je? Vous avez la bonne réponse, tant mieux. Il y a un message qui disait, pour la colle, est-ce que c'est le vert? Non. Non, c'est pas ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, M-I-K-L, suivi de votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer, c'est gratuit, sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/M-I-K-L officiel. Je vous ai mis la colle, il suffit d'aller répondre, hein, tout simplement. Et puis, tirage au sort dans quelques minutes, juste après le canular. Damien, tu restes avec nous? Ça va, pas de problème. Parfait. Bon, continuez à nous dire où est-ce que vous nous écoutez là en ce moment. Par exemple, il y a Sophie qui dit « Moi, je suis dans mon lit, bien calé ». Bah, profitons bien, Sophie. Devers45 qui dit « Moi, je voudrais changer au lieu de m'appeler David. Je voudrais m'appeler Devers et mon deuxième prénom, c'est Morgane. Devers. Ouais, Devers. Ouais. Jay aussi qui dit « Je m'appelle Jérémy, j'aurais bien voulu m'appeler Morgane. C'est un peu moins courant. » Ouais. Et Didoudoudi qui dit perso j'aurais préféré m'appeler Brian. Il y a Tess également qui dit Tess c'est pas courant donc je veux pas changer. Non c'est bien Tess, c'est sympa. Et Leslie qui dit moi j'écoute dans mon lit avec mon chéri à côté de moi et mon prénom c'est Leslie et j'aimerais bien m'appeler Mélissa. Et message aussi Guillaume qui dit un petit coup d'alarme ça va nous réveiller. Bah écoute avec plaisir pour l'alarme. Alors attends, c'est vrai que il y a l'alarme incendie depuis hier. Attention, attention, je coupe tout. Attention, vous êtes prêts? J'enlève le casque parce que sinon après ça va me tuer les oreilles. C'est horrible. C'est une horreur hein. Ah c'est une angoisse. Ah c'est l'angoisse totale. Ça, il vaut mieux arrêter là effectivement. Voilà l'alarme, ça vous a réveillé normalement. En même temps c'est mieux, il est minuit. On va se faire les teubés de la télé dans quelques minutes. Et puis je vous l'avais promis, le son de Britney Spears, Till It's Gone. On écoute ça maintenant. Bonne nuit tout le monde. C'est Mickaël No Limit. On est au cœur de la nuit sans pub et on est là de 23h à 2h. Tous les soirs de la semaine sur Fun Radio. I'm blind from the tears that fall like rain. C'était le nouveau Britney Spears sur Fun Radio. Allez, restez bien là, on est au cœur de la nuit sans pub. Il y a Jonathan qui vient m'envoyer un mail. Tiens, bonjour à toute l'équipe, moi je vous écoute. Entre mon volant et mon siège, je suis au taf. Bah très bien, bah écoute, amuse-toi bien ou bon courage, ça dépend. Olivier qui dit, moi ça va, mon prénom me déplaît pas trop comparé à mes autres prénoms, c'est Laurent et Daniel. Bon, ça passe encore. Ça va. Anthony qui dit, faudrait que vous fassiez H24. Ah oui, votre émission. Ouais, mais Anthony, il faut qu'on dorme un peu quand même. Yannick qui dit, pour le prénom que je veux changer, je m'appelle Yannick. Et j'aurais bien voulu m'appeler Chris. Et Laetitia, j'écoute dans mon lit bien au chaud et un peu malade quand même. Il y a Aimé aussi qui dit salut la famille, moi c'est Aimé et j'aime pas mon prénom, j'aurais bien voulu m'appeler Mathieu. Et puis Océane, ouais, Aimé, ouais. Moi c'est Océane et j'aimerais m'appeler Emilia ou Maritza. D'accord, pourquoi pas. Et alors Coussindou qui dit moi je suis au salon, je joue à Clash of Clans et attends c'est quoi et je vous écoute voilà et je tweete en même temps. Bah très bien, merci. Comment beaucoup, tu veux qu'on croit pas que c'est un mec? Bah c'est ça aussi hein, voilà. Et puis Jay Lapointe qui dit salut, moi je me prénomme Jérôme et si je devais changer ce serait pour Aldric, c'est original. Et Célia qui dit moi je suis posé dans mon lit au chaud avec la gastro et des putains d'écouteurs qui marchent pas. Ah bah c'est pratique tiens pour écouter l'émission effectivement. Allez, restez à l'écoute de Fun Radio évidemment puisque nous allons faire encore d'autres appels avec Tof. On va également se faire les teubés de la télé. Et puis bah vous le savez, avant de récupérer Stacy là, on va parler de quoi dans un instant? Stacy, t'es de retour? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend mieux là Stacy. On parlera de quoi dans quelques minutes avec toi? Ma mère qui se comporte comme une adolescente avec son copain. Alors, première fois qu'on parle de ça, tiens, c'est marrant. Bah très bien Stacy, reste avec nous. Quoi qu'il en soit, dès le début, hein, si vous aussi vos parents se comportent comme des gamins, n'hésitez pas à nous appeler, on en parlera avec Stacy dans quelques minutes. 01 42 48 5000 02 851 4x0. À suivre le son de Pharrell Williams. Ce sera Happy sur Fun Radio, il y aura aussi Avicii. Et je vous calerai aussi Shakira. Voilà, Shakira qui sera d'ailleurs demain matin en interview chez Bruno dans la radio à partir de 6h. Voilà, donc restez bien sur Fun Radio et puis on va se faire maintenant le canular du jeudi. Et le canular du jeudi, c'est avec Gaëtan que ça se passe. Salut Gaëtan. Salut Mickey. Comment ça va? Salut. En forme? Oui, oui, très bien, très bien. Bon, Gaëtan, tu es là pour le canular, le célèbre canular. Attention, la barre est haute, puisque bah, la semaine dernière, on avait fait le coup de la voiture avec la police, tout le bordel, bref, la course-poursuite. La semaine d'avant, c'était l'histoire de la bombe. Et donc, on va faire quoi? T'as une idée déjà ou pas? Ouais, j'étais parti sur délire. Où est-ce que je m'en vais dans un autre pays en fait pour faire genre un truc d'aide humanitaire en fait je pars pour travailler en fait je suis au chômage et tout. Bon, ok, d'accord. Donc tu vas lui faire croire que tu vas partir là-bas? Ouais, voilà, non mais je vais pas lui dire que je suis encore parti, je vais lui dire que je vais devoir partir en fait, je dois de l'argent en fait. Et du coup voilà quoi, du coup je suis avec celui avec qui j'ai signé pour partir et du coup voilà quoi. Quoi qu'il en soit, je suis déjà équipé, j'ai un dinosaure. pas, enfin, a priori c'est un dinosaure, hein, je ne sais pas, j'étais pas là il y a 65 millions d'années, donc je ne sais pas très bien si c'est vraiment ça. J'ai le T-Rex également. Ah oui, d'accord. Il y a un mélange d'éléphants et... Ouais, bah c'est le T-Rex a priori, donc on verra bien en tout cas. Hein. Bon, comment il s'appelle ton père ? Eric. Eric, très bien. Allez, c'est parti, bonne chance Gaëtan, et nous on est derrière, hein, t'inquiète. Ah bah il y a Doudou qui fera l'apparition évidemment. Ah bah oui, je suis là. Bah voilà, très bien. Il faut venir en Afrique, hein, on a besoin d'aide. Bah c'est ça. Enfin quoi que c'est plus une voix des îles, mais bon. Allô ? Mais allô pas ? Ouais. Ouais, c'est Gaëtan, ça va ? Ouais, toi ? Ouais, ça va, ça va. Bah écoute, ouais, j'ai rencontré un collègue, un ami au bar. Ouais. Bah du coup, il m'a parlé d'un truc à faire, voilà, c'est partir dans le centre Afrique pour aider des animaux et tout, pour... Bah pour gagner de la thune quoi et tout, mais le truc c'est qu'il faut que je paye le voyage quoi. Tu vois, tu payes le voyage. Voilà, en gros j'ai pris un engagement, mais. Non mais tu vas voir, c'est cool hein. De quoi ? Non, non, parce qu'une fois que t'es là-bas et tout, tu sens que t'es en communion avec la nature et tout, c'est génial. C'est mon collègue, c'est Michel. Ouais, voilà, mais... la marmotte, ah, mais le chocolat dans le papier d'alu, ou décoller, ou allô, travailler la nuit, et puis comme ça, tu vas le payer ton voyage. Allô, tu me racontes, c'est n'importe allô quoi, le voyage. Allô, papa. C'est quoi, papa, c'est qui? C'est Michel. Oui, papa, non, il m'a pris pour qui? Non, mais parce que là, je voulais juste vous expliquer, en fait. C'est-à-dire que là, c'est moi qui lui ai dit, parce que moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire ça plusieurs fois, et donc on part en Afrique pour une ONG, pour aider les animaux là-bas. Pendant un mois. Super. Bon, alors attendez. Donc c'est bon, alors vous voulez que je vous donne mon RIB maintenant ou on fait comment? Oui, contre la tupi bois de l'eau. Comment ça, je comprends pas? Eh bah tant pis pour toi, passe-moi mon fils là. Non mais attendez, mais parce que moi il faut payer absolument dans les deux jours. Hein. Parce que là on part la semaine prochaine, vous comprenez? Donc pour réserver le billet d'avion, on n'a pas le choix là. Bah écoute, c'était avec mon fils là, tu vois. Vous venez jusque chez moi, je vais te payer. Mais non, mais là c'est pas possible. Oui, mais il peut venir jusque chez vous, c'est pas un problème. Là, vous me faites le virement et puis après, moi je m'arrange. Hein. Je réserve tout pour lui, y a pas de problème. Pour te virer, je vais te virer, mon pote. Bon, alors écoutez, je vous le repasse. C'est bon, Gaëtan, y a pas de problème, il est d'accord. C'est ça. Il est d'accord, il a dit ok, donc. Ouais. Ça va ? Ouais. Non, mais sérieux, franchement, j'ai. Qu'est-ce que tu me fais encore, là, je me suis engagé, maintenant c'est trop tard, j'ai signé les papiers et ça fait, ils ne lâcheront pas, quoi. Mais pas signer les papiers, non mais, hey, Gaëtan, arrête de me prendre pour un con, là. Si, non, regarde, et ton pote, il l'a fait plusieurs fois, donc c'est celui, et il doit avoir des sous, il connaît bien. Oh, c'est l'autre, il met des... Oh là là. Oh, c'est quoi ta connerie, là, parce que, et c'est quoi les bruits de phare, là, derrière, là? Mais parce que je suis chez lui, et puis il y a des animaux. Oui, bah non, tu étais dans un bar il y a deux secondes. Non, je t'ai dit, j'ai rencontré un collègue dans un bar et je suis chez lui, là. Je suis pas dans un bar, je t'ai pas dit que j'étais dans un bar. Non, mais voilà, t'as pas compris, faut que tu m'aides, je sais pas. T'es la seule personne sur qui je peux compter, donc. Et là, tu vois, je vais t'aider. Tu vois, c'est ce que tu fais. Demain matin, à la première heure, tu vas à l'MPE, tu trouves un boulot, tu vas gagner de la thune et puis tu... Ouais, mais dis-lui qu'on t'aura pas l'argent assez tôt, hein. Ouais, non. Mais non, tu peux pas me faire ça, quoi. Je peux pas te faire quoi. Allez, qui paye ? Je sais pas, quoi. Et là, quelle est la personne qui a pris sa responsabilité en fillant des conneries ? Comment ? Tu sais, qui a signé ? C'est toi ou comment ? Bah, c'est moi qui appelle. Ah, ouais. Bon, et c'est quoi ta connerie ? Parce que l'autre, il a des éléphants aussi dans sa baraque, là. Vous prenez pour un con, hein? Il y a la télé, il est sur ça. Ah, maintenant c'est la télé. Il regarde sa famille à la télé. Mais il y a la télé en même temps, quoi, je veux dire. Bon, et Gaëtan, arrête de prendre pour un con, je te promets. C'est la Joe Wild. Sans déconner, moi je travaille la nuit, hein. Donc, tu vois, il se met directement. Pas le moment. Dis-lui qu'il se met sur National Geographic, là, il parle justement de l'ONG. National Colombie. Bon, Gaëtan, sans déconner, tu vois, t'as des conneries à faire, j'ai pas de temps à perdre. Bon, d'accord. Est-ce qu'il va payer, oui ou merde ? Merde. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est clair, merde. Eh, qu'il aille se faire enculer, qu'il parle pas comme ça ! Il aime pas les animaux, c'est un con ! Il est bâtard, là ! J'en ai rien à foutre ! C'est un connard, là ! Pourquoi il parle comme ça, les animaux ? Eh, bouffe merde, là ! Eh, je te promets... Mais, oh là là ! Eh, dis-lui que c'est un con, là, qu'il aime pas les animaux ! Je vais venir casser sa baraque de merde. Viens, viens, bouffon. Viens. J'en ai rien à foutre. Ça se tripote comme ça. De toute façon, tu t'en fous, t'as payé, t'en as rien à foutre. Viens, t'as signé, il reste plus qu'à payer. Moi, sinon, je porte plainte contre lui. Oh bah vas-y, vas-y, alors là, j'adorerais. J'en ai rien à foutre. Au moins, comme ça, je vais voir ta gueule, moi, tu vois. Je vais porter plainte et je vais venir casser sa maison. Ça se fait pas de... Ça se fait pas de quoi aider les animaux comme ça, c'est dégueulasse. Non mais ça va être mal finir. J'avais pas envie de finir là, je vais faire un sauter au téléphone, je vais mal finir, je vous promets. Qu'est-ce que je vais foutre? Mais moi, attends, je m'attendais pas à tout ça moi non plus quoi. Moi, tu m'as dit ton père il est cool, en fait il est pas cool. Tu m'as dit ton père il est cool, en fait il est pas cool. Mais non, mais en même temps, moi je pensais qu'il allait bien réagir quoi, tu vois, d'un côté, voilà papa, tu vois, je t'appelle. Qui va bien réagir? Qui va bien réagir? Tu rigoles ou quoi là? Tu m'as dit ton père il est cool, en fait il est pas cool, c'est un con et un radin en plus. Ouais, bah ça par contre tu vois t'as un terme qui est exact, je suis radin. Ouais, non, t'es con surtout, c'est ça le terme exact, non? Non. C'est pas moi, je le pense pas spécialement, c'est pas parce que les autres le pensent que moi je le pense pas, tu sais pas bien, Mais qui pense quoi? Mais qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que bon bouffon là qui est en train de parler là? Sans déconner, tu me le ramènes en face, il va prendre deux marronniers sur la gueule. Non mais c'est quoi ce bordel? Ah ça y est, il a énervé Dumbo. Non mais les l'autre, attends, Mini Starman, oui, tu as Dumbo, connard. Ah c'est Flipper. Ouais. Non mais... Bon alors il dit oui ou dit merde. Il dit va faire. Je lui laisse une dernière chance. Dis-lui que je lui laisse une dernière chance avant que je m'énerve. Bah énerve-toi, viens. Viens, énerve-toi. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je vienne? Il veut qu'on se batte? Ah non, on va pas se battre. Je vais te défoncer ta tête, c'est différent. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, passe-le moi. Tu vas pas le temps de réagir, pauvre merde. Allô? Oh, ça fait moins le malin maintenant que je suis au téléphone là. Viens. Ça fait moins le malin là. Ah non, tu vois, celui qui va être moins malin, c'est celui qui va être en face de ma gueule s'il se déplace. Y'a pas de problème. Tu parles de quoi? Du sol que tu vas voir de près? Hein? Parce que moi je suis en train de travailler, moi je travaille des animaux, alors j'ai pas peur d'un animal comme toi, t'as compris? Des animaux pauvres cons. T'es vraiment dégueulasse sans cœur. Ouais, exact. T'es sans cœur alors que ton fils il veut faire un rêve, il veut partir pour aider les animaux et toi tu préfères garder des billets sous ton matelas. Et tu vois, il veut faire un rêve, et ben il va se mettre dans son lit et puis il dort. Ah, c'est génial. Ouais, mais c'est pas le même rêve. Bon, alors tu sais quoi? Eh ben, je vais te présenter quelqu'un, tu vas voir. Il vient directement de là-bas, on va voir si tu parles de la même manière. Viens, ramène-toi. Désiré, viens, Désiré, là. Tiens, prends le téléphone. Il veut pas aider ton pays, ce con, là. Comment? Tiens, je te le passe. Allô? Ah là là, putain, c'est pour. Allô? Franchement. Allô, monsieur? C'est ça. Allô, tu es là? Ah bah, il avait raison, tu t'es un peu calmé. Oui, non, mais je vais te calmer aussi, moi. Bon, allez, dégage, là. Bah, Gaëtan, on prend le téléphone. Mais enfin, ça se fait pas de parler comme ça aux gens, alors pourquoi tu te prends? Pour qui je vais te prendre, moi, tu vois. Mais enfin, je comprends pas. Pourquoi tu veux pas aider les animaux dans mon pays comme ça? Parce que je les aime pas. Mais enfin, pourquoi tu aimes pas? C'est des beaux petits animaux qui sont tout gentils. Ben oui, je les aime bien, c'est dans mon assiette. Ah mais non, ça se mange pas, il faut les sauver, c'est des espèces protégées. Bah, tu fais vraiment n'importe quoi, mon garçon. C'est les meilleurs, les protégés. Bah, enfin, ça se fait pas. Mais pourquoi tu dis ça? Gaëtan, reprends le téléphone là. Mais non, il va pas reprendre le téléphone. Toi, tu vas payer le chèque, hein? Tu vas arrêter de faire ton malin dans le téléphone. Alors, est-ce qu'il a accepté? Mais non, il fait le malin dans son téléphone, il croit que c'est le roi du monde. Allô? Non, le roi du monde. Allô, c'est Michel? Va te faire foutre, Michel, dégage, passe-moi mon fils. Oh, il est pas poli, hein? Oh, il est vraiment pas poli. Ah non, il est pas poli du tout. Oh là là, il est d'une impolitesse. Non, tu vois, si j'aime faire enculer tout à l'heure et tout, quoi. Je te promets, je vais le trouver. Mais tu vas rien trouver du tout, t'es en train de t'énerver pour rien, moi je suis peace and love. Ouais, tu vas voir, peace and love. Passe-moi mon fils là. Gaëtan? Ouais. Je te passe celui qui t'a mis au monde, alors c'est le seul point commun qu'il a avec toi. Ah oh, oui, oh là là, qu'est-ce qu'il est mal élevé. Oh, qu'il est con. Ah oui, j'aime pas dire du mal, mais alors lui, oh là là. Ah, qu'il est bête. Ah oui, oh là là, un idiot. Ah, qu'il est bête. Un idiot fini. Gaëtan, tu vas longtemps, tu vas continuer là, c'est quoi ton délire là? Oh, qu'il est bête. C'est lui, j'ai besoin d'argent. J'ai... Non, mais tu veux... Arrête. Bah, oh, qu'il est bête. Je te dis la vérité, je te mens pas. T'inquiète pas, t'as besoin, je vais venir te les donner, tu vois, en personne demain, tu vois. Ah, bah parfait, génial. Oh, bah merci beaucoup. En personne demain, Gaëtan, tu vas me faire chier, moi. Merci beaucoup pour l'argent, monsieur. Va te faire foutre du con. Pas de dérangement non plus, quoi. Voilà, toi en même temps, toi, tu vas voir. Quoi, eh, merci beaucoup, monsieur, pour l'argent, hein, c'est cool. Qu'est-ce que t'as dit, hein? Je dis merci beaucoup pour l'argent parce qu'on a dit d'accord. La gueule. Hein, donc c'est plutôt cool. Eh, merci beaucoup, hein. Eh, vraiment, ça me touche parce qu'on va pouvoir aider les animaux et tout, c'est génial. Oh là là, il est toi gentil. Ah, mais ouais, il a dit ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est gentil de sa part. Ah, mais merci beaucoup, hein. Oh, merci, monsieur, hein. Ouais, ouais. Je suis payé, papa, sérieux. Ah oui, comment? Fais-toi bon. Tu vas payer, sérieux. Tu peux m'aider à payer. De toute façon, s'il paye pas, j'en ai rien à foutre, moi, je lâche le dinosaure. Mais franchement, c'est quoi ton bordel là? Non. En train de me faire une guerre, toi. Ah, il va bouffer la vache. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Allô. Attends. Une seconde, j'ai déjà entendu ça. Attends. Ouais, dans Jurassic Park. Ouais, attends, Jurassic Park. Je viens de penser quelque chose. Ouais, attends. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait à manger? Ouais, tiens, je vais te manger, toi. J'ai déjà entendu ça. Oh là là, le gros animal. Et tu l'as pas vu? Tu l'as pas vu devant toi encore? Attends, c'est quoi ce bordel? Faut que je vérifie quelque chose. Ça commence, sérieux? De quoi? On se commence, on déconne. Attention, Désiré, il y a les lions. Oh là là, mon dieu. Ah, il a bouffé les deux. Il a bouffé les deux jambes. Bon, allez. Bon, Gaëtan. Ah, putain, parce que là, je sais pas avec qui tu t'amuses, mais c'est en train de nous prendre la tête. Oh, il a pas d'humour, ton vieux, hein. Quelle horreur. Oh là là. C'est dingue, ça. Au contraire, il en a trop. Oh, il en a trop et il se la ramène en plus. Bon, Eric. Eric, Eric, c'était quoi l'idée que t'avais eue là? Tu dis, attends une seconde, je connais, attends une seconde. Je suis allé voir quelque chose, mais ça correspond pas. Avant, t'as été voir quoi? Rien. Mais je connais cette voix, donc ça m'énerve et... Et tu vois pas qui c'est? Je suis sur ce radio là. Mais quelle radio? C'est Fun Radio, ça. Mais non. Non, et Gaëtan, des canulars de pouilleux comme ça, j'en entends tous les jours. De pouilleux, un peu de respect quand même. Un putain de canular à la con, c'est très bien, vous êtes bien amusé. Gaëtan, pour info, je me lève à 2h du mat, donc je suis pas très content et tu le sais. Ça va, et dans 2h, on n'est pas non plus dans le détail. Hein. Bah, bon, moi je me casse, ça m'a saoulé. Bon, t'aurais pu prendre une moto au moins, une voiture. Enfin, bah, ouais, j'aurais pu, mais je l'avais pas en stock. Attends une seconde, faut voir. Tu l'as pas sur ton... Ah si. C'est une moto de merde. Hein. Ouais, alors que le scooter, il pète vachement plus. Hein. Ah, une bonne Harley. Voilà. Bon, par contre, avec le scooter de Toff, c'est encore mieux. Voilà, là, on est bien. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Bon, effectivement, oui, on est les appels de Pouilleux, Eric. Bon, c'est Fun Radio, c'est Mickaël. Ça va? Voilà, il me semblait bien, oui. Ouais, il me semblait bien, oui. C'est nous qui faisons les appels de Pouilleux. Attends, mais attends, je les entends les trucs tous les jours. Bon, Gaëtan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir la télé à ton père. Ah, bah, carrément, quoi. Il rigole jaune quand même, enfin bon. Bon, Eric. Oui. Un écran Full HD 32 pouces, c'est pas mal, ça peut regarder la Coupe du Monde bientôt, là. Bah, c'est très bien. Ah, bah, voilà, très bien. Bon, on va te filer ça, comme ça, tu vas pouvoir regarder l'équipe de France. Bah, tu l'offres à Gaëtan, hein. C'est pas pour moi, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Bah, regarder la télé. Bah, il y a la vieille. Ah, il y a la vieille. Bon, bah, alors, si y a la vieille, alors très bien. Bon, bah, alors, ok, d'accord. Bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, avec bon Gaëtan, bah, la télé écran plat est pour toi. Et puis, Eric, bah, bonne soirée, Eric, hein. Bonne soirée. Et bon courage pour le réveil tout à l'heure. Merci, c'est gentil. Bah, enfin, oui, tout à l'heure dans 2 heures, quoi. Bon, allez, il y a Wayne aussi qui a envoyé un message qui dit, ah, mon dieu, il a bouffé les deux, excellent le canular. Énorme le canular, trop bon. C'est Guy Drake qui avait envoyé le message. Il y a Anthony aussi qui dit, mort de rire, le T-Rex de Jurassic Park, je suis KO, vous me faites rêver. Et Jojo aussi, énorme le canular avec l'accent pourri de Toff. Oui, alors, comment Toff, le doudou, là, il vient des îles, là, il vient pas d'Afrique, hein. Ah, oui, d'accord, mais c'est parce que l'Afrique, je sais pas trop bien. Ah, ouais, voilà, c'est ça. Et India qui dit, ce canular. aïe. Ce canular de pouilleux, pas cool le padre. Et puis Camille qui dit c'est un zoo chez Mickaël. Et Gauthier qui dit trop énorme le canular. Là, je vous adore, bonne ambiance et bonne humeur. Bon ben merci en tout cas. Si vous voulez faire aussi un canular, on remet le couvert la semaine prochaine. N'hésitez pas bien sûr. Hein, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou alors pour la Belgique le 02 851 4x0. Retour avec Jean-Philippe, avec Junior, avec Stacy, avec Damien également pour la colle. Ce sera juste après le son de Pharrell Williams. C'est Happy sur Fun. Le son de Pharrell Williams sur Fun Radio, c'était Happy. Il y aura à suivre le son d'Avicii avec Addicted to You. Il y aura Shakira avec Can't Remember to Forget. Forget You, oui, c'est ça, j'ai oublié un mot. Ouais. Et puis on l'avait demandé le son de Chucky. Voilà, ça va arriver tout à l'heure, ça, sur Fun Radio. Restez là, on est là jusqu'à 2h comme tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Pour ceux qui coulent pour la première fois ce soir, bah, soyez les bienvenus, vous avez enfin trouvé quelque chose à écouter le soir à la radio. Et ça tombe bien, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Il y a Julien qui dit aussi, trop bien les soirs avec vous, surtout sans pub, continuez, je rigole trop. Ouais, Julien, d'ailleurs, vous trouvez ça sur aucune autre radio. Hein. Aucune autre radio, on vous laisse pépère, sans pub. Ouais. Il y a Dalila aussi, salut les loulous, un kiss à vous. Moi, c'est Dalila, je kiffe et j'aimerais bien passer un message, je t'aime bébé, Mickaël vous écoute à l'instant. Ben voilà, le message est passé d'Alila. Et puis il y a aussi ma mère a presque 49 ans et pourtant elle est toujours vêtue d'une mini-jupe, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ah, écoute, présente la taf. Avec plaisir. Bah moi, voilà, c'est ça. 49. Bon, moi je la fourre quand elle veut. Ça ira, Toff, merci. Bon, on va récupérer Stacy dans quelques minutes. Et avant ça, évidemment, tiens, Stacy. Oui. Tu regardes souvent la télé, toi ou pas? Oui. Oui. Oui, d'accord, ok, très bien. C'est quoi ton émission préférée? Comment ? Ton émission préférée, c'est quoi ? Je sais pas. D'accord, bon, écoute, très bien. T'as bien le journal ? Non. Ah, c'est con. Parce que sur France 2, il y avait David Pujadas qui est arrivé en retard là, pour son JT juste avant, ça m'a donné ça. Le journal de 20h, David Pujadas. Hein ? Voilà. Bonsoir à tous. Eh oui, bah 10 secondes de retard David, hein, mais bon, ça s'est bien passé quand même. Il bon, et pas encore que c'est à 20h, ça commence le journal. Ouais, et encore là, vous aviez pas le, vous avez pas l'image, mais à l'image évidemment, bah il est arrivé en retard, on peut pas le cacher. Bon, parce que encore en radio, on peut dire oh putain, le micro marchait pas, enfin ouais, tu vois, tu peux faire une enfume. Mais là en télé, c'est compliqué. Bon, si vous aviez des doutes également sur la vie sexuelle des boucs, eh bien voici tout ce que vous devez absolument savoir. Et alors non seulement, mais par exemple le bouc se masturbe comme nous. Et se suce comme nous. Ce qui est quand même bizarre. Et ça, un jour que tu viennes au moment des chaleurs, si le bouc n'a pas de chèvre, ben, il se retourne et il se suce. Et ben voilà, il s'auto-suce. Hein. Voilà, c'est ça. En plus, ça tombe bien comme on était dans les animaux juste à l'instant là, avec Gaëtan là, pour le canular. Et ben on va y rester d'ailleurs. Hein. C'est dans l'enquête d'actualité. On comprend que les agriculteurs, évidemment, en France, sont vraiment chiens. Alors écoutez comment ils parlent de ces porcs. Regardez-moi ces petits culs là. Ils reconnaissent pas. Regardez, vous voyez les formes, vous voyez. Regardez si c'est joli. Vous allez dire qu'il y a que le cul qui nous intéresse, mais quand même, c'est pas mal non plus. Ah oui, c'est pas mal non plus, effectivement. Bon, horreur. Tu crois qu'il les bourre ces porcs? Non, ça ira, Toff. Ah, pardon, merci. Bon, et je rappelle que si vous aussi vous tombez sur un truc original à la télé, un truc drôle, envoyez-nous ça hein, sur mickaël@funradio.fr. Bon, Stacy. Oui. Allez, on va parler avec toi maintenant. On t'avait eu juste avant le canular, avec tous les animaux là. T'as bien aimé le canular, Stacy, ou pas? Oui, je l'ai trouvé excellent. Bon, parce qu'il y a Kylian là qui se la ramène, Kylian qui voulait faire le canular. Bah oui, mais on fait un tirage au sort, on peut pas tous vous prendre. Bah oui. Kylian qui disait hey, il était nul le canular. Alors Kylian, écoute-moi bien. Si, quand tu vas faire le canular, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas, si t'es mauvais, t'es mort. Parce qu'il se la ramène en disant ouais, vous auriez dû me prendre, ça aurait été mieux avec moi. Bah. Mais si jamais la semaine prochaine tu le rates, on donne ton numéro à l'antenne et tous les auditeurs viendront te dire ah qu'il bah était alors mauvais. Là, je peux te dire que ça va très très mal se passer. Attention. Bon, Stacy, alors on va parler de ta mère maintenant, Stacy. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ta mère? Ben, en fait, j'ai un petit souci avec elle, c'est qu'elle a rencontré un homme qui est marié il y a pas très très longtemps, et en plus de ça, bah, déjà c'est un peu handicapant, et elle se comporte vraiment comme une adolescente avec. Donc, je sais pas trop comment lui dire, et j'aurais aimé. Bon, quel âge est là ta mère? Elle a quel âge? 48 ans. 48 et, et le mec, il a quel âge? Je sais pas. Non, mais à peu près. La cinquantaine, je pense. D'accord, ah oui, ok. Et est-ce qu'on, mais qu'est-ce que, c'est quoi les exemples? T'as des exemples à nous donner? Bah ouais, c'est genre quand elle est au téléphone avec, c'est toi raccroche. Non, non, c'est toi. Et mec, elle a 13 ans. Et ouais, c'est... ouais. Bon, écoute, elle est amoureuse. C'est pas ça, mais hey, c'est mais... vraiment pas ça le plus gonflant. C'est vraiment par rapport à ses rapports sexuels avec lui, quoi. Quoi, elle te raconte? Ah, écoute, faudrait que tu me dises un truc. Qu'est-ce que je dois faire? Non. Est-ce que je mets ces dessous là ou pas? Qu'est-ce qu'elle dit? Ben non, c'est genre déjà elle prend vachement mes affaires et ça me dérange. Mais quoi? En plus de ça, c'est genre il faut que je parte de la maison quand monsieur arrive parce que. Ben comment ça, tu pars de la maison? Tu vas où? T'as 16 ans? Ouais, j'ai 16 ans. Ben je sors, je vais faire un tour dehors et tout, mais non. Parce que ma donc, mère, bah, attends, genre, elle aime bien la machine à laver, la table de la cuisine, le nouveau canapé, enfin plein de choses comme ma ça. Ma chérie, hein, tu veux bien aller faire un tour pendant que maman se fait dégommer? Ah ouais, mais c'est ça, c'est non, mais attends, ça. Mais non, mais il y a un moment, faut lui dire, c'est un truc de ouf. Ouais, mais bon, vous voulez, enfin. Je sais pas, je peux pas trop lui dire comme ça. Bon, maman, tu me fais chier. Arrête de m'expulser de la maison pour. Non, mais d'accord. Évidemment, mais il y a un moment, faut quand même lui expliquer. Enfin, je veux dire, faut la faire revenir sur terre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, tiens, justement là, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Sinon, on peut l'appeler tout à l'heure, hein, si tu veux ta mère, hein, pour lui expliquer. Hein. Ah bah oui, y a pas de souci. Ah d'accord, ok. Comment elle s'appelle? Corinne. Corinne, bah très bien Stécie, reste avec nous. On va d'abord voir s'il y a d'autres auditeurs qui ont eu le cas comme toi et s'il y a des conseils éventuellement à donner avant qu'on l'appelle. Et on te reprend juste après Stécie. Reste là, il y a Damien également maintenant là pour la colle, la finale. Attention, c'est maintenant qu'on va donner le dernier netbook. Peut-être pour toi Damien. Ah, bah, je te le souhaite en tout cas. On appelle maintenant quelqu'un qui avait envoyé une réponse par SMS ou via le Facebook. Si jamais la personne qui est tirée au sort décroche et donne la bonne réponse, c'est elle qui gagne et toi tu perds. Si jamais la réponse est mauvaise ou pire qu'elle ne décroche pas, à ce moment-là, c'est toi qui gagneras. On y va Damien, c'est parti. Allez hop, on appelle au hasard. Dans quelques secondes, tu sauras si tu repars avec le netbook ou si tu repars la queue entre les jambes. Allez. Allez. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Sylvain, bienvenue Sylvain. Bon, Sylvain, il y a Damien qui a une colle à te poser. Ouais. Vas-y Damien. Alors mon premier Damien. Est le contraire de vrai. Mon deuxième protège l'œil, qui suis-je? Sylvain? Oh là là. Sylvain? Oh là là. Bah, Sylvain? Sylvain, reviens. Sylvain. J'ai gagné. Non, bah non, attends. Bah pourquoi ils donnent pas la réponse? Sylvain! Merde! Ça a coupé. Bon, alors attends. Bon, attends, là, c'est la première fois que ça arrive, faut quand même le rappeler. Ça a coupé. C'est un problème de réseau, là, je pense. Attends, on va quand même le rappeler. S'il décroche plus que c'est le répondeur, là, il aura perdu. Donc s'il a plus de batterie, tant pis pour lui. Et s'il a plus de réseau, il a qu'à porter plainte contre son opérateur. Alors. Oh, il va être vénère. Ah, attends. Sans répondeur quand même. Oui. Sylvain, bah putain mec sur le fil hein. Ah excuse-moi Mika. Cet enculé de Damien, il voulait gagner. Ah il voulait pas qu'on te rappelle. J'ai entendu. Ah d'accord. Bon alors la réponse Sylvain. Fossile. C'est ça. Eh ben c'est voilà. Eh ben voilà, Sylvain, t'es camionneur peut-être, non? Ouais. Ah ben voilà, très bien, pas mal. Bon, c'est gagné, hein, le netbook il est pour toi, bravo. Eh ben merci beaucoup Mickaël, merci à toute l'équipe, et puis désolé Damien. Bah ouais, écoute, ça arrive. Surtout que là il y a cru, parce que pour le coup, c'était moins une, hein. Bah ouais, mais c'est ça la route, ça capte pas partout hein. Bah oui, on a bien vu ça, ouais. Bon, bah très bien. Bah merci en tout cas Sylvain d'avoir participé. Tu retournes chez Sandro. Bah vas-y, profites-en et passe la dédicace à une seule personne, choisis la bonne. Eh bah dédicace à tous ceux qui vont connaître. Très bien, message passé, t'as vu, moi aussi j'ai mon klaxon. Voilà. Ouais mais toi, c'est un sac pouce, ça. Ah non, moi c'est une grosse voiture, voilà. Tout simplement. Ouais, il est plus gros que le tien, tout simplement. Salut Sylvain. Ciao. Ah oui, ça recoupe de nouveau. Ouais, il doit vraiment être dans une sale zone. Hein. Ah ouais, là, c'est clair. Ouais. Bon, bah Damien, bah, désolé pour toi. On va quand même te filer le pack phone malgré tout, d'accord? Ouais, c'est gentil. Avec merci plaisir. Beaucoup. Merci d'avoir participé, Damien. Tu reviens quand tu veux. Ça marche, merci. Salut, à bientôt, Damien. On va prendre Junior également avec nous de Montargis. Salut, Junior. Salut. Comment ça va? Ça va. Très Très bien. Alors Junior, toi tu voulais réagir par rapport au prénom à changer. Là, on était tombé sur une américaine qui s'appelait Sheila et qui voulait changer son prénom et s'appelait Sexy, ce qui est quand même improbable. Du coup, je vous ai demandé ce que vous voudriez comme prénom si vous vouliez changer le vôtre. Et du coup, toi Junior, tu veux le changer pour t'appeler comment? Je voulais m'appeler Kal-El. Tu voulais t'appeler comment? Kal-El. Kal-El. Comme dans Superman. Ça s'écrit C-A-2-L-E-L. Kal-El. Kal-El. Ah ouais. Et pourquoi? Ça vient d'où? J'avais jamais entendu. Je sais pas. Par exemple, dans Smallville, Superman s'appelle Kal-El. Ouais, c'est non, ça. C'est ouais. Le père de Superman. Le père de Superman s'appelle Kal-El, ouais. Mais non, non, non. C'est Superman qui s'appelle Kal-El. Ah, je sais pas. Bah écoute, Polo dit que c'est le père. Enfin bon, de toute façon, peu importe, hein, on n'est pas dans le détail. Mais Kal-El, ok, bah pourquoi pas. Et pourquoi t'aimes pas Junior? Bah Junior, le problème, c'est que ça fait petit. Tout à fait. Et mais puis ouais. 23 ans, alors quand tu es Junior... Ouais, mais c'est ça. Trop, quand t'es petit, ça va. Mais après, moi, mon fils, je l'appellerais Michael Junior. Comme aux États-Unis, tu vois, tu sais, quand t'as les darons qui appellent le petit Junior à chaque fois avec le même prénom, le même nom, mais ils mettent Junior en plus. Ça doit être insupportable. Trop le mec, quand il a 50 ans, tu vois. Ça, ouais, quand il a 50 balais, oui, Junior. Non, bah c'est bon maintenant, c'est moi qui deviens le patron maintenant. Bon, bah merci Junior d'être passé du coup, hein. Enfin, ou Kal-El, comme tu veux. Ouais, en fait, il y a moyen d'avoir un pack. Oui, bah tu vas gérer ça, le pack fun, on va gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite, d'accord? D'accord. Salut à toi, Junior, à bientôt, bon week-end. Toi aussi. Salut Junior, il y a Jean-Philippe dans quelques minutes qu'on va prendre le retour de Stacy avec sa mère qui se comporte comme une ado. Donc si vous aussi ça vous est déjà arrivé, ou au contraire vous étiez peut-être mère, et enfin vous êtes peut-être encore, hein, et vous avez eu aussi ce petit passage là, on va appeler la mère dans quelques minutes là, dites-nous qu'est-ce qu'il y a comme conseil à donner. Moi ça m'est jamais arrivé, donc on va improviser. 01 42 48 5000 02 851 4x0 et puis bah minuit 35 toujours au cœur de la nuit sans pub, Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Prévenez vos potes que si vous écoutez pour la première fois, bah vous venez de découvrir quelque chose à écouter la nuit à la radio. Bah oui, il n'y avait rien avant. Donc 23h, 2h du lundi au jeudi. Le dimanche également à 20h minuit pour tous ceux qui ont du mal à tenir jusqu'à 2h. Bah on est là également de 20h à minuit le dimanche soir. Et on écoute le son d'Avicii maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. C'est Addicted to You. Avicii sur Fun, Addicted to You. Il y aura Shakira et Rihanna à suivre dans quelques minutes. Il y a Nespa qui dit Kal-El, c'est le nom de Superman. Ah bah voilà, donc c'était ouais. Quand même bien le nom de Superman. Tess qui dit ma mère vient de quitter mon beau-père au bout de 14 ans alors qu'il m'a élevé depuis que j'avais 4 ans. Et là, un nouveau mec, c'est une vraie fofolle maintenant, lol. Mais elle est largement plus heureuse, bah c'est le principal. Et Tof, j'ai envie de te prendre par les couilles et te voir me supplier de te fouetter à coups de barbelé. C'est Ada qui est mon message. Mais écoute, avec plaisir. C'est ça. Quand tu veux. Et Hakim qui dit moi je vous écoute dans mon camion dans les rues de Paris 12e, dédicace à vous. Merci Hakim, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi comme truc avec ton camion? Est-ce que tu livres à manger? Sinon tu peux passer 20 rue Bayard dans le 8e. N'hésite pas. Bon, si c'est des poubelles par contre, non. Si, pas la peine. Oui, pour prendre Tof, exactement, tu peux le mettre dans la benne. Geoffrey qui dit moi j'aime bien mon prénom, mais c'est mes deux autres, André et Marcel. Et un message de bienvenue s'il te plaît à Brice, à bien sale. Alors attends, on a des nouveaux là. Espèce de merde, bon. Voilà, j'en ai même encore un autre là, attends. Va te faire enculer. Et encore un. Vas-y. Ta gueule, t'as une petite bite à mon avis. Voilà. Et Misaki qui dit moi je m'appelle Melinda et j'aurais bien aimé m'appeler Misaki justement. Et Gauthier, salut, je vous écoute dans mon lit avec l'iPad posé. Bah très bien, profites-en bien. C'est à l'iPad, j'espère que t'as téléchargé l'application Mickaël No Limit qui est gratuite sur iPad, iPhone et iPod. Voilà, j'espère en tout cas. On va se faire les appels de Tof dans quelques minutes. Et alors je voulais vous poser une question, tiens. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel vous tenez tellement que vous seriez capable de tout pour le récupérer? Ouais, moi mon ordi portable. L'ordi portable. Genre ouais non mais de tout. Parce que j'ai un exemple d'un mec qui a sa maison qui a commencé à cramer, il est retourné dans les flammes pour récupérer le truc qu'il voulait. Ah ouais si si ouais, moi je pense que je peux le faire aussi ouais. Pour ton ordi? Mon Mac, ouais, il y a tout là-dedans, il y a tout, c'est-à-dire que... Mais oui mais t'es con quoi. Ouais, puis ta vie c'est pas grave. Le oui mais c'est ça, il préfère mourir avec son ordinateur. De toute façon, ce serait pas plus mal que sa gueule soit brûlée. Voilà, tu vois, au moins. C'est ça. Et puis au moins, je pourrais dire, ouais, tu comprends, j'étais dans les flammes, j'ai essayé de sauver. En fait, c'est juste mon ordinateur. Ah non, moi non plus. Dites-nous, je vais mettre le post sur le Facebook et le Twitter. Hein. Allez-y, balancez vos messages, on va les lire en direct. Mickaël officiel pour venir nous rejoindre sur le Facebook et le Twitter. Polo, il y a un truc que tu veux absolument récupérer. Imagine, ta maison crame, il y a un truc à l'intérieur. Que tout crame, j'en ai rien à foutre. Tu crames, d'accord. Ok, très bien. Et toi, par exemple, Stacy? Oui. Il y a un truc là, imagine ta maison brûle. Est-ce qu'il y a un truc qui ferait que tu risquerais ta vie pour récupérer un objet? Plutôt mes animaux, moi. Tes animaux? Ouais, bon, ça c'est compréhensible, c'est vrai que sa vie. Qu'est-ce que t'as comme animaux? J'ai deux chiens et un chat. Ah oui, ça fait quand même beaucoup de monde à récupérer quand même hein, dans les flammes. Enfin bon. Surtout qu'il y a un gros chien dans l'eau, donc... Ouais, mais enfin, normalement, ils sont assez malins pour comprendre ouais. que le feu, faut pas rester dedans. Ouais, c'est hein. ça. En général, ils vont rester une petite seconde en disant « c'est bien, il fait chaud », puis quand ils vont se rendre compte qu'il fait trop chaud, ils vont se barrer quand même aussi, à mon avis. Hein. Michel est avec nous également de Cholet. Salut Michel. Ouais. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille. Michel, toi t'appelais pour les prénoms, mais est-ce que tu ferais... qu'est-ce que tu veux absolument sauver? Est-ce qu'il y a un objet auquel tu tiens et tu ferais tout pour le récupérer au risque de ta vie? Ouais, ma tablette tactile. Non mais vous êtes sérieux? Ouais. L'autre avec son ordinateur et toi et ta tablette? Ouais, ma tablette, ouais. Putain, moi, il n'y a rien, j'en ai rien à foutre. Après, je vais râler, tu vois, je vais dire, putain, merde, mais j'irai pas risquer de mourir brûlé, t'imagines? C'est même pas, tu te prends une balle, un truc, c'est fini directement, donc tu crames, ouais. cramé, enfin, tu meurs oui. cramé, quoi. Non, en fait, c'est au Kansas. Ouais, c'est ma tablette, quoi. Ouais, mais quand même, c'est au Kansas, il y a un Américain qui est retourné dans sa maison en feu pour récupérer quoi? Sa Xbox. Ah, tu vois, il y a non, mais ça, c'est pire encore, hein, parce qu'il y avait des parties qui étaient dedans et qui étaient pas sauvegardées, qui étaient sauvegardées que dans la Xbox. Et du coup, ben, le mec a vraiment eu de la chance, en fait, parce qu'il a pas été, il a pas dû être soigné pour brûlure, il avait juste inhalé de la fumée, donc, finalement, ça s'est bien passé. Ouais, petite intoxication, quoi. Mais c'est un truc de ouf, comment est-ce possible d'être assez con pour retourner chercher, ces jeux qui, ces parties sur sa Xbox, ou PS, ou n'importe quoi, hein. Mais oui! Bah dites-nous, qu'est-ce que vous seriez Attends, prêt mais je comprends, le mec qui était, s'il était genre à la fin de GTA, je comprends. Mais arrête, ton cinéma qu'il est con, lui. Donc dites-nous les autres, facebook.com/mikaelofficiel, vous nous dites. Je vous ai mis un post, hein, il suffit d'y répondre, on lira les messages en direct. Et alors sinon, vous pouvez nous appeler aussi 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Michel, reste avec nous, on va d'abord faire quelques appels avec Toff. Est-ce que t'as des grosses couilles, Michel, ou des petites? Alors, c'est quoi ma femme? C'est moi qui réponds. Ah, vas-y, passe ta femme. La femme? La ouais. femme. Comment tu t'appelles? Émilie. Alors, il a des grosses ou des petites couilles, Michel? Il a des petites couilles, mais je tombe pas. Non mais bah c'est justement bon. Bah voilà, mais c'est exactement ça, parce que quand on a des petites couilles apparemment, les femmes seraient moins tentées de tromper le mari, alors que quand on a des grosses couilles, on l'a vu tout à l'heure avec Maxime, hein, il avait des grosses couilles, sa femme s'est barrée. Apparemment quand on a des grosses couilles, on se fait tromper. Donc on appelle depuis tout à l'heure un petit peu partout pour prévenir les gens en fait, hein, prévenir les c'est mecs qu'ils soient au courant, qu'ils fassent voilà. attention s'ils ont des grosses couilles. Complètement. Donc on appelle grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va, c'est parti. Allez, tout à l'heure on est tombé sur un mec bien sympathique qui a dit enfant de pute à Toff. Tiens à le rappeler. Est-ce qu'on trouvera mieux là? Je ne sais pas. J'espère. Allez, ça dort pas minuit 43. Oui? Oui, bonsoir monsieur. Pourquoi vous m'appelez à cette heure-ci? Ben pour savoir en fait si vous avez des petites ou des grosses couilles, monsieur. Mais pauvre con. Ouais. Oh, non, monsieur. Si, là oui. Bon, on va le rappeler encore un petit coup. Pauvre con, on va le rappeler encore un petit coup, là, le monsieur était gentil. Ouais, il l'a mérité. Non, bah oui. Je rappelle ces numéros que les auditeurs nous envoient, hein, donc des gens qui sont censés être encore debout. Enfin, la preuve. Allez, monsieur. Allô? Oui, bonsoir madame. J'étais en communication avec votre mari, mais on a été coupé. Qu'est-ce que tu veux? Ben en fait, je voulais savoir s'il avait des petites ou des grosses couilles, madame. Et si tu pouvais fermer ta gueule, ce serait bien aussi, gros bâtard. T'es qui, là? Moi, je m'appelle Toff, madame. Comment t'as le numéro, toi? Ben, dans l'annuaire, madame, comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Ferme ta gueule, clochard. Va. Bon, sérieux, c'est un abruti qui a rien à faire de sa vie et qui est obligé d'appeler. Raccroche et qu'il nous fasse pas chier cette andouille. C'est Andouille. Il y a eu le connard, désolé, j'ai parlé sur elle à la fin, heureusement on l'entend pas. Andouille. On va la rappeler, hein, ou le rappeler, bah, je sais pas oui. sur lequel on va tomber du coup. Hein. Avec un peu de bonne, on aura peut-être la grand-mère. On va savoir. Allez. Et ils ont l'art de chaque fois se mettre à 10 km. SOS sans amis, j'écoute. Oui, bonsoir madame, voilà en fait je voulais savoir si votre mari avait des petites ou des grosses couilles. Bon, je pense que t'en as des petites, ouais. Bah oui, mais du coup, moi c'est bien parce que comme ça ma femme sera fidèle. Ah d'accord, ouais. On comprend mieux. Hein. Bah oui, parce qu'en fait les hommes qui ont des grosses couilles, en fait leur femme est infidèle. Ah d'accord, ok. Bah écoute, je ne te répondrai pas à cette question et puis t'as qu'à aller faire un sondage ailleurs, pauvre type. Pauvre type. Non mais elle a raison. Elle a le personnage. Elle a raison. Elle ressemble un peu. Je me demande si c'était pas Lilou David Fun. Quand elle fait. Ah. On dirait une débile quand elle fait ça. Il y avait le SOS sans famille. J'écoute. SOS sans famille. J'écoute. Ah. Voilà, ça ressemblait un petit peu. Bon, allez, bon, on fera d'autres appels tout à l'heure. Si vous avez des numéros à envoyer, allez-y. Hein, vous envoyez ça sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Cynthia qui dit, moi, je sauverai mon portable et mes objets de Marilyn Monroe. Ok, parce que c'est un mec au Kansas, un Américain qui est retourné dans sa maison en feu pour récupérer sa Xbox où il y avait ses parties dessus. Il voulait pas les perdre, donc il a quand même risqué sa vie, cette espèce d'idiot, pour une Xbox. Et donc je vous demandais ce que vous seriez capable de faire pour récupérer un objet. Donc imaginons que votre maison brûle, vous y retourneriez pour sauver quoi? Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a? Laetitia qui dit, je ferai tout pour la peluche qui vient de mes grands-parents. Une fois, mes parents ont voulu la donner à un autre enfant, j'ai crisé. Bah ouais, j'imagine, c'est sentimental. Mais de là, si tes grands-parents sont plus là, je pense qu'ils préfèrent que tu laisses tomber ta peluche qu'ils t'ont offert plutôt que tu crèves avec la peluche dans l'incendie, enfin j'imagine. Mais oui, c'est la vie, d'abord, oui. Sauf ta vie, ton ordinateur et tes photos, on s'en fout quoi. Voilà, il y a Johan aussi qui a envoyé un message sur l'application Michael No Limit sur iTunes. Je risquerai ma vie pour la copine, pour ma copine et pour mon chien. Elle doit être contente la copine. Max qui dit, moi ce que je devrais sauver c'est les albums photos car c'est tellement plein de souvenirs. Bah scanne-les Max et mets-les sur un cloud. Delphine qui dit, moi je m'appelle Delphine et j'aimerais, bah oui, et j'aimerais m'appeler Naëla. Pourquoi pas? Et Anthony, moi je récupère mes papiers, mon téléphone. Et Dédé qui dit, si ma maison crame, je sauve mon ordi et ma voiture. Et Célia qui dit, moi je sauve mon carnet de correspondance. Laura qui dit, je récupère ma fille et mon chien, le reste je m'en tamponne. Oui, bah ta fille c'est normal. Et la friterie Alba, Charleroi qui dit, moi je récupère mes frites. évidemment, sinon qu'est-ce qui va devenir? Ariel aussi qui dit, tout ça pour sa Xbox, il aura dû se faire griller, comme ça aurait fait une merguez de connard. Voilà. Elia qui dit, moi je sauve mon ordinateur. Yannick qui dit, moi ma PS3, mon PC, mon téléphone et mon paquet de Chocapic évidemment. Bah oui, parce qu'on en trouve tellement pas des Chocapic, c'est, bah non. C'est tellement une denrée rare. Et Alicia qui dit, il faudrait être con pour se tuer pour une connerie comme ça, surtout pour un PC et une tablette, c'est débile. Et Orgagasmi qui vient d'arriver là, moi je tiens beaucoup à mon chien, je donnerais ma vie pour lui, et je tiens beaucoup à mon lisseur également, lisseur pour cheveux, mais vous êtes barré hein. Et Powow depuis l'application Michael No Limit qui dit, salut, j'aimerais faire un petit coup à ma copine avant de partir à l'armée. Comment ça, un petit coup à ta copine? Laisse ton numéro, on va t'appeler pour voir ce que tu veux exactement. Bon, continuez avec vos messages. M.I.K.L. officiel. Vous tapez, vous venez nous rejoindre sur le Facebook et le Twitter de l'émission et vous mettez tous vos messages avec le hashtag M.I.K.L. Et on est en top tweet ce soir. Top tweet France. Un des mots les plus tweetés ce soir, ouais, le c'est hashtag M.I.K.L. Merci beau. Beaucoup. En dessous de Tony Parker. En dessous de Tony Parker, exactement, ouais. Bon, alors on va récupérer Michel là maintenant, là, qui nous appelait de Cholet avec sa femme qui s'appelle Émilie. Donc, hein, Michel, t'es là? Ouais. Très bien. Michel, tu voulais réagir par rapport au prénom, toi? C'est quoi ton... Toi, tu t'appelles Michel, tu voudrais changer pour t'appeler comment? Miguel. Miguel? Oh bah ça va, c'est pas très loin, ça. Non, c'est pas très loin, mais le truc, c'est qu'en fait, même mes autres prénoms, en fait, ils m'aident pas pour changer, en fait. C'est quoi? Alors, mon deuxième prénom, c'est Noël. Ouais, Michel Noël, ouais. Ouais, et le troisième, c'est Jérôme. C'est très bien Jérôme, sache que c'est le prénom du patron de Fun et ouais. C'est très très bien Jérôme. C'est presque aussi bien que Mickaël. Mais c'est même le plus beau prénom du monde, n'ayez pas peur des mots, hein, bien sûr. Non voilà, c'est très bien Jérôme, hein. Ah c'est très bien Michel. Ouais. Voilà, très bien, c'est parfait. Je veux bien croire. C'est clair. Bon, et ta copine là, Émilie, c'est quoi? Elle aime bien son prénom ou elle veut changer? Ah non, je changerai moi. Ah bon, pour taper comment? Inès. Inès, pourquoi pas? Moi j'aime bien Émilie. Ah non, c'est moche, hein. La chanson est pourrie en plus. Ouais, mais Émilie jolie, machin, mais ça c'est vieux là, tout le monde oublie ce truc là. Et tu sais, je suis persuadé, c'est dommage qu'on peut pas avoir dans deux dimensions et voir des mondes différents. Tu te serais appelé Inès, t'aurais dit je veux m'appeler Émilie. Il y a de fortes chances. C'est sûr et certain. Non, mais ça c'est clair. C'est comme Christophe. Moi je sais que ça a failli être Raphaël. Mon prénom. Ah c'est pour moi c'est un prénom de fille. Ouais mais en fait je crois que c'est ma mère qui voulait Raphaël et mon père voulait Michael. Bon du coup on a gagné. Ouf, heureusement. Enfin, je dis oh, j'étais pas encore là mais je suis content que ce soit pas Raphaël. Oh, après peut-être que j'aurais kiffé, j'en sais rien. Oh, ça aurait été Raph. Raph No Limit. Raphaël No Limit. C'est naze. Ouais, ça aurait été pas terrible. Pas pareil. Ça aurait été un peu plus long. Ouais, parce qu'on n'a pas l'habitude notre, c'est clair. Bon bah et attends, il y a Jean-Philippe aussi avec nous là de Auxerre. Salut Jean-Philippe. Salut. Ça va Jean-Philippe? Ouais. Bon, très bien Jean-Philippe, tranquille. Bon, alors avant d'écouter Shakira, toi, on va parler de ton prénom, tu voulais le changer aussi? Ouais, moi je voulais changer, ouais. Tu voulais changer Cristiano. Pour tu veux t'appeler comment? Cristiano Ronaldo ou pas? Ouais. Bah oui, clair. C'est pas normal Jean-Philippe pour un portugais. T'es portugais Jean-Philippe? Ah bah oui, forcément ouais. Bon, t'aurais pu t'appeler je sais pas moi, Raoul? Thiago. Thiago. Non, Raoul, non. Bah ouais, si, Thiago, si, ouais. T'aurais pu, ou je sais pas moi, João. Ouais, João. Bah, t'aurais pu, hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bah, Miguel aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Dani, enfin, il y en a plein, hein. Bah, il y en a plein. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de tes parents? Ils sont tous les deux portugais ou pas? Ils sont tous les deux portugais. Et ils ont appelé Jean-Philippe. Ils ont vu un film en 1975 d'un gamin qui s'appelait Jean-Philippe. C'était un intello. Ils m'ont mis Jean-Philippe. Oh merde. Ils se sont dit ça fera un intello. Oh merde. Et je suis pas un intello. Ah, oh, c'est clair. Oh putain. Ah ouais, là pour le coup, c'est pas de bol. Note, ils auraient pu regarder le Freddy. T'aurais été dans la merde aussi. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est clair. Freddy pour le Portugal, c'est bien. Non, Jean-Philippe, en plus, c'est bien parce que même en portugais, ça fait João Philippe. João Philippe. João Philippe. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ton deuxième prénom, c'est quoi? Non, après, c'est mon nom de Almeida Correa. Ah oui, d'accord, mais t'as pas de deuxième prénom, quoi, je veux dire. Non. D'accord, non. Ok, très bien. Ah ouais, avec la suite en portugais et tout, là, c'est vrai que Jean-Philippe, ça fait bizarre. Hein. Mais d'habitude, les portugais ont 4-5 prénoms. Ouais. Moi, d'habitude, ouais. Non, c'est. Ouais. Ouais, bah moi j'en ai deux, mon père en a deux, et non, c'est vrai, non, il n'y a pas 4-5 prénoms. Hein. Ah si, moi j'en ai connu, ils avaient des prénoms, mais c'était un truc de ouf, hein. Bah je sais pas, moi. Moi c'est mon nom qui est grand. Ouais, toi t'as un nom en deux mots déjà, ouais. Effectivement, ouais. Ouais, voilà. Bon, bah il y a Jean-Philippe depuis l'application qui a envoyé un message, mais à l'autre, moi si j'ai la maison qui crame, je balance toutes les personnes que je déteste à l'intérieur. C'est moi, une idée. C'est moi, une idée. Ma fille. Tu sauves, bah oui, c'est normal, Jean-Philippe. Et toi, Michel, tu sauves quoi, toi, tu m'as dit? Moi, ma tablette. Ah oui, la tablette, oui, c'est vrai, j'avais oublié les détails, effectivement, oui, très bien. Ah ouais, très très importante la tablette. Bon, bah, Michel et Jean-Philippe, merci d'être passés, en tout cas, vous revenez quand vous voulez. Ouais, merci. Allez, merci à toute l'équipe. Salut, à bientôt tous les deux, et bonjour à Émilie, à Michel. Hein. Et merci, comme ça. Salut. C'est gentil, salut à vous deux, merci beaucoup. On aura Nicolas. Nicolas dans un instant, Stécie, on va appeler sa mère là, puisque sa mère se comporte comme une ado et elle aimerait remettre les choses au clair, donc on va l'appeler dans quelques minutes. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez eu déjà votre mère qui se comportait comme une ado parce que bah à un moment elle a divorcé et qu'elle s'est remise en mode ado. En mode chaudasse. Enfin, en mode chaudasse, bah appelez-nous là, ça donnera des conseils éventuellement quand on appellera sa mère. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On écoute le son de Shakira maintenant sur Fun Radio, au cœur de la nuit sans pub. Shakira Rihanna, can't remember to forget. Get you sur Fun Radio. Shakira sur Fun Radio. Il y aura aussi le son de Deoro dans quelques minutes. Là, ce sera Yi. Je vous cadrerai aussi Chucky. Je vous avais promis tout à l'heure le son de Chucky avec Skydive. Et puis le nouveau son de Tiesto également avec Red Lights. C'est ce qui va suivre sur Fun Radio. Donc si vous venez de débarquer, bah, soyez les bienvenus. C'est Mickaël No Limit, il est quasiment 1h du mat. On est au cœur de la nuit sans pub. Et venez, prenez le contrôle de Fun Radio, bah, puisqu'on vous invite à le faire là. Si vous venez pour la première fois, soyez les bienvenus. Sachez qu'il y a enfin quelque chose à écouter la nuit à la radio. Avant il n'y avait rien, bah, maintenant c'est sur Fun Radio que ça se passe. De 23h à 2h du mat. Et le dimanche de 20h à minuit. Secret Key qui dit salut à tous, je suis très très très en retard. Coup de pelle pour moi, bah oui je te confirme, ouais. Hop là, ça y est c'est fait. Et Delphine qui dit pour Stécie avec sa mère qui est en mode ado là depuis qu'elle a quitté son mec. Pour Stécie, pour faire comprendre à sa maman en douceur, je dirais maman tu peux aller faire les cours que moi je puisse m'amuser sur la machine à laver, qui c'est l'équipe. C'est une idée également. Et Devers45 qui dit moi si jamais ma maison brûle je prendrai ma chenifi et ce que je peux prendre pour écouter Mickaël de limite car ça me tue des barres. Ouais c'est gentil Devers mais je préfère quand même que tu restes en vie hein, dans l'idée. Hein, quitte à éventuellement après racheter une autre radio. Ah oui. Voilà, ça pour le coup, hein, c'est pas très compliqué. Ariel qui dit moi j'ai failli m'appeler Lucas. Quand on m'a dit ça, j'étais super content d'être une fille finalement. Ça fera plaisir à notre sous-chef qui s'appelle Lucas. Enfin pas vraiment, mais enfin bon. Gauthier qui dit moi je récupérerai mes cassettes porno. Ah bah évidemment. Ah oui, ça se laisse pas. Non mais ça on peut pas laisser cramer, c'est normal. Vaut mieux mourir que perdre ses cassettes. Mais oui. Et Magide depuis l'application Mickaël No Limit dispo gratos sur iTunes. Moi j'aurais sauvé ma console, mes fringues et mon PC, très important quand même. Et bise à toute l'équipe, continue comme ça, vous êtes super. Merci d'écouter tous les soirs et Clément aussi. Moi je m'appelle Clément et j'aurais aimé m'appeler Toff. Bien sûr je rigole. Connard. Et petit Kiwi qui dit laisse tomber, les mecs comprennent pas que nous et nos lisseurs c'est sentimental. Ouais ouais c'est clair ouais. On a compris, vous inquiétez pas, on comprend très très bien. Bon Stécie. Oui. Bon et de retour Stécie là. On va appeler ta mère maintenant, il va falloir lui dire un mot ou un autre hein. Ben ouais. Bon, tu lui parles ou je lui parle? Je préfère que tu lui parles. Ouais mais qu'est-ce que je lui dise moi ta mère Ouais que ça se fait pas. je sais pas trop comment mener les choses. Bah c'est ça, moi non plus. Donc ta mère est devenue en mode ado depuis qu'elle rencontre un autre mec. Elle fait des trucs d'ado quoi, sauf qu'elle a 40 balais quoi, 49 même. Est-ce qu'elle dit Kikou? 48. Est-ce qu'elle dit MDR et Kikou? Ouais, lol. Bah ouais. XPDTR. Est-ce qu'elle dit qu'elle a le swag? Elle non, chill. Pas jusque-là, mais c'est... Elle chill. Allô, quoi. Ah oui, carrément, oui, c'est encore pire. Ah oui, oui, bon, oui, écoute, c'est pas mal. Comment elle s'appelle, t'as dit, ta mère? Écoute, Corinne, d'accord, ok, très bien. Je pense que ta mère est possédée par le swag. Ouais, il y a peut-être des ça. Elle a trop de swag en elle. Peut-être, peut-être. Et elle est avec son mec, là, ou pas? Non, non, pas là, il est marié, donc... Ah, elle est avec un mec marié. Oh là, ça... Pardon. Oh. Très bien. Tu sais ce que tu lui dis? Tu vas voir le mec, tu fais écoute-moi bien mon gars. Non mais tu lui dis vraiment, sans dire à ta mère, tu vas faire attention. Va te faire enculer, sale con. Voilà. Tu lui dis fais attention parce que si tu continues comme ça, moi je vais balancer à ta femme. Voilà, chiant. Ça c'est non, une idée, ouais. Non, c'est pas comme ça. Bon, écoute, on va l'appeler ta mère, la Corinne, là. Je ne sais pas du tout ce que je vais lui dire, mais enfin on va l'appeler. Oh, si elle décroche, parce qu'à 1h du mat, c'est pas gagné non plus, on va quand même vérifier. Bon, écoute, ça on va voir. Mais t'es avec elle à la maison là? Ouais, mais moi je suis dans ma chambre. Ah d'accord, ok, très bien. T'imagines le truc que ça fait, t'appelles dans la Sarre, tu t'arrives jusqu'à la radio, de la radio arriver dans le salon. Ça se trouve, elle va me coller une belle antenne. Ah, elle va monter, elle va t'en coller une, ça va être bon ça. Ça, ce serait bien ça. Ça, ce serait bien. Bon, on va l'appeler. Ouais, bah, écoute, je vais l'appeler, je vais directement dire qu'on est sur phone parce que je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre pour qu'elle me raccroche pas au nez. Ok. Bon, allez. Moi, j'espère qu'elle va décrocher. On va croire qu'elle a gagné un truc. Ouais, pas sûr. Bah, elle a gagné un truc, hein. On l'appelle, c'est génial. Tu devrais lui demander, Toff, si elle a des petites couilles, si son mec a des petites couilles. Ah, tu veux, moi, j'ai pas de tout. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre mari avait des petites ou des grosses couilles. Oh là. C'est non. Bah, je sais pas. Allez voir vous-même. Bah oui, mais face à vous. Si on a des grosses, je pense qu'il va vous attraper très vite et puis voilà quoi. Oui, mais parce qu'en fait, s'il en a des grosses, ça veut dire que vous le trompez. Oh ouais, non mais moi je trompe personne, moi je. Ah donc il a des petites couilles. Bah peut-être, ouais. Mais parce que non, et c'est des chercheurs qui ont trouvé ça en fait. Hein, c'est des. Ah, c'est excellent. Des Norvégiens, ils ont montré que les petites couilles, généralement les femmes étaient fidèles. Oui. Et puis si on fait plus de 3 fois l'amour par semaine, on vieillit plus tard. Exactement. On gagne 10 ans et voilà. Non, mais il y a plein de statistiques là-dessus, mais c'est génial. Mais justement, votre film disait que vous faisiez relativement souvent l'amour en ce moment. Mais tout le temps, oui. Et sur la machine à laver. Ah bah hein, apparemment ça ça fornique bien sur la machine à laver ça hein, hein Corinne. Non mais oh bah. Faut arrêter de fumer, Corinne. Par contre, faut arrêter de fumer parce que autant faire l'amour souvent ça peut rallonger l'espérance de vie, là autant là vous êtes mal barré quand même hein. Ah bah tant pis. Ah bah voilà, non mais bon quand même. Je vais prendre les choses comme elles viennent. Bon Corinne. C'est quoi le truc là? Bon, c'est Mickaël, vous êtes en direct à la radio sur Fun. Nous sommes des amis. Voilà, nous sommes des amis. Nous venons en paix. Super. Mais oui. Et il y a même Stécie qui est avec nous là. Stécie, dis bonjour maman. Voilà. Bon, Corinne. Oui. Bon, parlons de choses sérieuses. Oh, Toff. Putain. Mais c'est Toff, c'est un gros porc. Ma fille, elle est capable de faire pire. Ah bon? Ah vas-y, Stécie, pour voir. Ma fille serait peut-être pas juste. Allez, Stécie. Stécie, vas-y, affiche-toi. Non, allez, Stécie. Stécie, la mère. Allez, Stécie. Ah oui, Stécie, vas-y. Non, je peux pas. Non, ah, c'est ça. Tu peux. Non. Alors, c'est un autre monde, là, quand même. Stécie. Oui. Rot, je veux un ro. Ouais, puis c'est ta mère qui te le demande, tu peux pas dire non. Allez, Stécie, je donne le là, d'accord? Ah, ben elle peut faire très fort. Non, c'est un petit rien, là, non, donc non. Allez, Stécie, vas-y. Gros là et je suis. Allez, vas-y, regarde. Attention, je le fais, attention. Ah, elle peut faire mieux. Bon bah vas-y Stécie là, tu nous chauffes. Ok, je me lance, mais c'est pas ah oui, alors du premier coup donc. Alors attention, alors vas-y Corinne, tout le monde se tait. Oh la violence. Je me suis craqué. Oh là là, mais t'es pire que moi. mais putain, Stécie, t'es une cochonne. C'est énorme. Bon, cela dit, nous éloigne du problème. Corinne. Oui. Bon, il y a Stécie qui nous a appelé parce que il y a un moment, comment vous expliquer que elle aimerait bien que vous laissiez la machine à laver tranquille. Enfin, du moins pendant qu'elle est là. Et si elle pouvait, si Corinne, tu pouvais éviter de foutre ta fille dehors pendant que tu utilises la machine à laver à d'autres fins que le nettoyage, ce serait mieux. Non, jamais je ne fous ma fille dehors. Non, mais enfin, bon, apparemment, jamais. Il faut qu'elle aille faire un tour. Ah oui, non, mais par contre, elle a des potes, elle sort, et moi, j'écoute la musique que j'aime, avec l'homme que j'aime, et je fais ce que je veux. Et t'écoutes quoi pendant que tu fais l'amour sur la machine à laver? La machine à laver, c'était un truc space. Quand j'ai demandé d'aller dehors, c'était Pink Floyd, tout simplement, mais c'est trop bon, quoi. Bah oui, bien sûr, évidemment. Bah oui. Hey, teacher, leave us kid alone. Non. Non, c'est pas celui-là, non. Bon, non, mais voilà, en gros. C'est le problème. C'est juste. Non, mais c'est pas un canular, c'est vrai. Bah, Stécie, dis-lui, mais longtemps là. Ah ouais. Non, c'est. Comment ça, elle va me faire passer pour un menteur maintenant. Non, maman, c'est pas un canular. Non, c'est juste que voilà, franchement, j'aimerais que. Ils sont en train de taper à la porte. Si, m'ont dit, on a entendu Stécie sur Attends, Fun Radio. Attends, maman, tais-toi parce que je descends et quoi. Bon, alors maman, laisse parler Stécie. Je laisse parler Stécie. Bon, vas-y, okay. Stécie, balance, crache ton venin, dis ce que tu penses. Et qui est la roteuse. Ouais. Ouais, c'est une roteuse en fer. Attendez, je suis à l'antenne, je suis à l'antenne. Il y a la vie entière. Vraiment le live. Au secours. Alors, vas-y, Stécie. Je n'y crois pas. Il y a une radio. Elle est dans la rue, là. Oui, je vous entends. T'es toujours là? Oui, on est. Vas-y. J'ai pas tout écouté là, j'ai loupé des trucs. Non mais y a pas de problème, dis à ta mère ce que tu lui reproche. C'est une pétasse, ma fille. non mais voilà, j'aimerais que franchement elle arrête parce que moi ça me saoule quoi, vraiment. Mais arrêtez quoi, elle va vivre aussi elle. Attends, faut arrêter, c'est elle qu'il faut qu'elle arrête. Attends, mais j'ai une vie moi aussi et j'en profite. Attends, je vais pas attendre d'avoir des béquilles et puis oui, marcher d'ailleurs, avec un déambulateur. Il y a Toff qui veut prendre son ticket. Oui, d'ailleurs, combien mesure maman? Oui. Maman, je suis 1m70. Combien pèse maman? Voilà, on ne ment pas. Combien pèse maman? 55 kilos. Maman, 50 kilos. Quel est le tour de poitrine de maman? Oh, tout petit. Ça, on dirait un petit. Combien? Tais-toi. 70A. Ah oui, 70A, c'est pas... Et la taille du dernier pantalon que maman a acheté? C'est petit, hein. 34. Ah oui, maman, non, un petit... Non, 36. Ah oui. Et tu, petit son. Et bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Elle est bonne. Voilà, maman est rock'n'roll. Eh, dis-moi, Corinne, cherches. Je suis libre en ce moment, si tu veux. Oui. Mais c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Si tu veux profiter de la live. Et attention, Polo a une grosse machine à laver. Énorme. Voilà, ma machine à laver. Énorme. Supporter, c'est pas possible. Bah oui. Énorme. Mais attends, si tu as des grosses couilles, c'est pas possible. Je vais être avec elle. Coupez la radio. Il y a petit Kiwi qui dit oh jolie Stécie, j'en fais autant, je l'avoue. Jérémy aussi sur le Twitter qui dit la mère de Corinne est juste top. Je l'adore, moi franchement, c'est top. Des potes sont là à la porte. Je suis en peignoir trop mortel. Je suis pas une cougar. Il y a India qui dit une vraie gamine, sa mère mort de rire. Stécie, t'as juste une mère exceptionnelle. C'est 69 degrés qui avait envoyé ça. Donc voilà. Non mais. Non, oui, 69, mon Dieu, mais qu'est-ce que se passe-t-il? Bon, bon, mais Stécie. Nickel. Bon, faudra vivre avec. Je voudrais te faire un bisou. De quoi, Stécie? J'ai un pote à moi, un de mes deux potes, qui voudrait vous faire un bisou à l'antenne. Bah, mes deux potes, en fait. C'est un mec ou une fille? C'est deux garçons. Et il veut nous faire un bisou, mais ça va pas, non? N'accepte pas, ils sont moches. Ils sont moches. Il y a un poussonné et puis... Ah, elle est forte, Corinne. Je les connais. Ils sont moches, il y a un poussonné. Ils m'ont aidé à rentrer le canapé hier. Oh là là là là. Elle va finir par taper à des amis, là. Bon, vas-y, Stécie. Tu veux faire un bisou? Ouais, vas-y. Cette radio, c'est une station qui déchire. Oh, bah c'est merci. Gentil. Je vais te déchirer quelque chose, moi, Anthony. Tu oh, enfin, il est mineur. Corinne, voyons. Ah bah attends, je connais celui-là. Bah oui, mais enfin bon. Bon, Corinne. Oui. Allez, bonne bourre, hein. Oh non. Bah si. Non, non, juste ce qu'il faut. Bah exactement, mais c'est ça, juste ce qu'il faut là où il faut, très bien. Salut Corinne. Eh ben, bonne soirée à vous tous. Allez, ciao Corinne. Bon, bah Stécie, bon, on n'a pas pu faire grand-chose, mais on a quand même bien rigolé, c'est le principal. Ouais, non, elle est rock'n'roll ta mère. Ah bah elle est complètement rock'n'roll ta mère, hein, ça c'est clair. Hein. C'est clair. Ah ouais, là, ça c'est clair. Ça doit être difficile de la tenir. Hein. Comment? Ça doit être difficile de la tenir. Bah j'y arrive pas. Ah bah ouais, je vois ça, Stécie. Bah bon courage alors, hein, Stécie. Hein. Moyen de gérer un petit pack crème. Ouais, on va te filer ça, mais de toute façon, c'est comme il va arriver chez toi, quand ta mère va voir qu'il y a les capotes dedans, bah, elle va forcément piquer le pack. Donc on va vous en envoyer deux, hein, comme ça il y en aura un pour ta mère aussi, tiens. Est-ce que je vais faire une petite bédille, vite fait? Allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Oui, c'est une grosse dédicace à Bidou et à mon frère le jumeau. Voilà, très bien, bon, bah le message est passé. Salut Stécie, gros bisous. Bonne soirée à vous. Ciao à toi. On va récupérer Christopher, Anthony, Nicolas dans quelques minutes. Il y aura Sabrina également. Vous toutes et vous tous, hein, en direct sur Fun Radio. Et puis la mère quand même plutôt rock'n'roll, hein. Ouais. Putain, truc de ouf, une mère comme ça à 49 balais, donc. Ah, voilà, il aura bien mis une petite carte. Ah ouais, moi aussi, direct, hein. Moi j'y vais là. Hein. Ah ouais. Vite sur la machine à laver. Bon, pas de branlette espagnole avec elle malheureusement. Non, mais c'est pas grave, une petite faciale. Oh. Bon, allez, on écoute Deoro maintenant. C'est Yi sur Fun. Bienvenue tout le monde. Mickaël No Limit. Le son de Deoro à l'instant sur Fun Radio, c'était Yi. Il y aura Chucky, on l'avait demandé tout à l'heure avec Skydive. Tiesto dans 40 minutes, 45 minutes même maintenant. Ah. Il y aura Polo contre le reste du monde. Il donc est là. Si vous voulez bien entendu lui parler, si vous voulez. Il est à l'écoute, c'est un peu le psychologue de cette radio. Il et donc c'est une émission spéciale psy, donc comme tous les soirs en fin d'émission, vers 1h55, pardon. Polo contre le reste du monde. Il y aura Yannick qui dit mort de rire, c'était énorme les mères. Jeunette comme ça, il y a Orgasmi qui dit j'aurais trop aimé avoir une maman comme ça. Stevie, elle est chaude la daronne, la mastermind aussi, la mère elle est énorme. Et Julien qui dit mort de rire, les potes qui débarquent, c'est elle qui va essayer la machine à laver ce soir à mon avis. Comment la mère elle nique sa fille, c'est abusé. Non mais surtout pour l'euro, vas-y, elle peut le faire, vas-y, fais-le là. Alors qu'une mère normale elle leur dit tu fais ça à la radio. Tu fais ça à la radio, tu vas prendre cher. Attends, moi je fais ça, ma mère elle me démonte. Ah bah tu m'étonnes. Et alors Jadrak aussi qui dit c'est clair, la mère a raison de s'éclater, j'aimerais bien avoir une mère comme ça, lol. Et Mickaël, la maman n'a pas tellement tort, mais ce n'est pas très respectable. Demandez-lui si elle aime bien les jeunes de 24 ans. Bah je pense que le un petit peu ouvert à tout, a priori en tout cas. Hein. Du moment que ça vibre sur la machine à laver. Voilà. On fera d'autres appels du coup avec Toff dans quelques minutes, même si on en a improvisé un là tout à l'heure avec Corinne. Hein. Oui c'est vrai, mais ça nous a bien lancé, ça nous a permis de faire connaissance. Exactement, ça nous a bien mis dedans, tiens justement. Bon, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour récupérer un objet, comme par exemple cet Américain au Kansas qui sa maison brûlait et donc il est retourné dans sa maison en flammes pour récupérer. Non pas son enfant, sa mère, son père, peu importe. Non. Pour récupérer sa console Xbox parce qu'il y avait toutes ses parties sauvegardées dedans et qu'il ne pouvait pas imaginer les perdre, donc il a quand même risqué sa vie. Heureusement pour lui, il a quand même réussi à s'en sortir indemne. Mais quand même, du coup, je vous demandais qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour récupérer un objet et quel objet. Anthony qui est avec nous de Nice. Salut Anthony. Ouais, salut. Comment ça va? Ça va. Bon, bienvenue à toi Anthony. Bon alors, merci. Dis-moi, qu'est-ce que tu récupérerais si en imaginant que ta maison crame, tu irais récupérer quoi? Alors moi, j'irai récupérer, déjà si de la famille dedans, j'irai récupérer, bien sûr. Oui, non, mais bien sûr, quand c'est la famille, c'est normal. Famille ou même quelqu'un que tu connais pas, mais si tu vois quelqu'un qui est à l'intérieur, tu vas quand même essayer de le sauver, c'est normal. Mais je parle de trucs improbables comme l'autre avec sa Xbox, quoi. Ça dépend s'il est moche, non? Non, voyons. Ça sous-entend que tu ne viendrais pas me chercher? Toi, si, je viens de me chercher avec ta croix, c'est sûr. Avec la croix, ben. En parlant de ça, je suis sûr que Toff, lui, il irait récupérer sa croix. Non, c'est trop lourd, tant pis. Ah ouais, tant pis, mais il va en faire une autre, c'est pas grave. Ah oui. Ouais, donc bah voilà, j'ai récupéré tous mes papiers, les choses importantes, quoi, parce que si t'as plus de papiers, t'es niqué, quoi. Oui, enfin, tu vas à la mairie, tu vas en récupérer, hein, des papiers, hein, c'est pas très grave. Hein, Pas de papiers pour écrire. Non mais même, je veux dire, permis, passeport, quarantité, tu vas la récupérer après, c'est pas très grave. Mais oui, même pas très grave. Bon cœur. Bah ouais, bon attends deux secondes, il y a aussi Nicolas qui est avec nous de Manage, salut Nico. Salut. Comment ça va? D'où? De Manage, en Belgique, tout près de Mons. Ah bon, voilà. Et Nicky, elle habite là-bas? Et de quoi? De quoi? Nicky Ménage. Ah, Nicki Minaj, ouais, d'accord. Ah, elle était bien, moi je l'ai aimée. Elle était nulle. Voilà. Va te faire enculer, sale con. J'y vais. Bon, alors Nicolas. Ouais. Ça va bien, Nico? Ça va bien, et vous? Bah, ça va très bien. Bon, alors la maison crame, tu vas récupérer quoi, toi? C'est quoi le truc le plus important que tu irais récupérer? Mon petit frère et ma PS3. Quel enculé. Dans quel ordre? D'abord bon. La PS ou d'abord le petit frère? Ouais, il faut choisir d'abord un des deux. Le petit frère. Ah bon, quand même. Encore heureux. Bon, la PS3. Encore, c'est la 4 qui est difficilement trouvable encore aujourd'hui, mais la 3. Ah bah, j'ai que ça. Ah bah oui, mais puis, oui. Mais... C'est pareil, il y a toutes ces parties dedans. Il y a toutes les parties, ouais. Il y a Dimac aussi qui dit, moi, ce serait mes platines. Je serais capable de tuer des personnes pour les récupérer. Il y a Julien qui dit, merci l'équipe de Fun là, de nous envoyer du bon son. On vous écoute tous les jours. Je m'appelle Guilhem et moi, j'aurais préféré m'appeler Amaury. Et alors Stevie qui dit, ah putain, trop cool la mère qui vient de passer. Bah oui, oui, c'est clair. Martin également sur l'application Mickaël Nolimit qui dit, moi, je récupère ma vodka. Un petit message de bienvenue. Coucou l'équipe. Bah oui. Vas-y, ta gueule. Voilà, un petit message, tiens. De merde, bon. Voilà. Bon, c'est vrai que les vodkas, c'est tellement compliqué d'en trouver, c'est bah tellement oui. Rare, hein, évidemment. Non, mais il a raison, parce qu'après, si la bouteille explose, ça va encore augmenter les flammes. Bah oui, Julien qui dit ici, si c'est Justin Bieber, je le laisse crever dans la baraque. Il y a Chris Wood, mon daré, qui dit récupérer ma perceuse sans fil, mais n'importe quoi. Et petit Kiwi sur le Twitter aussi, un gros kikou, hello. Elle a trop de swag, quoi. Ah oui, par rapport à la mer, on en parlait tout à l'heure, effectivement. Bon, on va également prendre Christopher avec nous de Bordeaux. Salut Christopher. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, bienvenue à toi Chris. Alors, pardon, t'appelles de Bordeaux. Qu'est-ce que tu récupères si ta maison crame? Ah, moi je récupère mon iPad ou mon ordinateur, mais en priorité l'iPad. Mais pourquoi? Parce que j'ai tout dedans, j'ai mes cours, j'ai tout dedans. Moi, je ne peux pas vivre sans en fait. Mais je vais peut-être passer mes pour cours. Le... Non mais je vais peut-être passer pour le geek, mais vous connaissez pas le cloud? Si, non, mais... si, je connais le cloud, mais... Je sais pas, je pourrais pas. Parce que c'est-à-dire que bon là j'ai l'avantage, j'ai l'iPad et l'iPhone, mais je veux dire si je le perds, bon évidemment c'est chiant, faut l'acheter un autre, mais tu récupères l'iPhone et bah tu fais ça marche aussi avec le reste, hein, mais tu le rebranches, tu récupères tout quoi, donc tu vois, c'est pas la peine de risquer ta vie pour récupérer un téléphone ou une tablette. Mais je sais, c'est ce que j'ai fait, mais par exemple mardi l'iPad est tombé en panne, le soir j'en avais été acheter un autre parce que je peux pas vivre. Oh ah oui, ah carrément oui, toi, putain. À 500 euros les trucs, t'es blindé toi. Ah ouais, non, après tu pourrais avoir moins cher. Qui remboursait l'ancien du coup. Ah. Ah d'accord, ok, bon bah alors ça va, c'est pas comme si t'en avais vraiment acheté un autre. Mais pareil pour me l'ordi, tu vois, t'as le disque dur, tu fais les sauvegardes de temps en temps, et puis bah tu récupères tout quoi. J'irai pas risquer ma vie pour un ordinateur, jamais de la vie. Ma voiture elle peut cramer, j'en ai rien à foutre. Ah bah oui. Ah non mais c'est vrai. Non mais vraiment, bah oui, ok, elle est assurée, mais quand bien même elle le serait pas, je vais pas risquer ma vie pour mais oui, parce que c'est du matos, on s'en fout quoi. Complètement, c'est comme Tof Kram, j'irai pas risquer ma vie, non, quoi. Je comprends, c'est du matériel. Ah, mais voilà. Moi je mettrais un peu d'essence pour alimenter le truc, mais c'est tout quoi. Pour pas que le pauvre feu s'arrête. C'est ça. Qu'un qui meurt, tu vois, que ce serait dommage le pauvre feu. Hein, autant continuer à l'alimenter le malheureux quoi, mais c'est non, vrai. Mais je survivrai même à ça. Tu souffles dessus, c'est... Non mais j'essayais de l'arrêter... Et les gars, moi en tout cas j'irai le récupérer Tof. Hein. Merci, ah ouais, merci Anthony. Bah écoute, tu peux le récupérer aux objets perdus si tu veux. T'hésite pas surtout. Bah et merci Nico, Anthony, Christopher, merci de passer. Bon, venez quand vous voulez. De rien. Salut à vous. Allez, s'il te plaît. Comment qui me parle? C'est Nicolas? Anthony. Ah c'est Anthony, qu'est-ce qu'il y a dit? Qu'est-ce qu'il y a Anthony? Un coup de pelle. Ah, un coup de pelle, bah évidemment, avec plaisir. Hop là, tiens, je t'en mets même dans la gueule, regarde. Voilà. Salut Anthony. Ouais, ciao. À bientôt Anis, ciao. Nico, salut. Christopher, salut. Salut. Ouais, ouais, vas-y Nico. Un message de bienvenue. Bah bien sûr, avec plaisir, ça il suffit de demander. Je m'assure sur ta mère, je m'assure sur ta grand-mère, je les arrose. Voilà. Et quoi d'autre Nico? Un big up. Eh ben écoute, bah vas-y, il y a une personne, hein. Big up à vous. Oh, bon, c'est gentil, Nicolas. Bon, c'est encore plus gentil, c'est très bien. Bon, bah, merci Nico en tout cas. Et puis, à bientôt. Eh, tu sais que Tof, il a failli mourir la semaine dernière, tout près de chez toi à Mons. Hein. Ouais. Ouais, malheureusement, il est encore en vie. Ouais, ouais bah, oui, ça, par contre, ouais, il a failli décéder encore ce matin. Il est toujours là. À l'hôpital de Warkini. Eh oui, bah, oui. Mais il ira peut-être ce week-end de nouveau, non? Bah écoute, j'espère pas. Mais... Ouais, parce que je rappelle qu'il a un caillot dans les. Enfin, il a un calcul rénal. Oui. Eh, fais-nous plaisir, la prochaine fois tu meurs, hein, parce qu'on en a marre d'acheter des costards, de les rendre. C'est ça, à chaque fois on passe pour des cons, nous. Donc, je comprends, je vais essayer de faire bien. Bon, ouais. On avait déjà. En on même avait temps, déjà... C'est vous qui êtes pressé. Hein, on avait déjà réservé la place dans le cimetière. Non, on n'est pas pressé, mais fais les choses jusqu'au bout. Voilà, quand tu commences un truc, tu vas au bout. Tu quoi. Finis. Bon, salut Nicolas, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Salut. Tu peux demander à personne. Oui, tu vas gérer ça, je te repasse ton numéro standard, sans problème, Nico. Ah, merci. Allez, salut ciao. À toi, à bientôt. Et puis, t'imagines, on fera une grosse teuf. Fun Radio, le son dance floor, tout le... on fera un star floor spécial pour l'enterrement. Ouais. Ça peut être bien ça. Sur la tombe de Toff. Ah, sur la tombe avec tous les gens, ils seront là et tout. Ça va être la folie totale. On mixerait sur la tombe. On va demander à Nico de mixer. Ouais. Jean-Pierre Sauzère va venir faire une petite chanson posthume. Mais il est capable de se réveiller ce con. Ah bah oui, bien sûr, il va revenir. De dire mais non. Oh mais il y a de fortes chances. Mais rassurez-vous, j'y reviendrai toujours. Bon, dans quelques minutes, on va faire d'autres appels encore avec Toff justement. Et puis on a Sabrina avec nous maintenant, qui appelle de la ville préférée de Toff, de Bézon. Ah mais j'adore, c'est très très beau Bézon. Et oui, comment ça va Sabrina? T'as le kit manip, le haut-parleur ou la radio allumée toi, non? Ou tout? Non, c'est bon. Ah, parce que ça fait de l'écho. Ah bah ça fait plus d'écho, c'est parfait. Et non, ça fait plus d'écho, voilà. Maintenant c'est parfait. Ils ont fini le tram à Bézon ou pas? Et c'est Bézon. C'est Bézon, Bézon. Ouais, je sais que c'est Bézon. C'est mieux de dire Bézon. C'est comme à Bruxelles, Bézon, il y a un endroit qui s'appelle Bézon, PD, mais ça se dit. Voilà, mais c'est comme à Bruxelles, il y a un bled qui s'appelle PD, c'est P-E-D-E. C'est P-E-D-E. Oui, c'est P-E-D-E, mais. Eh, le choc, la première fois que je vois ça, je vois. Mais. Ils sont sérieux les Belges? Il y a écrit PD. Et je rappelle qu'on a pute aussi. Hein. Ouais. Mais enfin vous avez Bézon. Hein. Hein, en France il y a Bézon y a la queue et. Aussi, hein. De quoi? Il y a la queue en Brie aussi. Ouais, exactement. Et Bourg-la-Reine. Et Bourg-la-Reine. Et ben vous en avez aussi des villes de merde. Hein. Enfin des noms bizarres. Hein. Ouais, mais pute, c'est grave. Ouais, et pas deux aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, on parle de quoi Sabrina dans un instant avec toi? Voilà, moi je voulais vous parler d'un sujet super super grave quoi. C'est il y a eu un buzz là sur Facebook avec un sale bâtard. Un sale bâtard. Maltraité un petit chaton. Ah oui, j'en ai entendu parler. Minou. Sabrina, reste avec nous, on va en parler dans quelques minutes. Effectivement, ouais, j'ai vu passer ça. Bah reste avec nous Sabrina. Merci. On aura également, mais je t'en prie, reste là, il y aura Miguel également avec nous de Maubeuge là. Salut Miguel. Salut Miguel. Ouais, salut. Ouais. Ça va Miguel? Ouais, ça va les frères. Salut. Ça va tranquille Miguel? De quoi on parle dans quelques minutes avec toi? Je suis au travail là, un peu là, mais je veux déclarer ma flamme avec mon copain, mais aujourd'hui en fait on s'est engueulé. Et ça s'est mal passé quoi. Ah bah ouais, tu veux qu'on l'appelle? Bah ouais quoi. Eh bon, on va l'appeler, t'inquiète pas, tu fais quoi comme taf là? Je suis pompier de coulée à montage. Très bien, très bien. Bon t'es Miguel. Et pompier? Non, pontier. Pontier. Pontier? Oui. Il fait quoi? Il fait des ponts. Tu fais des ponts? Non, pontier. Pontier. Pontier, tiens. C'est quoi pontier? C'est du chinois, pontier. C'est quoi pontier? Non, c'est... Comme si on conduit une grue, quoi. Ah, groutier. Dans une série, quoi. D'accord. Ok. Ah, bon, dans une fonderie. Bon, ok. Bah, Miguel. Bon Miguel, reste avec nous, on va l'appeler dans quelques minutes là, reste là. Il y aura Kofi aussi dans quelques minutes également là pour nous parler des objets qui sauveraient justement s'il avait l'occasion. S'il y avait genre sa maison crame et qu'est-ce qu'il allait sauver s'il devait retourner dedans évidemment. Il y a Yannick qui dit, il y a la ville de mon cul aussi. Oui, ah bah ouais voilà. Hein, on a beau se foutre de la gueule de PD et de pute, ça reste mon cul. Et Pauline qui dit, moi j'habite à Béziers, il y a un village qui s'appelle Connasse. Et la vidéo du chat, ce mec, je lui mange ses morts à ce bâtard. Exactement, bon, on va en parler dans quelques minutes. Si vous avez vu passer la vidéo également, là, n'hésitez pas. Et alors il y a Mick 1030-350 qui dit, moi je connais le clou de François. C'est drôle ça, Mick. Hein, quelle bonne vanne, dis donc. Ah ouais, il est content. Et ouais, le clou de François. En tout cas, lui, il est dans le clou, là, ça c'est sûr. Bon, 1h25 sur Fun, on fait les appels avec Toff dans quelques minutes et puis on écoute un son qu'on avait demandé sur le Twitter tout à l'heure avec le hashtag et Mickaël. Chucky, maintenant Skydive sur Fun Radio. Tous les soirs, 23h, 2h. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Et on est en direct jusqu'à 2h sur Fun Radio avec Jojo78 qui vient d'envoyer un message sur le Twitter. Ah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Mickaël, pour la vidéo du chat, c'est un bâtard le mec. Bon, on va en parler dans un instant. Stevie qui dit à côté de chez moi, il y a Attends, c'est quoi? Bézingrand, Sus et Sus Miou. Ah putain, dingue. Mystique qui dit la vidéo, je l'ai vu juste le début, j'ai compris de suite. C'est juste un gros bâtard, je le pendrai par les couilles jusqu'au sang. Yannick qui dit, j'habite à Cuges-les-Pins et on se fait appeler les Cuges-les. C'est bon ça. C'est comme le maire de. Il y a un mec qui veut changer le nom. Il y a un maire qui veut changer le nom de son village. Je l'ai mis sur le Facebook il y a deux jours. Ouille. Et en fait, ouais, c'est Ouille. Il veut changer le nom pour que ça s'appelle. Je sais plus comment. Parce que sinon, ça fait le maire d'Ouille. Ouais. Et donc, du coup, ça le fait chier. Bah oui, mais. Et alors, Mademoiselle Thor sur le Twitter également qui dit: vous êtes tellement méchant avec Toff. Moi, je lui fais des bisous même s'il est moche et qu'il pue. Et Ariel aussi qui dit: moi, je récupérerai Toff pour pouvoir le finir à coup de pelle. C'est une idée également, même s'il a déjà pris bien cher pour le coup. Bon, avant de parler avec Sabrina, de prendre Miguel pour sa déclaration là, eh bien, nous allons faire encore quelques appels maintenant, hein. Allons-y. Eh ben, directement, c'est parti. Je rappelle que on s'est rendu compte, on sommes tombés sur un sondage qui dit, enfin sur une enquête plutôt, hein, qui dit que plus les mecs ont des petites couilles, plus leurs femmes seraient fidèles. C'est ça, ce sont des Norvégiens qui ont trouvé Norvégiens, ça. Norvégiens, exactement. Et donc du coup, bah forcément, à l'inverse, hein, plus vous avez des grosses couilles, moins vous avez de chances de rester avec votre copine, puisqu'elle va vous, elle va vous plaquer un jour ou l'autre. C'est ça, elle va vous tromper. Voilà, donc on appelle depuis tout à l'heure des numéros que vous nous envoyez sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Et c'est parti, on y va, on appelle. Merci pour tous les numéros que vous avez envoyés, hein, ce soir. Il y en a plein, c'est cool. Et rassurez-vous, si on n'a pas appelé tout le monde, on les gardera pour les autres jours. Allez, ça dort à 1h30. Oui, allô ? Oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre mari avait des petites ou des grosses couilles. Bah, elle est con ta question, tu fais exprès, non ? Bah, non, pas du tout, madame. Pourquoi vous dites ça ? Mais t'as que ça à foutre, appeler les gens pour dire de la merde, toi, mais, ou quoi ? Mais j'appelle pas pour dire de la merde, madame, enfin. Tu m'appelles pour demander si mon mari a des grosses couilles, et moi, je te demande si la chatte à ta mère, on peut rentrer un quart dedans ? Mais ça a aucun rapport, madame. Non, ça a aucun rapport. Bah écoute, moi je vois question con, réponse con, forcément, bah je me permets aussi. Ah bon, mais... vas-y, c'est qui, hein ? Non, parce que j'ai pas le temps là, j'ai pas la foi là. Moi je m'appelle Toff, mais en fait non, moi ma question elle est pas con, madame, ma question est très sérieuse. Est-ce que votre mari a des grosses ou des petites couilles ? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Bah c'est pour savoir, madame. Et ça va t'avancer à quoi dans ta vie là ? Bah là ça va écoute, pas m'avoir. Écoute-moi bien connard, on va faire simple. J'avais pas le temps de m'attarder sur des attardés quoi tout court. J'ai pas la foi, j'ai pas la conviction, là j'ai vraiment pas le temps. Franchement, je suis fatiguée. J'aimerais juste aller bouffer, prendre une putain de douche et aller me coucher là. Tu vois le délire ou pas ? Bah je vois bien, mais ça vous empêche pas de répondre à ma question. Mais non, mais tu me casses les couilles avec ta question, alors tu vas aller niquer ta mère gentiment, t'as vu ? Tu lui rentreras un quart dans les couilles en lui demandant si mon mari, enfin dans le cul ou dans où tu veux, hein, et tu lui demanderas si dans la. Par là même, mon mari, ça a des grosses couilles ou des petites, ok ? Allez, tchuss. Allez, parti. Bon, très bien. Elle est charmante, elle... hein. Ah bah, quelle gentillesse. Ah oui, oui, mais en tout cas, elle a un débit de parole. Ah bah, pas la foi. Ah putain. J'ai pas le temps d'en placer une. Bon, on va la rappeler du coup. Avec allez hop, c'est reparti. On retourne chez madame, là, très gentil. Trop. Un cas. Oui, bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Ouais. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Parce qu'en fait, je voulais savoir si vous aviez des petites ou des grosses couilles. Ah ouais, désolé, c'est parce qu'en fait, moi, je suis pas ça, je suis juste un ami. Mais bref, ouais, ça va, ça se passe. Ah bah c'est... Pas... non, mais non. Parce qu'en fait, si vous avez des grosses couilles, en fait, je voulais vous dire que, bon, elle risque de vous tromper, quoi. Ah ouais ? Ouais. Mais comment ça ? Bah, parce qu'en fait, c'est une étude norvégienne qui vient de démontrer ça, et plus les couilles sont grosses, plus, en fait, vous avez de chance d'être cocu, quoi. Allô ? Oui ? Oui. Donc non, j'expliquais à votre ami que donc plus votre mari avait des grosses couilles, plus vous allez le tromper, quoi. Non, pas vraiment, parce qu'en plus, enceinte grosse comme je suis, là, tu m'excuseras, mais alors vraiment, même je me demande s'il a vraiment la dalle quand il me passe dessus, parce que putain, bref. En attendant, ça va, vous amusez bien à appeler les gens et tout, comme ça, c'est tout, vous dites, bon, allez. Mais non, mais je m'amuse pas, madame, j'essaye de prévenir les gens, c'est important quand même. Ah, t'essayes de prévenir les gens. Bah okay. Oui. Non mais, franchement, moi je dis ça, je dis rien. Mais quand on joue à des jeux comme ça, c'est qu'on n'a pas de sexualité, mon gars. Donc résultat des courses, à défaut de pas pouvoir pile, eh ben tu appelles les gens, tu leur casses les couilles, tu vois, à pas d'heure, tu te dis bon, allez, tant qu'à faire, je vais faire chier la France. Bah sinon, c'est soit ça, soit je me branle, t'as vu. Mais bon, forcément, vu qu'il n'y a rien à les branches, j'imagine, bah, faut compenser, c'est sûr. Maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu m'excuseras, j'ai une journée d'enculé, mais vraiment, de chien de la casse, je suis fatiguée. J'ai pas le temps de jouer à vos galonneries. Et c'est pas faute d'être pas trop vieille, tu vois. Mais en attendant, voilà quoi. Tu sais, il y a des gens qui vont vivre, il y en a d'autres, apparemment, ils sont payés à casser les couilles aux autres. Certes que la France, hein. Franchement, j'avoue, mazette. Je suis contente pour toi. Au moins, toi, ta paye, tu sais pourquoi tu la gagnes. Moi, en attendant, ce que je sais, c'est que je suis fatiguée. Tu comprends le mot fatiguée, tu vois. Ouais, mais je comprends. Mais bon, ça, en même temps, vous répondiez à la question, je vous donnais l'information et puis on raccrochait, quoi. D'accord, tu m'aurais dit je gagnais 1 million d'euros, à la limite ta question de merde, j'aurais répondu mais avec un putain de grand cheese, tu vois. Ouais. Qu'à côté de ça, maintenant, si c'est juste pour faire rigoler une bande de boros de 15 ans, poubert et boutonné, non, tu m'excuseras, franchement, j'ai pas la foi, je suis pas un sans trahirer, mon frère. Donc c'est mignon, t'es gentil, t'appelles quelqu'un d'autre et tu lui casses tes couilles, ok? Bah oui, ah. Enfin bon, vous auriez pu répondre à la question, quoi. Mais te répondre, ça servirait à quoi? Tu m'as répondu, toi, quand je t'ai demandé si on pouvait rentrer un quart dans la chatte à ta mère, non? Bah, je pense que c'est difficile, mais après, on peut essayer, moi, je... Bah demande-lui, et quand tu leur as demandé, et qu'elle t'aura répondu, et qu'elle t'aura dit, oui mon fils, en effet, tu peux même rentrer 3 quarts en même temps, plus un autre derrière, à ce moment-là, moi je répondrai à ta question, ok? D'accord, et ben moi je vais l'appeler, et puis je vous rappelle alors. Voilà, commence comme ça. Et ben on fait ça alors, je vous rappelle. Voilà, on se rappelle, on fait une bouffe, hein, tous. Ah bah, avec plaisir. Voilà, le plaisir de les partager, mais rappelle pas trop tard parce qu'après je dors, et par contre je te promets. Ah bah non, mais là à mon avis, je pense que ma mère elle dort aussi, donc ce sera, je vous rappelle lundi, quoi. Ben voilà, on fait ça comme ça, que l'intelligence, au moins, elle a pas engendré un demeuré, c'est bien. Allez, bonne soirée. Allez, bien, elle est partie, là. Allez, oh bien, là, là, là. Oh sinon, là qu'elle a dit que t'es mignon, à un moment. Oui. J'ai passé une journée de chien de la casse. Waouh. Ah putain, ouais, elle m'a fatigué tellement elle a parlé. Elle, voilà, wow, ça, la meuf, ça, elle s'arrête jamais, quoi. Ah, ça s'est pas arrêté, là, du genre. Je pense qu'elle était contente de t'avoir téléphoné, ouais. Ça l'a défoulé, en fait. Ouais. Je pense, quoi, je pense qu'elle elle s'est défoulée, ouais. En fait, il sert à ça, c'est un défouloir. Exactement. Là. Bon, eh ben, très bien. Il y a Denis qui dit, il prend cher, Toff, là. Ah, bah, il a pris cher. Il y a Johan aussi sur l'application Mickaël No Limit qui dit, dans le doux, on a Fesvillers, Burn Villers et Mouille Villers. Ah, dis donc, vous êtes servile, hein. Fabienne qui dit, je te demande si la chatte à ta mère, on peut rentrer un quart. C'est énorme. Et 69 degrés qui dit, laissez ce pauvre Toff, il est gentil et il fait rien, sauf que ça nous ferait des vacances s'il tombe d'un escalier. Et Jo qui dit, Mickaël, j'arrive pas à y croire, je viens de voir la vidéo, je connaissais pas, je suis choqué. Bon, alors justement, la vidéo, c'est par rapport à Sabrina qui est avec nous là. Sabrina? Oui. Bon, qui est de retour et qui nous avait appelé donc il y a quelques minutes parce que bah tu voulais parler d'une vidéo que tu avais vue sur Facebook d'un mec avec un chaton, c'est ça? Voilà, déjà je voulais vous remercier de m'avoir appelé. Bah, avec plaisir. Ça me tient vraiment à cœur ce sujet, j'adore les animaux. Et vraiment, on ne te sent pas énervé du tout, t'inquiète. Non, on te sent très calme. Non, non, la chose qui me tient à cœur, c'est que je ne supporte pas les gens qui font du mal à des personnes qui sont vraiment plus faibles qu'elles, quoi. Ça, ouais, c'est vraiment normal. Un truc qui me tue. Alors bon, là un chaton, oui, on en voit plein, hein, mais c'est vrai qu'il y a un moment, là il y a un ras-le-bol, là j'ai la rage grave, quoi, contre le mec, je l'aurais devant moi, je le bute, enfin je le buterais même pas, quoi, je lui ferais la misère, mais grave, quoi. Oui, parce que finalement c'est toi qui ventoule, finalement, donc ça sert à rien. Voilà, ça serait trop bête, quoi, je me salisse les mains pour cette saloperie. Et donc, quand on voit les photos, moi j'ai même pas regardé les vidéos parce que j'ai dit c'est même pas la peine, j'avais déjà l'angoisse quand j'ai vu ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'ai vu les vidéos, enfin j'ai vu les vidéos passer, les mecs qui étaient en train de l'insulter et tout le bordel, mais comme j'étais, ouais, à l'antenne, j'ai pas regardé encore. Moi j'ai pas vu les vidéos parce que j'ai pas envie, hein. Là j'ai pas envie de pleurer, mais j'ai vu les photos, et les photos déjà elles sont hard de chez hard. Le mec c'est un sans couilles, c'est un lâche, c'est un je dirais pas un fils de pute, j'ai pas insulté sa mère, la pauvre elle y est pour rien, quoi, il est si, dégénéré, elle l'a mis au monde. C'est pas sa faute, hein. Ouais, mais il est dégénéré, ça, c'est vrai qu'il aurait dû mourir à la naissance, mais bon, tant pis, il est encore en vie, c'est dommage. Mais moi ce que je veux, c'est que les gens ils soient sensibilisés pour la maltraitance des animaux, parce que là c'est en plein jour, ça se passe dans une cité à Marseille, ouais, apparemment qui doit être connu à mon avis. Alors je vais dire le mec, son nom il s'appelle déjà Farid. Merde, bah, pourquoi ça a coupé? Sabrina, reviens. Sabrina, oui. Ah voilà, très bien, bon, c'est bon, donc on, ouais, y va. Voilà, son nom c'est Farid Gilas. De toute façon, c'est marqué sur Facebook, tout le monde l'a vu. Voilà. Il y a une pétition à signer. Si les gens ils peuvent aller la signer, ça serait super. Ouais. Parce qu'apparemment, ils vont faire un exemple pour ce sale type et pour que ça soit vraiment dans les mémoires et que les gens ils arrêtent de faire des saloperies comme ça. Alors en plus, ils se prennent en photo, ils mettent ça sur Facebook, ils se croient malins, ils croient que ça fait rire les gens, que ça les fait kiffer, mais pas du tout, ça enrage les gens. Mais oui, mais bien sûr, mais il faut être complètement con aussi pour le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'au final, tu parles d'un chaton, mais qu'est-ce qu'il a fait à ce chat? Alors le petit chat, bah, il l'a chopé. Et puis il l'a balancé en l'air. Alors le chaton, il y a un bâtiment d'au moins 5 étages, ouais, une cité. Le chaton, il l'a balancé en l'air, il a été fracassé contre un mur du bâtiment pour commencer. Oh, après, ah ouais, c'est chaud. Il est retombé de je sais pas combien de mètres parce qu'il était à la hauteur de je regarde là à peu près, ça fait deux trois étages au moins. Ouais. Donc le petit chat, il va se fracasser contre un mur. On le voit retomber, il est complètement à côté de la plaque, quoi. La pauvre bête, il est sonné. Bah oui. Ensuite, il recommence une seconde fois et puis il s'éclate, hein. Il en redemande room 2. Alors déjà, il sait même pas écrire en plus. Ok, technique image choc en direct du quartier. Et donc il prend le chaton, il le rebalance et voilà, il s'amuse comme ça avec le petit chat et il marque tous ceux qui... Alors attendez. Tous ceux qui sont pas contents niquent tous vos morts, vos commentaires, C-O-M-E-N-T-E-R déjà, ouais. Carder, au lieu de garder, c'est carder, C-A-R-D-E-R, ouais, bon, allez, les peu importe. Vous, bande de suceuses, voilà. D'accord. Alors, lui, il a tout compris à la vie. Et puis donc, il le balance et le petit chat, il arrive sur 3 ou 4 étages et il retombe comme ça, voilà. D'accord, mais il est mort, j'imagine. Je sais pas, non, apparemment il y a eu des messages comme quoi il aurait été récupéré, que le mec il a été, bon, apparemment chopé, j'espère, et qu'il va en prendre un max. D'accord. Et le chaton, je sais pas vraiment exactement de source sûre s'il a été récupéré, s'il a rien, parce qu'à mon avis, s'il est encore en bon état, purée, le bon Dieu était avec lui. Mais franchement, vu ce que le mec il a fait, c'est criminel, quoi. Bah en tout cas, le message est passé. Il y a Denis qui dit on peut mettre le lien. Non, je vais pas mettre le lien, ça fait de la promo, c'est abruti pour rien. Il y a Franck qui demande lui où on trouve la pétition. Tu as trouvé la pétition sur le Facebook? Alors, la pétition, moi je l'ai mis sur ma page, mais bon, tout le monde n'a pas accès à ma page. Sinon, elle est sur. Alors attendez, je vais vous donner le lien. Vas-y. C'est un lien pour tout le monde. C'est pour ceux qui aiment les chats. Alors faut que je trouve, il est dans mon truc là. Si mon ordinateur a arrêté de bugger. Bah sinon t'as qu'à poster le. Je suis super énervée, j'ai l'air. Mais je vois ça, ouais. Mais sinon Sabrina, ce que tu fais, tu vas sur Mickaël officiel sur la page et tu postes, oui. Tu postes un message avec le lien, comme ça tout le monde le verra. Ah ouais, ok. Ce sera okay, plus bah, simple. Oui, c'est ce que je vais faire parce que j'ai votre page aussi dans mes. Bah dans voilà. Mes et ben bah, c'est okay, parfait. Impeccable. Bon bah le coup de gueule est passé en tout cas, Sabrina là. Ouais, et puis le mettre franchement, faudrait c'est un lui attacher les mains et le mettre avec des chats, mais sauvages. Voilà. Et qu'il passe, mais arracher la gueule. Ah, ça serait mieux. Ouais, avec des tigres. Ah oui, exactement. Non, des gros minous. Ouais. Bah non, parce qu'un tigre, il va le tuer, c'est dommage, non, faut qu'il reste en vie. Oh, bah, enfin, t'inquiète pas, avant de le tuer, il va d'abord. Un crevé, un tympan explosé, c'est vrai. Des couilles arrachées, la totale, quoi. Puis bah reste oui. Comme ça, après. Carrément. Bon, en tout cas, le quand message est passé. Ça, le message est passé, Sabrina, et si vous voulez le lien, donc elle va le mettre dans quelques minutes sur le Facebook de l'émission. Là. Salut Sabrina. Ok, merci beaucoup. Je t'embrasse. Voilà. Ciao. Allez, gros bisous, au revoir. Allez, à bientôt. Ciao à toi. Et avant de faire la déclaration, on va le faire maintenant. Tiens, après, ça va être tard. Là. Miguel, t'es avec nous de Maubeuge, là? Allô. Oui, Miguel qui t'appelle avec nous de Maubeuge, là. Ouais. Bon, alors, toi, t'es en train de travailler, là, mais pour le coup, c'est pour ça qu'il y a un peu de bruit derrière. Là. Bon, et qu'est-ce que tu voulais faire, Miguel? Bah, en fait, je vais déclarer ma flamme à Yohan et tout. Aujourd'hui en fait on s'est engueulé mais je voulais rattraper un peu le coup, quoi. Eh mais il y a de quoi faire un film là dans les hauts fourneaux là. Ah c'est bah là ouais. Brock Break Mountain. Ouais clairement. Ah, ouais. Ouais. Pendant que vous coulez un peu d'acier, c'est ça. Vous pénétrez. Aiguille un petit peu. Et oui, dans la sueur et la chaleur des hauts fourneaux. Et qu'est-ce qui s'est passé Miguel? Il s'est passé quoi? Ici il fait 1500 degrés là, coulé quoi. Ah bah oui, mais il s'est passé quoi avec ton mec? Avec mon mec, bah voilà, on s'est engueulé et tout. En fait, je voulais lui faire un petit câlin, mais malheureusement, elle s'est sauvée, quoi. Il a pris la porte, il a pris sa masse, parce que bon, bah, j'ai voulu l'inviter moi-même à manger, quoi, dans un petit restaurant. Eh mais qu'est-ce que tu racontes, Miguel? Tu l'as rencontré où, ce mec? Bah, je l'ai rencontré à Jeumont, quoi. D'accord, mais tu le connais d'où? C'est toi qui l'as dragué? Ouais, c'est moi qui l'ai dragué, quoi. Et on alors sur la place du marché, quoi, je monte. Sur la place du marché. Vous faites quoi, bon. Vous faites quoi dans en fait quoi, vous couchez ensemble et tout? Bah oui. Raconte-moi un peu. Ensemble, parce que Polo aimerait bien essayer l'homosexualité. Ouais, exactement. Dans les hauts fourneaux. Ah, voilà. Il veut essayer dans les hauts fourneaux. Écoute, je pense qu'on va bien se marrer. Donc reste avec nous, Miguel. On va se mettre le son de Tiesto avec c'est quoi? C'est Red Lights. Et puis juste après, on l'appelle. Bouge pas de là, Miguel. On aura aussi Polo contre le reste du monde. Ouais. Dans un quart d'heure, appelez-nous si vous voulez participer. 01 42 48 5000. Bonne nuit tout le monde. Red Lights, le son de Tiesto à l'instant sur Fun Radio. Si vous venez de débarquer, vous êtes les bienvenus. On est là encore jusqu'à 2h. Donc vous êtes bien là. On est au cœur de la nuit sans pub. Tout va bien. On va faire le polo contre le reste du monde. Ouais. Spécial objets. On en a parlé, hein, les objets que vous allez sauver éventuellement si jamais la maison crame par exemple. Polo contre le reste du monde si vous voulez eh bien passer dans cette magnifique émission qui ne dure que 5 minutes aux alentours de 2h du mat. Eh bien appelez maintenant 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. On vous attend évidemment avec impatience. Bon Miguel, j'avais dit qu'on te reprendrait après Tiesto. C'est donc chose faite. Miguel, on appelle ton mec. Ouais. Allez, qu'on rigole un peu là. C'est parti, vas-y Miguel, on l'appelle là, direct. Voilà. Vas-y, ça va sonner là. Je pense qu'on va se marrer. Ouais, c'est moi, Johan. C'est Miguel. Ouais. Aujourd'hui, je m'excuse et tout. Je voulais t'inviter au restaurant et tout, mais faut changer un petit peu, quoi. Parce que chaque fois, c'est toi qui paye et tout. Et après, on aurait fini dans le lit, quoi. Parce que moi, j'aime bien la pénétration, quoi. Tu comprends? Quelle va être la finalité de cet appel? Je sais pas si je veux ramener de payer tout, hein, je veux bien, mais... Bienvenue dans le Nord. Oh putain, confusion intime. J'aime bien aussi que... Je crois que Léo Fourneau leur a brûlé le cerveau. Tout, moi j'aime bien tout ça, j'aime bien tout de chaud, quoi. Ce qui rentre dans moi, ça me fait plaisir, quoi. Et toi... Ouais, je comprends, mais... Oh, les acteurs. On dirait... On se voit dans un film de boules. C'était pas une déclaration d'amour, à la base? Bah, mais... Parce que des fois... Comprends-tu, des fois, j'aime bien un peu conscience, quoi. Mais c'est bien, mais écoute, je te l'ai dit tout à l'heure, on s'est engueulé au téléphone et tout, je te l'ai dit, c'est pas possible de le dire comme ça. J'ai fait mes pieds et mes mains pour essayer d'en sortir le bordel, et à chaque fois, c'est toi qui es toujours têtu, tu comprends rien à la vie. Écoute, c'est quoi ces acteurs? Actuellement, ce soir, tu vois, je suis au boulot, tu sais bien. On dirait les acteurs qui passent sur les autres radios. C'est comme le papier, moi aussi, je suis au boulot, tu sais bien. Moi aussi, je travaille. Moi, tu comprends, Johan, ma chérie, quoi. C'est mon âme, quoi. Moi, je suis au bout du rouleau, je suis carrément au bout du carton. À quel moment ils vont s'arrêter? Je suis au bout du rouleau, je suis au bout du carton. Moi, je veux faire une vie avec toi, quoi. Je comprends. Ah oui, mais aujourd'hui, si t'es parti comme t'es parti méchamment, ça m'a pas plu, quoi. T'as claqué la porte. C'est toi, réfléchir à deux fois comment tu parles, hein. Tu parles. En plus, moi, le couple, t'imagines, c'est vrai. Tu en parles un peu à tes parents, parce que bon, maintenant, ça fait un petit moment qu'on se connaît, quoi. Depuis tant qu'on s'est vu sur la place du marché à Jumont, moi, j'aime bien ça, quoi. Je sais bien, mais pour l'instant, dire aux parents, c'est facile. Avouer que t'es homosexuel. Allez, en plus, ils sont rentrés sur la place du marché à Jaumont. Les parents, Jaumont, à Jaumont, pardon. Ils dorment bien pour leur gamin. Bon, allez, avec bien, un homme et pénétrer l'un l'autre, quoi. Moi, je veux vraiment actuellement avec toi qu'on fasse l'amour correctement de A à Z. De A à Z. Tu m'attaches et tout, quoi. Vraiment sexuel, quoi. Ouais. C'est ça que je veux. Sexuel. Eh ben, si c'est pas ça, quand je rentre demain matin à la maison après le travail à 6h, eh ben, je retrouve et je vais te démonter le cul dans le plumard. Je vais t'accrocher n'importe où et je vais te sodomiser à sec. Tu sais bien, je vais te rendre dedans, t'inquiète pas. De toute façon, il aurait été bien chauffé avec le fourneau. Ah oui. Il n'y a personne qui toque à la porte, quoi. Je sais bien, il n'y a pas de problème. Moi, ce soir, je te fais vraiment une déclaration d'amour. Ah bah oui, que là, quelle déclaration d'amour, hein, ça laisse rêveur. Je serai au bout du rouleau. Et moi, je veux vraiment qu'on se déclare en mairie pour faire un petit mariage ensemble, quoi. Allez, j'en ai déjà parlé. Je comprends tout à fait, ouais. Ah, c'est beau. Je reste bouche bée par tout cet amour. Ce romantisme. Mais oui. Bah oui, c'est ça, mais... Ce que je veux avec Johan, c'est l'amour, quoi. Mais oui. L'amour de A à Z sexuel. Exactement. Et Johan... Là, t'es au bout du carton. Ouais, voilà. Donc, Johan, ce soir, tu rentres et tu l'encules. Ouais, à sec. Pas de problème. Je l'enculerai à sec. Mais moi, je veux pas qu'il mette de la vaseline. J'aime bien le... Mais oui, avec le gravier. Pas de problème. Exactement. Ah, c'est beau, cet amour, je ne sais que dire. Oh, c'était magnifique. C'était beau. En tout cas, soyez heureux tous les deux. Hein. Bah, bon, merci. Franchement, Viens-moi une petite dédicace avant de raccrocher. Mais oui, bah bien sûr, bah vas-y, allez-y, allez-y. Après tant d'amour, on peut pas refuser. Évidemment, ouais. Voilà. Une petite dédicace à l'usine Pénis en Bremeuse dont on travaille et je vais avoir un petit cadeau pour nous deux. Mais oui, bah on va vous offrir un god. Voilà, pas de problème. Voilà. Un sextoy. Un double. Mais bien double don, offert par passagedudésir.fr. Voilà. Évidemment. Bon, salut tous les deux là. Bonne soirée. Salut. Hein. Allez, voilà, à bientôt. Oh, c'est trop beau. Non, c'est trop d'amour. Je ne savais plus que dire. J'espère qu'ils vont venir à l'enterrement de Toff. Ah bah j'espère aussi, évidemment. Bah c'est eux qui vont faire la croix en fer. Voilà. Qu'est-ce qui arrive à Kofi là? Kofi. Allô. Allô, ça va? Un Kofi sans sucre, s'il vous plaît. C'est drôle, ça. Kofi, t'appelles de Toulouse. Bon. Ouais, c'est pas Kofi, c'est Kossi. Ah, c'est Kossi, d'accord. Ok, alors, il est marqué, c'est Kofi avec deux F. D'accord, Kossi. C'est de quelle origine, ça? C'est algérien. Algérien, d'accord, ok, Kossi. Bon, ben, bienvenue sur Fun, Kossi. Alors, qu'est-ce que tu irais récupérer, toi? Si ta maison crame, tu dois aller récupérer un truc dedans, tu récupères quoi? Ah ouais, je vais direct récupérer ma chicha et mes films intimes. Ah, bah oui. Des films que je parle de ma copine, quoi. Ah, des films de ta meuf, évidemment, mais t'as raison. Bah ouais, faut pas laisser ça entre les mains des pompiers. Hein. Bah ouais, parce que encore la chicha, tu peux en récupérer une, mais les films de ta meuf, là, bon, bah là. Ouais, chaud. Ah, une fois que c'est cramé, hein, ça c'est. Ah bah oui, ça c'est sûr. Non, mais très bien aussi, mais t'y retournerais pour la Xbox, non, j'imagine. Non, je m'en tape. Bon, t'as raison, ouais, non, vraiment. Bah oui, mais t'as totalement raison, Kossi, là, très bien. Et t'es encore avec ta meuf ou pas aujourd'hui? Ouais, toujours, hein. Ah bon, ça va, donc au pire, tu peux encore refaire quelques vidéos malgré tout. Ouais, mais quand même, c'est ouais, mais il va lui en manquer, ça c'est pas cool. Mais oui, voilà. Non mais bien sûr, non mais t'as raison. Ouais. Bah merci Kossi d'avoir appelé, hein. Merci, je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, ouais. Bah je fais une dédicace à Homo Rectus et au Fodor Food. Eh bien, pas de problème, ça roule. Voilà. Bon, salut à toi, Kossi, et belle soirée à toi, à bientôt, enfin bonne nuit plutôt même pour ainsi dire. Bon, 1h54, on va bientôt passer à Polo contre le reste du monde. Il y a Romain qui dit mort de rire, la ville de Jeumont, il parle du marché de Jeumont, jeudi matin. J'y étais, jeudi matin, j'imagine, Romain. Julien qui dit aussi mort de rire, j'aime quelque chose de chaud, lol, super leur histoire de cul. Ah bah oui, c'était tellement beau. Et Camille qui dit c'est intéressant. Polo, je peux venir l'enculer avec un god, mon Polo d'amour. Je ne suis pas convaincu que ça m'intéresse outre mesure. Non, pas du tout. Ouais, je pense également. Il y a Dimitri aussi qui dit je vous écoute tous les soirs, vous êtes trop fort. Merci Dimitri et Ludivine. Moi j'habite Gland, nous sommes des Glandeux. Ah, très bien Ludivine. Et Julien aussi qui envoie un message sur le Facebook. C'est dégueulasse les personnes qui frappent ou qui tuent les animaux. Un animal, c'est comme un humain. Si tu lui fais du mal, tu devrais avoir la même chose. Je suis assez d'accord. Et Ayo aussi, j'arrive plus à m'arrêter de rire. Elle m'a tué. C'était la mère tout à l'heure, je pense. Ah non, c'était l'appel qu'on a fait avec Toff. Ouais. Et Yannick qui dit bah moi si mon ordi pète et que je perds tout je deviens une bombe. Oui, les pornos c'est précieux. Oui, c'est vrai, on peut pas dire le contraire. Ouais, mais c'est toujours moyen de retrouver des pornos. Ouais, et puis au pire vous demandez à Toff, hein, il a certainement toute la collection, ouais. Il pourra faire tellement vous faire un petit prêt, quoi, hein. Il se fait. Ah oui, Toff, il peut avoir toute une collection. Il peut faire des copies et tout, mais qui sont très serviables. Bon, Polo contre le reste du monde. Écoute, c'est ce grand moment que j'attends tous les soirs. Exactement, je ne sais pas si tout le monde l'attend, mais en tout cas, on l'attend, enfin tu l'attends, c'est le principal. Attention, on est des kamikazes, on est dans le maquis là. Exactement, ouais, c'est parti. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. C'est le maquis, on est en révolution, on est en rébellion. Donc profitez-en tant que ça dure. On commence ensuite avec Mathias. Mathias! Allô Mathias? Mathias? Ouais. Je t'écoute. Bon ben moi. Ah, t'es un peu mou toi, hein. Tu devrais t'acheter un peu de cerveau. Le pompier dans le Polo contre le reste du monde. Ouais, allô Polo? Ouais. Ouais, voilà, c'est le pompier. Voilà, moi je t'appelle parce que je voulais te dire les objets, ça sert à rien d'aller les rechercher dans le feu, hein. C'est prendre des risques pour rien. D'accord. Que voilà, les gens ils risquent de se faire du mal, de se brûler, c'est chaud. Alors après. C'est nous qu'on va aller chercher, ils se rendent pas compte du travail qu'on doit faire. Hein. D'accord. Donc faut que tu le dises à ton audience de tes auditeurs qu'il faut pas aller le rechercher. Hein. D'accord le pompier, Jean-Pierre Sauzère. Ah ça siffle, c'est lui, Jean-Pierre. Ouais bonsoir, bah, je croyais que j'étais en ligne avec le patron d'El Paso qui devrait appeler là. T'es en ligne là? Ouais. Vas-y. Bah, je pensais que le patron d'El Paso devait appeler là pour parler. Bah, il est pas là, t'es dans le... Vas-y je t'écoute. Non mais je passe pas dans ton émission de con, voilà, j'arrive pas à saluer, hein. Bande de cons, ouais. Jean-Pierre Sauzère, vous avez des débilités. Mais je suis pas débile, t'es dans mais une non, émission, tu parles dans l'émission. Vous êtes vraiment débile, je vous appelle plus jamais, salut. Bah, Jean-Pierre Sauzère, qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous... Jean-Pierre Sauzère! Allô? Jean-Pierre! Oh, bah il a raccroché. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Isvan! Ouais, alors moi je voulais sauver mon god parce que le god c'est précieux pour. T'as raison, c'est vrai, garde-le précieusement. Vincent! Oui, moi je sauve mon congélateur. Ah, mais c'est un peu normal, pourquoi? Ah, parce que j'aime bien les Mister Freeze en fait. Bon, les gars, bah t'es... oui, c'est vrai, c'est... ça paraît idiot, mais c'est logique. Sébastien! Sébastien, une fois! Ouais. Je t'écoute. Moi je sauve mon slip, moi. Ton slip? Ouais. Eh bah parfait, les casse-toi d'ici. Shogun! Alors moi je sauve ma grosse lampe car j'aimerais te rencontrer en plus en profondeur mon petit polo. D'accord, merci Shogun. Michou. Oui, allô. Oui. Ouais, moi je voulais te dire que j'aimerais bien te défoncer le cul sur la Grand Place à Bruxelles. D'accord, Michou. Voilà, parce que j'aime bien ce qui est chaud aussi et je me dis que tant qu'à faire, bah, je te démonte le cul. Et puis pour l'objet, moi je sauve mon god. D'accord, Michou, merci. Mathias, le retour. Ouais, bah moi... Ouais, je change mon paquet de frites, moi. Ah, super, allez, casse-toi, Mathias. Pompier. Ouais, Polo, j'étais en incendie, là, donc... Attends, mais va éteindre l'incendie, attends, t'es en intervention, c'est pas c'est sérieux ou quoi, là? Isvan. Ouais, moi, je voulais sauver ma fourchette, parce que si j'ai plus de fourchette, je peux plus manger. Tiens, et mets-la-toi dans le cul, la fourchette, Isvan. Vincent, le retour. Oui, alors, moi, je veux sauver mes capotes aussi. C'est ok, très super. Shogun. Alors moi je viens de sauver les stinkers parce que j'ai le cul en feu et j'aimerais que tu me l'éteignes. Ok, Michou le retour. Ouais, moi je peux t'éteindre le feu dans le cul si tu veux hein. Ouais, on peut faire ça aussi. Et pour terminer ce polo contre le reste du monde. Eh, hey, tu me laisses parler enculé. Vas-y Michou. Eh, hey, je t'en reprochonnais pauvre con moi. Vas-y. Ah enculé moi. C'est le plus mauvais et c'est tout. Ouais, ok, merci Michou, c'est tout. Je vais sur la Grand Place. Ok, tu veux pas y aller avec Jean-Pierre Sauzère parce que là je sais pas ce que vous avez avec mon cul vous deux là mais Michou? Ouais. Ouais. Bon tu viens ou tu viens pas alors? Allez casse-toi, j'arrive dans deux secondes. Shogun pour terminer. Ouais moi j'adore ça, j'adore que tu me chauffes le cul avec mes stinkers, j'adore. Dis-moi oui Polo, dis-moi oui. Je te dis non, dégage d'ici. Vincent pour terminer. Mais écoute, je ne sais plus, je suis en manque d'idées mon Polo. Eh ben trouve-en, allez casse-toi. Et pour terminer le pompier. Ouais, bah c'est bon, attends, t'as éteint le feu? Ouais, c'est bon. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Bah rien, je voulais te dire, si tu as un problème, le feu au cul, tu m'appelles, moi j'arrive avec mon grosse lance. Allez, casse-toi, si ça termine, Polo contre le reste du monde, merci à Jean-Pierre Sauzère de m'avoir traité de con, c'est un compliment. Mais oui, mais c'est bien de le prendre comme tel d'ailleurs. Je m'en vais et nous nous retrouvons... Lundi. Ou lundi, on verra. Lundi, parce que nous sommes dans le parce que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et on peut pas mettre Polo contre les restes du monde le jour du Seigneur, c'est normal, j'ai envie de dire. Exactement, oui, tout à fait. Bon, on va se faire le top tweetos également dans quelques minutes. Et puis on va se faire le générique, bien entendu. On va remercier également tous ceux qui étaient connectés ce soir. Il y avait Tirefall qui était là. Il y avait Elwen, il y avait Fabienne, Trendlover. Il y avait Coussin Doux également, là. Et une petite nouvelle, voilà. Félicia également, Camille avec un K, Clément, Margot. Il y avait Ariel également. Il y avait Jean-Pascal. Qui nous écoute, qui est le routier réunionnais, Fabienne également qui était là. Jean-Baptiste. Et voilà, tous ceux qui étaient connectés ce soir. Merci à vous en tout cas, on a encore été le hashtag le plus tweeté en France ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de passer vos nuits avec nous. Voilà. Bon, top tweetos maintenant. Bien sûr. Dit que c'était le numéro 1 qui gagnait, sauf si le numéro 1 a déjà gagné à ce moment-là. Non, je crois que le numéro 1 n'a jamais gagné. Eh ben tant mieux. Numéro 5. Numéro 5, 69 degrés. Très bien. Numéro 4, le prince Nadia. Numéro 3, Cédric. Numéro 2, Fabienne. Numéro 1, Coussin Doux. Oh, bah voilà Coussin Doux. Mais non, elle a pas encore gagné. Elle nouvelle en plus qui repart avec son sextoy offert par passagedudésir.fr. Évidemment. Bon, et on va se faire maintenant, avant de partir, le générique de fin, ouais, comme d'habitude. Hein. Allez hop là, c'est parti. Générique de fin, on y va après. Allez-y. Allez-y. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tel... Putain. T'encules comme toi. Ta gueule de merde. Toi l'enculé. C'est toi qui encule ton donc t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir, aucun danger. Car t'encules ton donc toute la journée. Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Jean-Baptiste. Vas-y, t'as une petite bite à mon avis. Petite merde. Va te faire enculer, sale con. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Je te mets de la cible dans ton cul. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Je m'assure sur ta mère, je m'assure sur ta grand-mère et je les arrose. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule. Merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et puis ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Et ben voilà, hop là, une bonne chose de faite. Voilà. Bon, ben merci beaucoup d'avoir écouté l'émission comme chaque soir. On se retrouve évidemment dimanche à partir de 20h avec des Xbox One à gagner la semaine prochaine. Et on aura aussi des t-shirts là, ceux que j'avais, les Common Air de Rock avec la tête de mort que vous avez bien kiffé d'ailleurs. Et ben on a réussi à vous en négocier puisque vous vouliez les gagner. D'ailleurs, vous voulez les acheter. Donc on va d'abord vous les offrir évidemment. Donc voilà, t-shirt aussi à gagner. Donc dès dimanche soir avec les Xbox One, on aura aussi. Qu'est-ce qu'on avait aussi encore? J'ai oublié. Dis donc, on aura des casques de DJ également à vous filer, voilà, tout simplement. On va être bien quoi. On va être pas mal, on va être même plutôt bien, effectivement. Bon, ben, passez une bonne nuit tout le monde, et puis ben, rencard à partir de dimanche dès 20h sur Fun Radio. 23h, 2h. Fuck Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et dans un instant, sur Fun Radio, évidemment, il y aura notre ami JB. Comment ça va? Très bien, et ben voilà, on va se quitter là puisque j'ai entendu qu'il y avait une enfume qui se préparait à base de vannes de merde. J'ai donc décidé de couler le navire. Voilà, on l'entend plus. Attention, je veux bien te faire confiance, mais si jamais, attends une seconde, si jamais il y a une enfume, plus jamais je te laisse parler à la fin de l'émission. Allume le micro, voilà. Putain, tu m'as donné un ordre ou je rêve? Il n'y a pas de vanne aujourd'hui, je le promets. Vas-y Jean-Baptiste. Tu sais ce qui t'attend, hein, Jean-Baptiste. Il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de vanne. Je vais parler avec vous, voilà. Très bien. Parce qu'il a son rire de je prépare la pire vanne de l'année. Ah, tu sais ce qui t'arrive? Et je n'ai qu'une parole. Mais non, parce que j'ai un dossier sur Sandro. C'est pas une vanne en plus. Ah, c'est quoi le dossier sur Sandro? Alors, attendez, parce qu'on est en pleine négociation. Négociation oculaire. Tu es prévenu, hein. Bon, alors vas-y, balance le dossier. Parce que vous parlez des prénoms. Alors, est-ce que vous savez comment... J'ai le temps de préparer, il y aura dos retour, je te préviens. Attendez, attention, jingle de dossier. Jean-Baptiste, sur Twitter, c'est tapé, je fais envoi. Vas-y. Non, mais. Je t'ai prévenu, JB. Vas-y, j'en ai. Il y aura dos retour. Est-ce que vous savez que. Non, mais je dis faux. T'en fous, t'es un homme. Je suis un homme. Enfin, je suis une omelette, surtout. En plus, c'est nul, non, mais, ce que je veux dire. Vas-y, est-ce que vous savez qu'on appelle Sandro dans les couleurs de Fun? Non. C'est Dario qui a lancé la mode. Lilou a suivi. Gérard Depardieu bourré. Ah, mais. Bon, allez. Je rigole parce que c'est naze. Pourquoi? Pourquoi Dario, moi je vous le dis. Non mais explication, comment... c'est peut-être drôle mais il faut une explication. Il n'y a pas d'explication. Dario m'a dit rien, tu sais comment on l'appelle? Gérard Depardieu bourré. Alors voilà, appelez-la Gérard Depardieu bourré. Bon. Elle ressemble un peu à Gérard Depardieu bourré. Que... Mickaël, est-ce que je valide ça? Ouais, toi tu valides. Non, allez, attends, laisse-moi lire. C'était pas méchant. Non mais laisse-moi lire. Dis-moi si c'est plus drôle que lui. Attends, vient de faire. Putain, allez, c'est quoi ce... Spolo, défends-moi. Oh, mais je peux rien faire, Jean-Baptiste. Merde. Oh, je tweet. Mais c'est quoi, c'est une phrase? Tague-toi. Ah merde, trop tard, c'est parti. Mais c'est quoi, c'est une phrase? Ah c'est non, quoi? C'est pas une phrase, non. C'est quoi? Oh, mais, voilà. Allez voir, hein, tapez sur... Ah, c'est du lourd, c'est du lourd. Allez voir, je retweet, on va retweeter immédiatement le bordel. Je retweet dès qu'on arrive dans Attendez, parce qu'il faut que je fasse en direct. C'est un DS récent, c'est quoi? Eh bah, tu verras, c'est Attends, il faut que je. Allez faut... sur Mickaël officiel. Pas, allez sur Mickaël officiel si vous voulez voir le tweet sur Twitter. Attends, parce que je le vois pas là, le truc que tu viens de mettre. Merde. Attends, il faut que je retweet directement là, putain. Alors attends, Sandro. Oh là là, non mais d'accord. Ouais, non mais là. Ouais, mais t'as trouvé. C'est quoi Jean-Baptiste? Ah non, t'es chouchou. Ah ouais, c'est vrai, t'es juste moche. Ah bah ouais. oui, non mais là c'est violent quand même. Ouais, j'avais 13 ans. Ah oui, bah voilà, ouais. c'est... Ah hey, tu sais quoi, tu m'as fait peur parce que là j'ai vu tous les dossiers de ces derniers jours, ces dernières semaines, je me suis dit qu'est-ce qu'elle a. J'ai des armes, hein, j'ai pas que celui-là. Voilà, c'est retweeté, tapez hashtag Mickaël, Mickaël officiel, hein, n'hésitez pas. Bon, on va se quitter maintenant avec quoi là? Qu'est-ce qu'on va se mettre? On peut mettre ce que tu veux. Nirvana. D'ailleurs les t-shirts c'est quoi? C'est comme un air de rock. C'est fou, c'est un air de dance floor, hein. Ce qui est con, celui-là. C'est que bon, un air de rock, enfin bref. peut mettre. Hey, vous voulez pas qu'on mette un vieux son? Qu'on mette un vieux son. Mais on peut son. Mettre ce que tu voulois. Mais qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Dans ton veux... émission de toi. Un petit. Un petit Justin, un petit David Guetta. J'ai ça là. On a du lourd là. Attention, ah, il va bah, évidemment il va aimer, mais bon. Tragédie Gentleman. Non, mais attends, évidemment tu vas aimer, ça c'est sûr. Ah. Oh putain, Alcazar. Mais comment tu connais? Regarde, il est content là. Attends, j'ai mieux. Mais comment tu peux retrouver ça? Ah, c'est bon, ça, je connais. C'est simple, il était trop petit. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah mais là, il est dans les A là. Il est dans les A. C'est trop vieux. Il était pas né encore, trop vieux là. Ah non, là, il était pas né, non. Attends une seconde. J'étais poisson. Putain, qu'est-ce que je t'avais dit? Jean-Baptiste. Excuse-moi. C'est, oh, tu souffres d'une maladie? Là on est bon là. Non mais bon là c'est trop vieux. Grand Master Flash. Mais oh putain, mais toi tu connais rien là. En même temps c'est la machine de fun. Début moi, du après, rap mec. 70. Attends. Ouais. On a des sons de 70. Mais bien sûr. Il y a oui, même ça. Je sais pas ce que ça fout là. Ah, Gabriel avec Dreams. Non, c'est à moins que elle était borgne. À moins qu'RTL2 décide de prendre les studios un jour. Mais ça, faut le passer, Mickaël, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué en bas du logo de Fun? Bon. Merci à Gérard Depardieu. Des souvenirs. Ah, j'adore. Attendez. Oh, c'est bon ça. On le laisse. Oh putain, ça c'est le Club Med. Le Club Med. From Desire. Ah, ouais. C'est ça, Frit. Ouais, c'est pas ça pour Frit. Attendez. C'est Frit. Non, parce qu'elle aime les pommes, Gala. Et ça? Bon, c'est pas le plus connu, hein. Le plus connu. C'est quoi ça? Non, attends, j'ai trouvé mieux, là. Il va aimer. Ah, ça, c'est Corneille. Non, Gage. Oh, c'est Gage. C'est horrible. Bon, allez, encore un petit dernier avant de partir, là, histoire de voir, là. Attends, allez, on va aller dans les P. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais même pas. J'y vais. Oh. Ah, ça c'est Dance Floor, hein. C'est nul, hein. Dance Floor 90 quand même, hein. C'est pour hommes avec Born This Way. C'est pour hommes, pour les mecs quoi. Pour hommes. D'accord. C'est ouf. Ah ouais. Ouais bon, mais autre chose. Allez ça. Let's do it. Okay, stick your hands up in here. Ah, c'est une reprise ça. Mais non. Mais non. C'est un live. Voilà, on est bien là, on fait le tour de la discothèque de Fun, tiens. C'est pas ça? Non. Mais si! Bon, allez, de toute façon. Mais si, c'est ça! Bon, on part avec quoi alors? On sait pas. On part avec ce que tu veux. Bah, je sais pas moi. Le oh là là! Oh. Voilà, on va mettre ah ça. Oui, oh putain, c'est. Ça s'appelle comment ça? C'est les Venga Boys. Ah ouais, c'est exactement. Alors, Il nous a sorti les Venga Boys. Oh, allez, oh ouais! Oh Polo, viens. Allez hop. Hey, dégage la mine droite. Allez. Bouge. Bon allez, t'es pas fun hein. Bon mais quoi? Non mais là t'es trop vieux. Descends un peu. Tu m'approches pas. C'est YMCA ça. Bah oui c'est YMCA. Bah oui, pas là-bas. Bon allez, donc c'est tout. Alors on sait pas quoi mettre alors. On sait pas quoi mettre. Mais descends un peu. T'es trop vieux là. Mais descends pas. C'est pas classé par date. C'est classé par lettre. Si non. Plus tu descends, plus c'est récent. Mais non. Je vais lui apprendre la radio à ce mec. Oh putain, bon, ça, non. Ah, c'était fou. Oh là là, il y avait ça. Être ami. Oh, c'est bon ça. Ouais, jamais de la vie. Il est où, Nadia, lui, il est où. Être ami à nous. Oh, c'est... All my life. Ah, c'était pas mal ça. Ah, Beautiful Monster, Neyo. Ah, ouais, non, mais ça, on a l'impression que c'est hier. Alors, on va bien finir par trouver quelque chose là quand même. Merde. Et remonte un tout petit peu avec le dernier son que t'as joué. Non mais non, j'ai mis au hasard là, tu crois que je me souviens de tout là. Attends, il y a quoi là? Oh, Metallica. Non, je plaisante. En même temps, lui, tu sais même pas ce que ça veut dire. Lol. Non, t'es pas mal avec ça. Ah ouais. Bah, évidemment, il connaît pas. Oui, c'est pas ce que c'est. Bah non, il connaît pas. Putain, c'est dingue. Bah c'est quoi, dis-moi? C'est Lauryn Hill. Ah ouais. Des Fugees. Ouais. Putain, tu connais rien. Ah, un petit killing me softly, ça passe. Ah bah oui, c'est dance floor ça. C'est-à-dire que là, à part un slow, tu peux rien faire avec ça. Il va y avoir une version remix. Ah ouais, bah génial, tiens. Tiesto remix. Bon bah écoute, je sais pas quoi, mais mets ce que tu veux, je sais pas. Alors on peut se mettre un petit. Voilà, là on est bien. C'est IAM. Connais pas. Putain mec. Mec, tu sers à rien, t'es vraiment pas bon, t'es au-delà. Mec, de... c'est. Putain. Bah mets un petit Neyo, c'est bien. Ouais, c'est bien ça. Oh, c'est bon ça, Nathalie Bruglia Thorne. C'est pas Dance Floor. Bah ouais, mais j'aime bien. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade, qu'est-ce qui t'arrive? Non mais j'aime bien. T'es devenu fou. C'est le son des lovers ça. Ah ouais bah, il ah c'était pour chercher la meuf. Oh là là là. Polo, je t'amène sur une plage. Bon on va on met quoi alors là Un Neyo. Tape Neyo, celui que tu veux. Bon d'accord, ok. Alors on va mettre ouais, ta gueule. Je cherche mais je vais t'aider JB. Voilà. Voilà. Ça y est, c'est fait. Tu l'as aidé. Ouais. Ok, très bien, tant mieux. Bon, tu sais quoi, ça m'a saoulé, on verra. Hop, on va mettre. Merde. Voilà. On va mettre un bon vieux son, tiens. New World Sound. Ça a au moins 3 semaines. Hein. Allez, c'est JB la nuit, là. Bon courage jusqu'à 6h. On se retrouve dimanche à partir de 20h sur Fun Radio, juste après l'Eurodance 25. Et puis bah, tous les soirs de la semaine aussi après le VinFun, entre 23h et 2h. Bonne nuit, tout le monde. Salut, bisous. Je te dis merde.